Ouais, ouais. T'inquiète pas, on gère. Tu nous cherches, on sait se retenir comme le souffle d'un plongeur. Là, c'est du Joule, dédicace toutes les prisons. Pour ceux qui se ressentent, qui m'écoutent et qui ont les frissons. Des fois, j'ai plein de missions, j'ai plein d'intuitions. Avant que les civils viennent, je cache le shit dans les buissons. J'ai dit la vérité, ils sont devenus tout raides. Le poteau a fait un plan, il est tombé amoureux de son bourrel. Dédicace, Mehdi, YZ et à mon GP. Pour les bandeurs d'YZ et les voleurs de GP. À l'instant, Joule en direct, en live. Il y a les dédicaces aussi. Je ferai dédicace. Dédicace Nanterville, La Grine, au Vieux Pont, Gattuso, Antol, Beto, Pipa, Béné, Pruno, L'Origine, La France, Nirmou, Yaya, les Élites du Nord, Hams, Dengo, Olney, Vitry-sur-Seine, Le Vau, Choisis le Roi, Chemin du Passé, Miklo, Soso et Jordan. Vitry, Belleville. Joule, grosse dédicace à Cri et Coquet, Cri et Marc du Coquet. Grosse dédicace à tout mon quartier Saint-Jean-la-Pointe. Grosse dédicace à ma mère, à mon père que j'aime. Grosse dédicace à Geneviève, à Anissa. Grosse dédicace à tous les quartiers de Marseille, à tous les frérots en prison, à Mada, tous les frérots au Beaumet, au Salon, au Ponté, de partout. Grosse dédicace JP au Ponté. Et voilà, grosse dédicace à tous ceux qui m'ont écouté. Grosse Joule. Dédicace à ma team Joule aussi. Joule, merci. Merci à toi en tout cas pour ce live. Merci vraiment parce que je sais que c'était pas évident pour ce démarrage avec les problèmes de casque et d'instru. C'était compliqué. Mais directement t'es reparti. Tu nous as enfilé là 30 minutes. Franchement, merci vraiment pour cette session live à l'instant. Merci à vous. Merci à Elle sera d'ailleurs dispo sur le skyrock.fm dans la soirée. Hein. Tu vas le remettre, Romain, dans quelques minutes. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe. Joule, l'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça a plu à ma team. Et voilà, je remercie encore ma team que j'ai vu tous les messages que vous m'avez envoyé avec les pochettes des CD et tout. Je vous aime à tous, la vérité, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous le rendrai, vous le savez. Merci à toi, Joule. Juste avant de retrouver Difool, je sais qu'on est un peu à la bourre, on va le retrouver dans un instant. On fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Rachid de Nice, comment ça va, Rachid? Allô, salut Fred. Eh ben écoute, bienvenue dans ce gros Planète Rap avec Joule ce soir qui s'achève là à l'instant. Tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va, Rachid, c'est parti? Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Dernière soirée aussi pour choper les places pour aller voir Rihanna au mois de juillet en concert avec Skyrock. Top. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, c'est Riri, il y a deux places qui t'attendent, c'est super. Pour toi Rachid. Merci. Merci à toi Rachid, passe un beau week-end. Bon week-end tout le monde, merci vraiment Joule une fois de plus. L'album merci. Est dans les bacs. Merci à vous aujourd'hui. Merci, un gros merci à Skyrock, à Fred, à Difool, Romano, toute l'équipe. Ils sont là d'ailleurs, l'équipe. Tout le monde, merci à tous. On est à la bourre, je suis désolé, Difool. Allez-y, prenez votre temps. Et grosse dédicace à Juliette, Musica, c'est une grosse dédicace à Juliette, voilà. Et grosse dédicace à Believe, et grosse dédicace à Apple. Merci à tous. Merci à toi, Joule. Et au GP aussi, grosse dédicace au GP. On va retrouver donc Difool et toute l'équipe. Oui. Ouais. Et gros dédicace au scooter d'hier soir. Le zip. Merci Joule, en tout cas, merci pour cette semaine. On a passé une belle semaine avec toi, Planète Rap, c'était super. C'est bien marré. Et dans les bacs, c'est très fort aussi. C'est émotion, l'album qui est sorti aujourd'hui. Merci pour le super freestyle en exclu ce soir dans Planète Rap. Merci pour la dédicace à Momo aussi dans le freestyle. Ouais, merci. Et merci pour la dédicace à Momo, oui, on a écouté ça tout à l'heure. Sympa d'y penser. Merci. Normal, la dédicace à Kiwi. Et bien, salut Kiwi aussi, tiens. Ouais, dédicace à Kiwi. Doom Doom, Kiwi. Yann Darren, voilà. Dylan, Joule, Ludo, Marina. Voilà. Arrête, je sais plus, on est bien. Nana, on oublie, dédicace aux oubliés. Dédicace à Fred. Voilà. Merci Fabio. Dédicace à tout le monde. Tu reviens à minuit, Fred, tout à l'heure. Oui, je vous présenterai un groupe parisien qui s'appelle Panama Bende. Panama Bende, et puis du Joule aussi, j'imagine. Et évidemment, beaucoup de Joule aussi ce soir dans la deuxième heure de la nocturne. Eh bien, soyez là dans la nocturne. 21h, minuit, c'est Radio Libre, minuit. Jusqu'à 2h, la nocturne. Et lundi prochain, Planète Rap en direct. Hein. On est là en direct tous les soirs hein, dans Planète Rap et dans la Radio Libre la semaine prochaine. Ouais. Avec. Alors, attends. Il a oublié, Fred. Je suis en train de. C'est la panique, Fred. C'est un peu... Non, c'est pas la panique du tout. Non, j'ai pas oublié parce que la semaine prochaine, on va revenir. revenir un peu sur les gros albums de ce début de saison, hein, de cette année 2016. Donc il y aura, on va retrouver des lives de SCH, de MHD, de Jul aussi, et du Escrew. Donc une grosse semaine à pas louper. Eh bien, on sera là dès lundi. Mais en direct, hein, Fred, tu seras là avec nous, bah, évidemment. Évidemment. Bon, bah, merci Jul, merci Fredo, salut à la team Jul et Radio Libre. Ça démarre dans un instant, on se met la pub en speed et on arrive avec toute l'équipe. Ouais. Vous nous appelez, au 01 53 40 30 20 si vous voulez passer ici, le 41 759, l'appli Skyrock, on arrive tout de suite. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Beau mec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue. Tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. Concert. Skyrock. Yeah, yeah. Bitch, but I have my money. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Skyrock, c'est déjà le milieu de l'année, l'heure des premiers bilans. Moment au 71 777. Nos astrologues vous guident dans vos démarches futures. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71 777. Des réponses précises sur ce que les astres vous réservent pour la suite de l'année. Moment au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Est-ce que c'est parti? Radio Libre en direct sur Skyrock, 21h02. On y va tout de suite, générique direct. Générique direct. Romano. Difool. Ils sont bizarres les gens qui travaillent à Skyrock, hein, quand même. Hein. Cédric. Tu veux qu'on fasse l'amour avec ton fusil? Marie. 4 x 5. 25. Samy. Attends, s'il te plaît. Momo. J'ai mangé de l'arrêt. Et Karim. Voilà. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, 21h minuit, c'est parti. Allez, on y va jusqu'à minuit en direct. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Il est 21h02. On est en direct ce soir. On sera en direct la semaine prochaine jusqu'au 14 juillet. On est là. Profitez-en, vous aussi. Et passez-nous des coups de fil de toute la France. Bah oui, c'est pas les vacances quand même. Ah, on va en profiter un petit peu de ces soirées. Tous ensemble avec toute l'équipe qui est là. Bienvenue à tout le monde d'ailleurs. Salut. Bonjour la Marie. Bonsoir tout le monde. La Marie qui est venue nous voir ce matin dans le morning. Je pensais que tu te réveillerais pas ce soir, mais si, elle s'est réveillée. Magnifique. Ouais, ce matin, ouais. Si, je me suis réveillée. Non, mais ce soir et ce matin d'ailleurs. Ah oui. Oui, je pensais que tu te réveillais pas ce matin. Allez, mais comme tu t'es levé, je pensais que tu te réveillerais pas ce soir. Non, ça va. Tu vois, je suis en forme. Elle est là. J'ai dormi, tout va bien. Bonjour Karim qui était là aussi ce matin. Ouais, salut les man. C'est bien passé aussi. Ça va, c'était cool. Tu t'es réveillé tranquille. Ouais, pépère. Pépère. Bonjour. Bonjour Samy, ça va. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Romano. Bonsoir. Toujours fidèle au poste, le matin, le soir, partout. Tiens, j'étais en train de préparer un truc, Romano, dans le journal des Bleus, spécial pour toi. On parlera des coupes de cheveux des joueurs de foot. Ah, très bien. Ça, c'est aujourd'hui, sympa. Aujourd'hui, il y a eu séance coiffeur. Ah. On vous expliquera un peu une de mes passions, la coiffure. Oui, oui. Non, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Vous savez pas ce qui s'est passé. Ils se sont trompés. Didier Deschamps a fait une nouvelle blague. Vous êtes au courant de la blague de Didier Deschamps? Ah non, c'est, fait, alors, c'est Karim qui m'a annoncé ça tout à l'heure, donc j'ai pas vérifié. C'est vrai, Karim, ce que tu m'as annoncé tout à l'heure? C'était quoi déjà? L'histoire de. Quelle mémoire, Karim? C'est quoi, vas-y, dis. C'est l'histoire de l'Irlande. Ouais, c'est l'équipe de France, ils pensaient tomber sur l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, ouais. Donc pendant 3 jours, ils ont regardé que des vidéos de l'Irlande du Nord. Non, mais non. Et en fait, on tombe sur l'Irlande. En fait, c'est un traquage qui est pas. Mais je crois pas que c'est vrai. C'est un traquage qui est parti des réseaux sociaux. Ouais, je pense que c'est pas vrai. Je crois que c'est vrai. Autrement, c'est une nouvelle blague de Didier Deschamps qui ne s'arrête pas depuis le début de la semaine. parce que l'adversaire. On regarde les vidéos du Brésil pour le prochain tour. Oui, c'est bien Didier Deschamps. Ouais. Bon, le journal des Bleus de l'Euro à ne pas louper ce soir avant minuit, évidemment, comme tous les soirs. On va suivre l'Euro jusqu'au bout hein, sur Skyrock, yes, dans la Radio Libre. Restez bien avec nous. On en reparlera d'ici minuit. Ça, c'est une blague, on nous dit. Ah, bah c'était marrant. Bah, ouais, c'est parti d'un traquage. Ouais. Moi, ça m'a bien fait rigoler cette histoire. Ouais, voilà, on va regarder l'Irlande, l'Irlande du Nord pour y rigoler. Mais par contre, on rencontre l'autre Irlande. Ah ouais, ils se sont trompés. Et voilà. Bon, du foot, évidemment. Bien sûr, votre journal des Bleus, je vous l'ai dit. Votre clash de la drague. J'ai pas dit bonjour à Cédric, mais je ne sais pas où il est passé. Cédric, peut-être avec la team Jules, j'en sais rien. Ou dans un parking quelconque, ou une cave, peut-être. C'est possible, il aime bien. Comme il faisait un peu chaud, il a fait un peu chaud cette semaine. Peut-être qu'il allait se rafraîchir dans voilà, une cave. Voilà, je suis mieux au frais. Peut-être qu'il allait se faire hydrater, parce qu'il avait soif, je sais pas. Voilà, bonne bite dans la bouche, dans une cave au frais. Pépère. On prendra des nouvelles tout à l'heure, des nouvelles de Cédric. Salut les filles. Salut Cédric, on espère qu'il sera là pour le clash de tout à l'heure, parce que c'est la belle ce soir. Eh hein. Ouais, la belle. Après la belle victoire de Romano mercredi, après la belle victoire de Cédric lundi. Ouais, quoi, la mienne était quand même plus belle. Hein. Moi, j'ai pas gagné à 51%. Quoi. Qui aura le titre aujourd'hui pour fêter le titre de vainqueur de la semaine? Ah, oh, mais non, il était sur le coiffeur, le con. Très bien, tu es allé chez Adolphe, ton coiffeur. Comment il va? Mais tu restes bonjour, il demande de tes nouvelles d'ailleurs. Mais écoute, tu dirais que je n'entendrai pas. Pas envie de finir. Bonjour Cédric, au fait. Ouais, hein. Bonsoir tout le monde. Très bien, on te cherchait, on ne sait pas où t'étais. Eh bien voilà, tout le monde est là. Vous aussi, okay. Vous pouvez débarquer en direct d'ici minuit au 01 53 40 30 20 sur le 41 759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. Vous débarquez ici de toute la France. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont là. Bonjour à Mimine du 69. Salut à toi Mimine du 69. Bonjour à Matoub du 94. Il y a Rick Ross, 17 ans, qui vient d'arriver. Salut à toi Rick Ross, qui laisse un petit message à la Marie, un petit message personnel. Une petite envie. C'est quoi? Bah regarde, c'est là. C'est, regarde, juste en haut là qui vient de défiler. Ah, je redescends. Ouais, c'est malin. Il veut que j'aille suce. Ah, évidemment, c'était sûr. Non, mais franchement, je pensais que c'était un truc sympa. Salut Rick Ross, salut Sinoc, ouais, salut Steven, sympa, salut ouais. Blue, donc, salut Matt52, salut Barani qui vient d'arriver. Donc, vous voyez, les messages arrivent directement dans le studio. Donc, dès que vous voulez réagir en direct dans l'émission, dès que vous avez un truc à dire, vous nous passez un coup de fil et vous débarquez ici. On a Margot là pour démarrer la soirée qu'on va prendre tout de suite. Et puis, on prépare les doubles appels des familles et Pamela et les pervers de la semaine qu'on va découvrir d'ici quelques instants. Yes. Les nouveaux pervers, ceux qui ont laissé des messages à Pamela, est-ce qu'ils sont chauds ce début d'été? Hein, est-ce que la température est montée aussi dans leur calvaire? Est-ce que c'est very hot? Est-ce que c'est, je pense. Hein. Est-ce que c'est very hot? On verra ça tout à l'heure. C'est Pamela qui drague sur les réseaux, sur tous les réseaux. On ira draguer en direct aussi sur les réseaux ce soir pour se trouver des, pour ouais, trouver sur des, les chats, des hommes et tout tranquille. Exactement. Le défi de Pamela ce soir. Allez. Trouver un homme avant minuit. On lui souhaite bonne chance, elle arrivera d'ici quelques instants sur Skyrock. Ne bougez pas, préparez-vous. Et Margot est déjà avec nous. Bonjour Margot. Salut Margot. Salut Margot, comment vas-tu? Ça va et vous? Eh bien écoute, ça va bien. Sois la bienvenue Margot, t'as 17 ans toi, c'est ça? Exactement. Exactement, on va te retrouver dans un instant et on va parler look. Comment vous trouvez votre look? Ça vous plaît? Vous trouvez ça super? Romano, ton look aujourd'hui, ça sympa au niveau t'as de... T'as le look coco man. T'as le look coco au niveau de la coupe? Au niveau de la coupe de cheveux, je pense que je suis au top. Ouais, ouais, je suis au max. Attends le journal des Bleus, parce qu'on va, parler des Bleus et de leurs cheveux tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais, c'est aussi stylé que celle de Pogba ou de Giroud, c'est clair. Ouais, ouais, au moins. Au niveau du look, ça va dans l'équipe, Marie, aujourd'hui? Regarde les garçons autour, comment tu les trouves? Non, mais comme d'hab. Comme d'hab, c'est vilain. Attends, je regarde un peu autour de moi. Ça va? Enfin, moi, je vais... Ouvrir ma veste, j'ai Apollo. Voilà. Ah bah... Ouvre ta veste et montre un peu ton torse à la Marie. Non mais ça va, bah comme d'hab, ouais. On est assez classique, hein, moi. Ouais, ouais. Assez classique, regarde. Mais classique, mais swagué, je trouve, moi. À part Romain des réseaux sociaux qui nous a sorti une petite salopette, là, ce soir. C'est très joli. Mais il avait décroché en haut, donc on dirait qu'il est une. Bah attends, la journée, il est plâtrié, donc. Voilà, donc il finit la journée, il vient à Skyrock et il a pas de son travail, quoi. Ah oui. Il a le maître dans la poche. C'est ça, la truelle dans la poche arrière, c'est parti, quoi. Tiens, si vous vous trouvez beau gosse au niveau du look, belle gosse au niveau du look, vous pouvez nous envoyer vos photos. Et moi je suis un beau gosse, nous dit Rick là sur SMS. Vous pouvez nous envoyer vos photos sur l'appli Skyrock. Bah, on voit la preuve. Ouais. Elle marche très bien. Vous allez donc sur l'appli, c'est l'appli, donc vous pouvez télécharger, vous nous laissez vos messages. Et on en reparlera dans un instant avec Margot qui est de retour avec nous. Et puis les familles du double appel, je vois déjà qu'elles sont prêtes. Je pense qu'on va y aller hein, pour le double appel, on est prêts. Hein. Margot, alors qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de ton look toi ce soir? Bah moi j'ai un style un petit peu particulier. Le souci, c'est que mes parents, ils acceptent pas du tout. C'est quoi le style particulier? Parce que les parents, c'est vrai, ils peuvent être choqués par des trucs qu'on fait. Toi, Romano, t'avais choqué tes parents quand t'avais des cheveux avec des cheveux jaunes. Bah non, mais il y avait jaune poussin. Il y avait eu un problème sur le dosage de la décoloration. Oui, mais ils étaient jaune poussin. Non, mais ma mère, elle m'avait traité de con avec mon pote. Et tu te souviens de la gueule qu'elle avait fait quand elle t'avait vu avec tes cheveux jaunes poussin dans la salle de bain? Elle avait fait. Mais vous êtes complètement con, mais tu sais, c'est sorti du cœur, quoi. Ta mère, elle t'a sorti la même chose, Margot, quand elle a vu ton look, elle t'a fait. Mais vous êtes complètement conne, ou tu es complètement conne, je pense qu'elle te tutoie, ta mère. Je suis avec un pote, hein, c'est pour ça. Ouais, c'est ça à peu près. C'est ça à peu près. Alors, c'est quoi ton look? Écoutez bien, puis vous me dites ce que vous en pensez. Non, t'es pas une gothique, parce qu'il y a Blue qui nous fait ça doit être encore une gothique. Non, pas vraiment. Tant mieux. Après, vous faites ce que vous voulez. Je salue les gothiques, hein, parce que j'ai un ami personnel qui n'aime pas quand je critique les gothiques. Je sais pas pourquoi, mais il est pas bien. Ouais. Il est pas bien quand dès que ça parle de gothique, il est mal. Le mal. Voilà. Donc ça lui rappelle des souvenirs. Je suis pas bien des nerfs. Les gothiques, on vous accueille sans aucun problème dans l'émission. Oui. Donc Margot, c'est quoi toi ton problème de look par rapport aux parents quand ta mère a fait les piercings, tatouages. Les piercings. Mais t'as combien de piercings? 4. Mais t'en as où des piercings? Parce que bon, t'as peut-être 2 oreilles, bon, c'est anormal, ça passe. Ouais. Le problème, c'est en plein milieu de la gueule, genre dans le nez, dans l'œil. Ah merde, ma bière. Avec l'anneau. Voilà. Mais dis donc, Romano, tu bois de la bière? La bière japonaise. Ouais, je me suis dit, tiens, ce soir, c'est vendredi, je vais faire une petite binouze. Vendredi, tout est permis? Ah oui. Et oui, avec l'azaïe. Donc, t'as mis tes piercings, ils sont où? Ils sont où tes piercings, toi, Margot? Alors, j'ai des implants, genre, en dessous des yeux. En dessous des yeux. Et ah ouais, dans la paupière. Non. Dans la joue encore. Dans la joue. Non, dans la pommette. Bah, l'endroit où les vieux ils ont des poches. Ouais, voilà. Ah ouais, putain, ça doit faire mal là. Oh, t'as pas morflé quand tu t'es fait percer ici? Non, ça va encore. Non, mais surtout quand tu vas l'enlever, ça va te laisser des trous toute ta vie. Hein. Moi, je trouve que ça fait sale. Ouais, ça va faire une cicatrice. T'es sale. non, mais désolé, Margot, hein, je te donne mon avis. Moi, je trouve que ça fait un peu sale. Alors, tu en as un ou deux en bas des yeux? En bas de chaque œil ou juste en bas d'un œil? En bas d'un œil. En bas d'un œil, très bien. Après, il y en a donc un. J'ai une oreille percée. Genre, j'ai 2 trous. Ouais, bon, ça, les enfin, ça dépend, parce que si t'as un trou en haut, les parents, ils acceptent moins que t'as un trou dans le lobe, par exemple. Dans le cartilage, ouais, j'ai les lobes et j'ai en plus des trous dans le cartilage. Allez, bon, on fait les deux. Oh, bah, tant qu'à faire. Non, mais à la limite, tu vois, je suis parent, ça me dérange moins que ma fille, elle se fasse une boucle d'oreille dans le cartilage que sous les yeux, tu vois. Ah, bah, pareil, ouais. Le pire, c'est classique, limite dans l'oreille. Tu sais, il y a beaucoup de meufs qui, en tout cas, à une période, ont eu des trucs plein les oreilles. Ouais, moi, j'en ai eu plein, tu vois, c'est pas trop dérangeant. Ouais, pareil, ouais. En revanche, j'avais un piercing dans le nez, je l'ai enlevé assez rapidement parce que tout le monde commence à en avoir, ça m'énervait. Mais ça fait un moment que je l'ai enlevé, j'ai toujours le trou. Hein. Donc, toi, sous tes yeux, ça va être sympa après. Je suis troué de partout, vous savez. Je suis troué que de là. J'adore. Ah, et des oreilles. Ok, alors les oreilles, en dessous des yeux, il y en manque 2. J'en ai 2 aux oreilles, donc. Ah, il en manque un. Il en manque un, ouais. Et le dernier, il est où? Eh ben, après, c'est le nombril. Et ça après, c'est le nombril. Oui, c'est ultra classique, oui. Oui, ultra classique. Et puis, bon, ça peut se cacher, le nombril. Ce qui est déjà quand même pas mal. Le truc en bas des. Ouais, le truc le plus compliqué, c'est en bas de l'œil, ouais. Et ta mère, elle a tourné de l'œil quand elle t'a vu avec un piercing en bas de l'œil? Bah, les piercings, pour l'instant, ça va, mais c'est ce que je veux faire plus tard. Ah, parce que c'est pas fini. Ah, bah non. Écoute, c'est le début du chantier. Devenez parent. Et donc, ce que t'as envie de faire, c'est quoi? C'est quoi? C'est des tatouages? Plus que des tatouages, des modifications corporelles. Ah, genre les barres qu'on te glisse sous la peau, là? Et ça fait des reliefs et tout ça, là? Comment ça s'appelle? C'est quoi? Tu veux faire des chirurgies? Tu veux faire quoi? Tu veux devenir comme un Bogdanov? Ah, mais ça, c'est chaud, ça. Non. Genre, un tongue split, genre se faire couper la langue en deux. Ah ouais, mais c'est horrible ça, je comprends que ta mère a fait. Ah, mais c'est horrible. Vous imaginez-vous, je sais pas. Ah, genre langue de serpent, quoi. Oui, c'est ça. Imaginez-vous, vous avez une fille, vous avez une sœur, je sais pas, mais enfin bon, vous avez quelqu'un dans la famille qui vous explique qu'elle va se faire couper la langue en deux. Alors, après, c'est de faire un piercing en dessous de l'œil. Moi, je lui dis qu'il est complètement taré. Elle ou il, d'ailleurs, c'est pareil. Ouais, que ce soit garçon ou fille, pour toi, ça serait pareil. C'est horrible. Elle va se couper la langue comme un serpent, mort de rire, nous dit Kino. Ah bah, même chose pour Saboune aussi, qui fait. Elle va se couper la langue comme un serpent, mais oui. Brrr. Alors, comment vous réagiriez? Qu'est-ce que vous diriez? J'aime pas les piercings, moi, je veux juste des tatouages, nous dit Steven, 17 ans. C'est chelou, quand même, pour y dire. Il y a Clem Crazy qui nous dit, elle est chelou, oh my god. Elle me fait peur, pour Clément, sur SMS aussi. Ah bah, ça, c'est clair que... Non mais, si, je pense que tu vas faire flipper les gens, Marco, quand t'auras ta langue coupée en deux. Ouais, mais en plus, je sais pas, c'est un peu une mutilation. Donc et pour parler et tout. Bon, c'est fait chirurgicalement, j'imagine. Hein. C'est pas le mec qui prend pas une paire de ciseaux. Ouais, puis, allez, hop, c'est fait. Une découpe. Combien de centimètres je vous fais? Ah, c'est vrai que c'est chaud quand même. Alors, on nous dit qu'avec la langue coupée, c'est plus pratique pour rouler des pelles. Il y a William Boys qui nous fait. Elle est grave, là. Ça me dégoûte, on nous dit, là, juste en dessous. Ah, bah, ça doit être beau, ça, dis donc. Elle sucera 2 fois mieux. Ça va ? N'importe quoi. Les avantages. Elle sucera deux fois, mais c'est pour le mec, 21 ans. Si c'est ma sœur, moi je lui arrache tous ses piercings. Message de Karim, 92C. Bonjour Karim. Mais encore les piercings, c'est enfin, même le piercing sous l'œil, c'est rien par rapport à la langue. Ça excite quand même 2-3 mecs. Regarde, Shockman, qui dit ça peut être sympa pour la fellation. Est-ce que tu veux te mettre de l'encre dans les yeux ? Parce qu'a priori, c'est faisable aussi. Oh ça. Non, ah, non, c'est l'enfer. Ça, je voulais en parler aussi. Ah bah voilà. Ah bah, ça boule, là, sur les messages, t'as devancé. Elle veut pas se mettre de l'encre dans les yeux. Et pourquoi tu comment ça t'est venu tout ça? Après on fait ce qu'on veut avec son corps. Ah oui, vraiment. Bon, t'es pas la seule à avoir après, chelou hein. Imagine-toi quand t'auras 60 ans, c'est il faut penser à ça, quand tu seras vieille, que t'auras ta langue coupée en deux. Hein, avec ton piercing et ton trou en bas de l'œil. Bah tu passeras pour une vieille folle. Et ton encre dans les yeux. Bah c'est pas grave, enfin, plus tard au moins j'aurais fait ce qui me plaît quoi. Oui, c'est vrai qu'on a qu'une vie, il faut savoir en profiter, je vous le dis souvent. Ouais, mais bon, il faut réfléchir aussi, tu vois, pour la suite, c'est vrai que bah, même pour ta vie professionnelle, je sais pas ce que tu veux faire dans la vie, si tu veux faire un truc à un contact avec du public, genre je sais pas dans une banque ou un truc comme à ça. L'accueil. Là, ils vont te voir avec ta langue en deux là. Oui, les bonjour. les vieux, ils vont tomber dans les pommes derrière. Le... Mais tu vas tu vas être là, oui. Mais tu vas vous voulez des sous. Tu vas forcément regretter plus tard. Hein. Ouais. C'est forcément. Non, mais c'est 17 ans, c'est le fun, etc. Parce qu'après, il y en a plein qui font des délires comme ça, mais c'est par exemple ceux qui sont dans les salons de tatouage, des salons de piercing. Oui. Là-dedans, tu vas là-dedans. C'est, oui, mais alors il faut travailler là-dedans. Quoi. Ouais. Bah, ou alors, il y a un métier pour lequel ça doit marcher, là, en coupant en deux, c'est prostituer. Hein, parce que je vois les messages depuis tout à l'heure. Il y a le boulanger qui nous fait ça doit faire bizarre de se faire sucer par une langue coupée, c'est peut-être sympa, c'est bien. Avec la langue coupée, c'est plus pratique pour rouler des pelles. Pour sucer, ça peut être mieux, nous dit Jérém du 69. Pas sûr, moi. Parce que moi, admettons, je vais pas aux putes, mais j'irai aux putes. Voilà, ouais, j'y vais, ouais. Ouais, ok. Mais voilà, ça, t'inquiète, Cédric, on sait. La meuf, je sais pas, elle tire la langue, je vois sa langue comme ça, je me dis, la meuf, elle a une maladie, quoi. C'est vrai que ça fait une bizarre. Attends, tu sais, tu la connais de nulle part, la meuf, elle a la langue coupée en deux, je fais, oula. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu chelou? Et puis, faites-nous signe. Et tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Margot? Dis-nous. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien faire comprendre à ma mère que c'est vraiment ma passion. Enfin, c'est vraiment ce que je veux. Aïe. Ça va être compliqué d'être parent. C'est un peu compliqué. Parent de Margot, pas facile. Hein. C'est pas facile, pas facile. Alors, il y en a plein qui nous disent c'est vraiment chelou, c'est horrible pour Poison 28. Elle est malade pour Aurore du 87. Décidément, Difoule, tu as beaucoup de tarés à l'antenne, Géraldine. Mais même dans l'équipe, hein, tu sais, Géraldine, on est un peu tous comme ça, on a tous nos trucs un peu bizarres. Elle veut se mettre de langue dans les yeux, c'est chaud quand même. Et on salue les Suisses qui nous écoutent avec l'appli. Je vous disais, l'appli, c'est bien pratique si vous partez en vacances. Vous avez Skyrock dans votre poche, partout dans le monde. Ryder qui nous écoute. Je peux même vous écouter en moto depuis la Suisse. Nous écoutons Moto Rider. Salut à toi, ami Suisse. Salut, ami motard. Salut, biker. Salut, le biker, ouais. Mais Margot, boulot avec ça. Après, tu vas galérer pour Kev. Il y a plein qui disent. Pourquoi, simplement, déjà, tu débutes pas par un truc plus classique, un petit tatouage, voilà, tu vois? Pour l'instant, les piercings, après tatouage et après modification corporelle. Ah oui, donc bon, ce sera dans quelques années. Donc d'ici là, t'auras peut-être changé d'avis. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Mais au moins, commence par un petit tatouage, tu vois. Bon, au pire, tu peux te le faire enlever. La langue coupée en deux, je suis pas sûr qu'ils puissent te la recoller si t'en as marre. Regardez, je suis déjà sorti avec une fille qui avait les seins percés et on ne pouvait plus lui toucher les seins tellement qu'elle avait mal. Gaylord qui nous laisse ce message. C'est donc super utile. Gaylord, 18 ans. L'hôtel était tellement sensible du bout des seins qu'on pouvait plus tripoter le bout des seins. C'est l'enfer. Genre même un t-shirt qui frotte, ça lui fait mal. Oh putain, imaginez. Ta vie après quoi. Voilà, si c'est comme ça, choisir entre Margot et Cédric, je choisirais même Cédric, c'est pour dire, nous dit Karim. C'est gentil, putain. Karim sur SMS. Tu vois, tu fais peur à Karim, qui pourtant préfère les filles au départ. Hein. Bon, les tatouages ne sont pas mal vus. Je suis animatrice, je vous écoute, nous dit madame. Non, les tatouages, ça peut passer après une langue coupée en deux, plus le truc sous. C'est peut-être le cumul qui risque d'être bizarre. Ouais, c'est ça, exactement. Là, puis les tatouages, c'est à long terme, tu pourras les effacer. Mais Cédric, tu n'aurais pas fait des modifications corporelles au niveau de ton visage? Ce matin. Ah si, Cédric, regarde, sur le front, tu as une modification corporelle, tu t'es mis une corne. Une petite corne qui pousse. C'est original. Mais il y a des mecs qui font ça, qui mettent des cornes. Bah, Cédric, tu m'excites à la mort. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, je te kiffe, je me demande si je vais tenir jusqu'à minuit. Tu sais que Romano. Tu peux retirer la main de tes poches. Tu sais pourquoi il est excité? C'est parce qu'il a envie de mourir sous un amas de pu. Ouais, c'est ça. Et donc? Et il se dit que si ta corne du front explose avant minuit, eh bien, il aimerait bien que ça lui arrive dessus. Ah bah, ça sera un tsunami de pu. Un tsunami de pu. Non, mais t'as une modification corporelle au niveau du front. Ouais, j'ai un petit. Par rapport des mentons aussi. Ah, ça, c'est pas normal de la molle 4. Non, ça va. Ah, bon, alors, moi, si mes enfants font ça, je les renie. Nous dit Clara is lazy. Elle a 18 ans. Salut à toi, Clara. C'est ce que ma mère m'a dit. C'est vrai, pareil. Ah, mais je comprends sa réaction. Surtout que la langue, tu peux pas la recoudre. Hein. Ah bon, ça se recoupe pas. Tu peux pas recoudre une langue. J'ai un pote qui avait eu un accident de voiture qui s'est mordu la langue, tu sais, avec le choc. Et il a pas pu parler pendant un moment.

fais pas. On a Margot qui veut se faire des trucs chelous sur son corps. Margot qui nous a appelé, qui nous a passé un petit coup de fil. Ah bah oui, Margot, elle veut se faire couper la langue en deux. T'as 17 ans, oui. Alors, il y a plusieurs messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Alors, si j'ai une fille comme ça, je vous ai demandé si un jour vous avez une fille comme ça. C'est qui est tout tatoué là? C'est Titou, 28 ans, qui a des tatouages sur tout le bras. Le bras gauche, pas le bras droit. Bon, ça va, ça encore. Mais puis les tatouages, on peut les enlever. Après, bon, ça coûte cher, ça peut laisser quelques petites traces. Ouais, ça se voit, hein. Ouais, ça laisse quelques petites traces après. Cher, hein. Ce que vous disiez là sur les messages que vous nous avez laissés. Et comme le dit Romano, toujours là pour veiller à vos économies, ça coûte grave cher. Ah, c'est vrai que ça coûte cher. Alors, non, mais ça coûte cher, c'est très long, et en plus de ça, et après, la peau, elle est pas normale, c'est comme si t'avais été brûlé. Ouais, hein. Comme brûlé, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Le joint du cendrier, alors toi, t'as rien, t'as pas de tatouage, t'as pas de piercing, mais t'es beau gosse. Il y a, c'est ce que tu nous dis, il y a Boulanger aussi qui vient nous envoyer une très très belle photo de lui. Sinon, il y a Toitouancho. Alors, Toitouancho, il a mis une cravate ce soir pour nous montrer son look. Waouh. La classe. Et sinon, ouais, on nous dit, si j'ai une fille comme ça, je la mets dans un zoo, vu qu'elle veut ressembler à un lézard. Comme ça, je me fais un petit peu d'argent. Ouais, c'est pratique. Pas bête. Non, mais tu peux devenir une bête de foire, tu sais, genre, la femme lézard. La femme lézard. La classe. Tu vois, on te met dans un chapiteau, les gens, ils viennent te voir pour 5 euros, c'est sympa. Ça doit faire trop grave mal, la langue coupée en deux, nous dit, oh, du 92. Alec Dumont, il faut qu'elle pense à ses futurs enfants. Quand ils vont sentir de son ventre, ils vont tellement flipper qu'ils vont re-rentrer ou alors jamais parler de leur vie tellement ils vont être traumatisés. Pense à tes enfants, regarde. Moi je l'ai fait ce qu'elle a fait, j'adore. Laurent qui nous laisse un message. Moi, une fille comme ça, je la renie. Je ne veux pas de ça à la maison. C'est Théo qui a 15 ans et qui est dans le 93. Salut Théo. Ouais Théo. Ouais. Demandez à Pamela si elle est percée. Pamela, on va la retrouver là, d'ici quelques instants là. Tenez-vous prêts là. Ouais, elle arrive, attention. Ouais. Bon alors, on va revenir avec toi. On a vos réactions en direct. Mais réfléchis quand même, Margot, parce qu'une fois que c'est fait, bah il y a quand même un truc que tu dois supporter pendant une grande partie de ta vie. Hein. Non, moi je te dis, commence par des trucs plus simples, tatouages. Ouais, tu vois, je voulais commencer par. Moi je commencerai par les tatouages. Les piercings pour te percer de partout. Tu veux te percer où après? Parce que bon, t'as déjà en dessous de l'œil, l'oreille qui est percée, le nombril. Bon, pour l'instant on en est là, mais tu veux t'en mettre où? Ah, tu peux en mettre partout. Hein. Finir les joues, la lèvre. Ah ouais, non. En plus, c'est sur la gueule. Mais ouais, tout est sur la gueule. Joue, lèvre, gueule. Tu vas avoir des trous partout. Tout, hein. Tout voyant, ouais. Et puis tu pourras plus prendre l'avion. Parce que tu vas sonner dans tous les sens. Ah. Bah ça c'est clair. Mais oui, c'est vrai. Ah, sa mère doit accepter. Ah, autorisation parentale, on nous dit, puisqu'elle est pas majeure. C'est Béné qui nous dit ça, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Ça c'est vrai, ouais. Mais t'en as plein qui feintent. Hein. Ouais. C'est vrai, t'as 17 ans, ouais. Moi, j'ai une fille comme ça, je lui demande de m'enlever les yeux. Ah, comme ça tu la vois pas. Nathan du 33 qui est. Ah bah je te dis, si tu fais tout ça, tu vas passer pour une marginale. Ouais. Et on nous dit à 80 ans, elle va pouvoir tourner dans un film d'horreur. Non, c'est Poison du 28 qui nous dit ça. Ah ouais, et puis t'auras pas l'air débile, genre. Sans effets spéciaux. Ça sera Mamie Lézard. Ouais, exactement. Et à Kiko, lui, pour être original, il dit ni tatouage, ni piercing, ni rien. C'est tellement plus original d'avoir rien. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle veut faire ça? Donc bah écoute, si c'est vraiment ton truc, après c'est ton corps, hein, t'en fais ce que tu veux. Mais pense à ton avenir professionnel, ton avenir, pense à tes gosses aussi peut-être. Parce que là, s'il sort et qu'il re-rentre immédiatement. T'as envie de. Ma mère, elle est. Non, mais toi, à la limite, bon, tu veux travailler dans ce milieu-là, mais attends peut-être de travailler là-dedans pour te lâcher totalement, quoi. Oui. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Non, mais t'as raison. Attends. William. Qu'est-ce que tu dis d'ici là, pour un peu, t'auras changé d'avis. Tu te diras, en fait, qu'est-ce que j'étais bête. C'est marrant, quand vous mettez dans la position des parents de Margot, dans la position des parents en général, il y a William qui a 17 ans et qui nous dit, moi, si ma fille est comme ça, je lui tatoue le corps avec des coups de ceinture. Ah, c'est joli, c'est original. Voilà, pour lui faire plaisir, c'est gentil. Bien joué, William Ushiwa, qui vient de nous laisser un message. Qui est tatoué dans l'équipe? Bah, on a. Moi, j'en ai deux. Peut-être que je vais en faire un autre. Ouais. Enfin, je dis ça à chaque fois, je le fais jamais. Fais-toi le lézard comme ça à la vie. Qui se termine sur ton visage. Ou un logo de l'OM sur le front. L'OM. Alors là, jamais. Oh. Ah, je préfère et dans le dos. Dans et le cul, tiens. Tiens, fais-toi une tour Eiffel. Mets-toi une tour Eiffel quelque part. Ah, ça va être joli, ouais. Les gens, tu voudrais faire quoi, Samy? Bah, je sais pas, une phrase ou quoi, mais bon, pas en France, tu vois, je le ferai. Alors j'écrirai droit au but. Bah, à chaque fois je dis ça, je le fais jamais, donc. Je mettrai à côté de mon cul. Droit ton but. Droit au but à côté de mon trou du cul. Ouais, en anglais. Et voilà. J'irai en Angleterre. Go to the goal. Go to the goal in the ass. Go to the goal in the ass. Non, je sais pas, je verrai. Non, les tatouages, c'est trop swagué. Moi j'aime trop, mais je préfère le voir sur les autres que sur moi. De toute façon, ma mère elle veut pas et j'ai 14 ans. Ouais, donc toi, il faut peut-être que tu attendes un petit peu. Bon, bah écoute. Bon, réfléchis quand même un petit peu, Margot. Et puis, je sais pas, parle-en à tes. Elles t'en disent quoi, tes copines, tes potes? Je sais pas si t'as un mec. Elles sont dans le même état? Mon copain, il est à peu près dans le même délire. Enfin, d'accord. À peu près. Bon, t'en as trouvé un bon, c'est bien. Enfin, qui te ressemble. Après, mes potes, la plupart, ils acceptent. Comment vous réagiriez si votre meuf était comme ça? Vous sortez avec une meuf, vous avez une meuf, et puis elle revient, et puis elle vous dit, je vais me faire couper la langue en deux, je vais me mettre des piercings au nez, enfin partout sur le visage. Tout ce que j'ai sur le visage, un nez, des lèvres, un menton, et j'ai des amis qui en ont plusieurs. Ah ouais, j'en ai quatre. Tu pourrais te faire un paquet de piercings dans les mentons, Cédric. Ouais, mais non, ah, t'imagines toi. Ah, ça serait mignon. Ah non, horrible. Donc comment tu réagirais? Tiens, Romano, toi qui sors avec Carriole, la belle Carriole du morning. Ouais, non, mais elle a eu sa phase, hein, où elle avait les cheveux orange. Non, mais imagine demain, elle vient avec la langue fendue en deux. Non, voilà. Langue fendue en deux. Non, mais à un moment donné, elle a eu sa période, mais je l'ai pas connue, moi. C'était avant qu'elle soit avec moi. Elle était percée partout. C'était une teufeuse. On salue le teufeur, d'ailleurs, qui nous envoie plein de photos de lui. Big up, teufeur. Elle avait les cheveux orange fluo. Waouh. Et elle était très bien, ça. Elle était trouée partout. Et elle a tout enlevé. Elle en a eu marre. Elle a tout arrêté. Mais c'est... Non mais ouais, mais la langue, non. Mais moi, je sais pas, j'aime pas trop. Tu sais, même les tatouages, ah ouais. Je trouve ça joli, mais trop, je trouve ça. C'est Rémi du Morning des Infos qui tatoue de partout. Ouais, ouais, mais en même temps, lui, je compte pas le niquer, donc ça me dérange pas, tu vois. Pourtant, il a un beau piercing. Il a tatouage et piercing. Écoute les infos le matin, Margot, tu vas être contente. On a un tatoué, un percé. Ouais, il a tout. Il a un piercing à l'arcade. Ouais, c'est ça, il a des tatouages pas mal sur les bras. Il a écrit Brooklyn sur le bras. Biceps. Voilà. Le reste, on n'a pas vu parce qu'on n'a pas voulu voir. Non, non, c'est bon. On a juste vu les bras, ça suffit là. On a déjà assez vu habillé. Bon, bah, merci en tout cas pour les messages que vous nous avez envoyés, Margot. Bah, écoute, bon courage chez nous au courant. Et puis, tu nous envoie-nous des photos si tu te fais des trucs. Ok, et il y a moyen de passer une dédicace? Et il y a moyen de passer une dédicace, vas-y, fais péter. Je passe une grosse dédicace à Bengo Soso qui est en train de m'écouter, à Mourad aussi de Scoopstar. Et bah, à tous mes potes. Tous ceux qui restent. Que je connais depuis tout le lycée. Tous les potes percés. Salut à toi, Margot. Raccroche pas, puis on t'envoie le t-shirt Skyrock. Tu le perces pas avec tes piercings, attention. Hein, fais gaffe, tu fais pas les trous dedans. Hein. Tiens, les piercings, j'accepte, elle a la langue coupée en deux. Alors ça, je casse direct si ça arrive avec ma meuf. Tiens, il y a justement, moi si ma meuf elle est comme ça, je la plaque. Tiens, message de Chris du 33. Je la plaque, c'est dégueulasse. Une meuf avec une langue coupée en deux. Petit point technique, a priori il y aura un problème avec l'appli. Ah. Merci de vérifier. Ah, merci Romano pour le petit point technique. Vérification de l'appli tout de suite. Allez la télécharger. Et puis, si vous l'avez déjà, allez vérifier si ça fonctionne l'histoire là. Vincent, moi je l'avance sur le bon coin comme ça. Pas cher la fille. Ouais, pas cher. Bien. Ça. Bisous Margot, on t'embrasse. Salut Margot. Bisous Margot, ciao. Oui. Ciao, ciao. Et fais attention à toi. Il y a Quentin, tiens, qui voulait réagir pour toi. Tu le prends juste en speed. T'es là, Quentin? Ouais. Combien de tatous, combien de piercings toi? 5 piercings, 5 tatouages. Ouais, 5 et 5. Et c'est bravo. C'est où les piercings? 5 et 5, 9. Piercing. Ouais, c'est ça, Marie. J'ai les deux oreilles de percée, j'ai la langue de percée. Ouais. Le labré à droite et l'arcade. Et l'arcade. L'arcade. Labré, c'est quoi labré à droite? Alors, le labré, si tu veux, c'est en dessous de la lèvre, mais à droite. Et toi, t'aimes bien ou ça t'a posé des problèmes dans ta vie de tous les jours avec les meufs, avec tes parents, avec le boulot? Jamais, au contraire, ça a toujours plu à tout le monde. D'accord, et la langue coupée en deux, tu ferais ou pas? Moi, perso, ouais, pourquoi pas, je le ferais, ouais. Si jamais j'avais l'occasion, je le ferais. Mais quel est l'intérêt, d'ailleurs? Parce que c'est vrai, on a demandé à Margot, elle trouve, bon, elle a dit que c'était joli. Mais c'est quoi l'intérêt de se couper la langue en deux comme ça? Bah, je sais pas, moi, perso, je trouve ça vachement fun, et puis au moins, on sort du lot, quoi. Ouais, mais tu sais, on n'est pas commun, quoi, après. Avant, tu faisais des tatouages, tu sortais du lot. Aujourd'hui, t'as pratiquement autant de mecs et de meufs tatoués que de mecs et de meufs. Ouais, j'exagère un peu. Hein. Ouais, là, on espère quand même que pas tout le monde sera, du coup, avec la langue coupée, tu vois. Ouais, bientôt, tout le monde sera là. Le serpent, quoi. Le fils d'un serpent. Ouais. Ah, moi, ça, je trouve ça horrible, c'est de la scarification, quoi. La langue coupée. Ah ouais, c'est chelou, hein. Moi, sur la langue et sur le nombril, je trouve que ça fait beau. Ah, là, il parle du piercing, c'est Nito qui nous laisse un message. Et toi, t'as jamais eu de problème avec les gens qui t'entourent, toi, Quentin? Ah, jamais. Et les tatouages? Ils sont où? Alors j'en ai un sur chaque manchette. Ouais. J'ai un petit ce qu'on appelle un petit placard sur le mollet gauche. Bien pratique pour ranger des trucs. Bah ouais. C'est lequel tu l'as sur toi? Gratuit, pas cher. Et oui, tu as envie de ranger un truc. C'est quoi que t'appelles un placard? C'est un truc pour ranger des choses. Si tu veux, c'est un tatouage qui est quand même assez imposant, quoi. Ah d'accord, ok. Mm-hmm. Voilà, si tu veux, il me prend du dessous, enfin à l'arrière de la jambe, du dessous du genou jusqu'au tendon d'Achille. Ah oui, quand même. Ouais, en gros, il te fait tout le mollet, quoi. Ouais, en gros, t'as tout le mollet qui est tatoué. En gros, c'est ça. Mais là, tu sais, le truc que tu t'es mis sur la gueule, là, ça te fait pas pencher la bouche d'à côté? Non. Oh, non, c'est Popeye. Tu sais, c'est comme Popeye avec sa pipe. Mais c'est quoi que t'as mis là sur le visage? C'est une boule? Ouais, bah, j'ai mis ce qu'on appelle un fer à cheval. Donc, ça traverse ça traverse la lèvre et puis ça revient au-dessus de la lèvre. Ouais, bien pratique. Ouais. Quand tu fais des méditations, par exemple. Ouais, c'est bien. Ouais. Sans galère de faire à cheval, t'en as sur le visage, c'est bien. Exactement. Très bien. Bon, et moi, ça porte bonheur. Bon, bah, ouais, c'est vrai. Ouais. Envoie-nous une photo pour qu'on puisse mater ça, c'est bien, Quentin. Tu veux une photo de quoi? Bah de... Du gros tatouage ou... Ouais, on voit la totale. Ouais, fais-nous une photo de la totale, qu'on puisse voir à peu près ce que ça donne. Si on te voit dans la rue, comment on réagit. Là, j'en ai un dans le dos, je pourrais pas te le montrer. Bon, à part celui du dos, mets-nous une photo de face. Ouais, bon. je vais essayer de te faire ça, je te les envoie. Bon, alors, attends, ne bouge pas, on te garde. Je te passe, t'as eu qui? T'as eu Samy? Ouais, je te passe Samy, ne bouge pas. A tout de suite, Quentin. Merci. Ami tatoué, ami percé, c'est un peu votre début de soirée là sur Sky. Bon, on aura dans un instant Brian et tous ses potes qui sont en train de faire une teuf. Et ouais, c'est la soirée de fin d'examen là ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a les soirées de fin d'examen. Ah bah ça Marie. Ah bah ça Marie, elle a fêté la fin des examens, elle en a pas passé un seul. Voilà, exactement. Chaque année elle fait la fête. C'est ouf. Et oui, vous avez la fêter ce soir, c'est demain parce que soir. Je suis solidaire. Dimanche soir aussi. Et je recommence pas. La semaine prochaine. Ah, c'est bien, Marie, elle fête non-stop. Oui. C'est ça. Salut Brian, qui a fêté. Brian et les potos. Salut Brian. Allô. Ça va, ouais. Ça va bien ou quoi? Eh ben écoute, ça va bien. Vous êtes dans le 38, t'as 15 ans, toi, ouais, Brian. Ouais, 38. Et vous êtes combien? Ouais, c'est ça. Là, on est à 8. 8, alors il faut faire un petit peu de bruit, là, les 8. Allez, vas-y, regroupe. Ouais, ça va, je me suis mis à l'écart. Tu t'es mis à l'écart, non, vas-y, regroupe tout le monde autour du téléphone, qu'on entende les tuffers ah du ouais soir. Bah, allez, tranquille. Allez, tranquille. Ouais. Les grenoblois, allez-y, dans le 38. Ouais. Faites tout péter tout ça. Salut tous ceux qui font une teuf. Allez, dis bonjour. Écoutent. Dis bonjour. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, les grenoblois. Bon, ça a démarré à quelle heure la soirée pour vous? Elle se termine quoi? Non, elle a démarré à quelle heure votre soirée? Ah, 17h30. Et elle finit. Ah, commence tôt. Et elle finit. Vous êtes bien déjà. Il y en a déjà qui sont complètement pétés, non ou pas? Non, non, ça va, pas d'alcool. Pas d'alcool. C'est bien, tranquille. Pas d'alcool, comme ah ça, bah, la fête est plus folle. Ah bah, moi, quand j'entends ça, ça me donne envie d'être bourré. Pas d'alcool, Romano. Regarde, moi, je suis au coca aussi ce soir, Brian. Je suis comme vous, là, pareil. On pense à Marie. Ah ouais, bah, c'est sympa. Elle n'est pas au coca, Romano non plus. Mais c'est chelou quand même de faire une fête sans alcool. Eh bah, regarde, Romano, ce soir, je fais la fête avec vous et je bois quoi? Je suis d'accord. Un coca. Un Coca-Cola. Et vous finissez à quelle heure la soirée? Vous dormez tous au même endroit? Ouais, je sais pas. Ouais, normalement on va dormir ensemble, mais je sais pas à quelle heure on va se coucher. Il y a de la meuf un peu? Ouais, ça va. Bah, il y a 4 filles, 4 garçons. Ah ouais, ça va bien. Parfait. Et ben voilà, une bonne soirée qui commence. C'est bien équilibré, ouais. Et vous... il manque juste un peu de bibine, quoi. C'est vrai. Mais au moins, vous droguez les jeunes. Ah, pas Marie. Et vous faites quoi alors? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce soir, toi, Brian? Justement, tranquille, on a fait un barbecue et tout. En fait, du coup, on sait pas trop quoi faire. Mais j'adore faire des barbecues, c'est l'été, c'est cool. Ah ouais, c'est clair, putain. Ah, ça. Et vous savez pas trop quoi faire. Bon, alors. Ouais, parce qu'on s'en fait du gros bête, puis ça s'est mis bien. Et on sait pas trop quoi faire. Vous faites des jeux avec l'alcool que vous avez. Mais il n'y a pas d'alcool. Regarde, Ayette, qui dit moi je ne bois pas d'alcool. Un jeu à la limonade aussi, il n'y a pas de souci. Un jeu à la limonade, très bien. Ayette, elle boit pas d'alcool, mais elle s'éclate quand même, tu vois. Romano, tu es un alcoolique pour Nito. Mais absolument pas. C'est écrit sur les messages. Je lis vos messages et je vois très bien que vous considérez que Romano est un alcoolique. Ah mais moi franchement on m'invite à une fête, on me dit ouais par contre je te préviens il y aura pas d'alcool. Franchement à moi que ça soit vraiment un bon pote dans ce cas-là, bon je me sens un peu obligé. Un petit effort, mais ouais, je me suis obligé d'y aller, mais alors si c'est une personne tu prends ta bouteille avec toi, non? Ouais, c'est ouais, non mais ou alors je me change la gueule avant d'y aller quoi, mais ouais, t'avais une bouteille d'Oasis et tu mélanges un petit peu avec un peu de vodka à l'intérieur. C'est ça, c'est la fin. Non mais Marie, t'es d'accord avec moi? Ah bah ouais, c'est évidemment clair. Oui. Sans mais j'avais fait un mariage comme ça moi sans alcool. Et alors? C'est un mariage rebeu. Non mais en fait les mariages rebeux, va sur les parkings, tu vas voir s'il y a pas d'alcool. Mais là il y avait les parents et tout, donc il y avait pas d'alcool. Et en fait mon pote qui se mariait, il nous avait quand même pris une petite caisse de vin et on allait dans la cuisine en fait, tu sais, pour boire un petit verre. Non mais c'est sympa. En planqué. D'avoir prévu. Ouais, c'était sympa. Faites un strip poker ou un caps. Bon, si vous avez des idées pour une soirée, vous envoyez ça à 41759 Skyrock. Moi je fais avec des jeux d'alcool. Non mais attends, 4 mecs, 4 meufs, tu peux faire des trucs bons dire. Oui, c'est vrai. Après, ça peut passer. Dit limonade pong. Après, ah ouais, limonade pong, beer pong, c'est vrai. Limonade pong, ouais, mais vous allez être. Je pense que c'est trop dur, c'est trop violent. Ouais, on va être pété, je pense. Ah, vous risquez de. Bah, je pense que vous allez être pété. C'est certain, on va pas assumer, je pense. Faites une partouze. Mais. Je sais pas combien on a reçu de messages. N'importe quoi. Pour une partouze depuis tout à l'heure. Il y a la sœur d'un pote, donc une partouze, c'est chelou. Est-ce qu'il y en a qui sont accouplés? Ah, je vois que ça en intéresse certains derrière. Est-ce qu'il y en a qui sont accouplés ou pas du tout parmi vous? Alors non. Pas de couple. Tous célibataires. C'est bon ça. Non mais fais. Ben ça c'est pas plus mal à l'aimer. Ah, c'est un jeu d'alcool. Non. Un jeu de limonade. Ouais. Faut faire un jeu un peu de cul. Ouais, bah ouais, ça. Un jeu de cul. Non, je vous ai dit, il y a la soeur d'un pote. Ouais, mais ah c'est ouais. pas grave, elle joue pas, elle. Elle va y passer aussi, là. Elle est arbitre. Ah non, mais elle est arbitre, arbitre ouais, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme jeu à la con quand vous êtes avec une bande de potes? Qu'est-ce que vous, comment vous organisez? Vous imaginez, vous êtes 8 potes comme Brian et tous ses potes. Il y a 4 garçons, 4 filles. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des idées? Allez-y. Vous nous laissez vos messages sur le 41 759 ou avec l'appli Skyrock, c'est gratuit, vous nous envoyez tout ça. Et puis on en reparle dans un instant. Bon, restez avec nous, Brian, va boire une petite limonade pendant ce temps. Ouais, ah ouais. Du coup. Oui, la tienne. Ne bois pas trop vite, hein, fais attention. Oui, vas-y, attention vas-y. À la cuite. Ouais, ouais, Brian. J'aurais moyen d'avoir, parce que la première fois que j'avais appelé, en fait, il m'avait appelé. Enfin, j'étais au lit, il y avait école. Ouais. Et il y a moyen d'avoir un t-shirt dédicacé ou ah pas? Ah bah oui, vous passez à l'antenne, on vous envoie vos t-shirts. Tu veux vraiment qu'on te dédicace? On va le souiller. Ah ouais, ah y a pas, moi si le t-shirt il est dédicacé à fond, bah ça me va. Bon ok, alors on t'enverra le t-shirt. Non, tu restes avec nous, Brian. Hein, et on va, on va s'occuper de toi. Il y a plein d'idées que vous nous laissez. Faites des blind tests. Faites un jeu en écoutant l'émission et pariez sur un mot qui doit être prononcé par un des animateurs de Skyrock, un mot chacun. Et ah oui, j'ai. Ouais, mais avec ça, Romano c'est dur. Romano dit n'importe quoi. Ah bah oui, Romano c'est très. Ah dur. Ouais. Ah ouais, vous donnez un mot chacun qui existe. Ouais. Hein, et celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui a le premier mot. Qui est prononcé par un des membres de l'équipe. C'est ça, ouais. Par exemple, vous pronostiquez le mot roulette. Si je dis roulette, hop, il y en a un qui a gagné. Ah ouais, c'est pas cool. Et celui qui perd, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme le jeu de la biscotte, il mange la biscotte ou je... Oh ouais. Ah non. On nous propose également le jeu de la biscotte. Je sais pas, une cuillère de moutarde, une connerie dans ce genre-là. Une cuillère moi, de moutarde. C'est pas alcoolisé, c'est dégueulasse. C'est quoi ce jeu? Bah je sais pas, pour ceux qui c'est perdent. C'est le jeu de la moutarde de Dijon. C'est pourri. Ouais, c'est génial comme jeu. Bah, je sais pas, c'est Romano ça. Non, mais chez moi, on fait pas ça. Moi, je te dis, moi, je collecte des jeux d'alcool, le birpon, le caps. Je cherche pour toi. Et sinon, strip poker, on nous dit. Hein. Action ou vérité? Sinon, time's up, moi, je fais ça souvent. Moi. Strip poker, ça revient souvent. Ouais, strip poker, d'ailleurs, je suis plein de messages. Non, mais Marie, les jeux qu'elle fait, faut pas qu'elle propose. Les jeux qu'elle fait, c'est d'autres métiers avec 4 mecs, alors. On n'a pas compris, mais. Parce qu'elle noyait dans la limonade, mais oui, c'est ça l'alcool. Ah ouais, c'est ça. Les soirées sans alcool. C'est ça la limonade. Ouais, ouais, ouais. Ça ravage, quoi. Bon, les jeux que vous faites entre potes, allez, on vous attend. Vous nous laissez vos messages. On revient avec Brian et ses potes dans un instant. Je vous ai promis le double appel avant minuit. On ira faire un double appel chez ceux qui bossent ce soir. Parce que c'est vendredi et qu'on va s'éclater avec les familles de France. On est solidaires avec ceux qui travaillent. Exactement. Les familles plus ceux qui bossent ce soir au programme du double appel. Mais tout de suite, Pamela, le rendez-vous de Pamela, c'est parti. Oui. Et oui, bonsoir Pamela, comment vas-tu? Bonsoir. Ah, tu es bourré, tu habites la bière japonaise, on dirait. Non, mais pas du tout. Non, t'es sûr? Pas du tout. Je suis... Elle fait le bac. Je suis... Je suis heureuse. Je suis heureuse. Très bien. Mais nous aussi, on est heureuse. Heureuse. Vous êtes heureuse, tu es heureuse, Samy? Ouais, complètement heureuse. Cédric, je la sens toute fofolle ce soir. Ah, mais ça se confirme. Tu as vu sa nouvelle coupe? Il allait chez son coiffeur, Adolphe. Ouais, il est sympa. Adolphe Le Pen, Adolphe. Il s'appelle. Ça me rappelle un mec. Tu restes toi de l'autre. Il manque juste la moustache. Oui. Ah ouais, tu devrais faire pousser une petite moustache sur le devant, Cédric. Petit conseil look. Oui, ouais, vas-y, pas de problème, je serai la prochaine fois. Avec ta nouvelle coupe sympa, c'est vrai, c'est pas mal. Bon, on propose des jeux. Oui, c'est vrai que les jeux PlayStation, faire une partie de, tiens, on nous dit FIFA. Ouais, les meufs, elles vont se faire chier, tu vois. Un jeu FIFA. Mais tu fais un FIFA Strip. Tiens, c'est Estelle. On nous a proposé plein de jeux, mais alors ça, FIFA Strip, j'avais pas vu. FIFA Strip, comme le strip poker, un but, un vêtement au moins. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est un FIFA Strip. Toi, tu joues, les meufs se mettent à poil, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Le problème, c'est que tu joues et que tu peux aussi te retrouver à poil. C'est ça aussi. Ouais. Et là, Merci, Romano, pour cette intervention. Très intéressante. C'est quoi, Marie, exactement, là, ton jeu, le Time's Up, là? Parce qu'il y a Nana29 qui dit Time's Up, c'est hyper cool. Time's Up. Time's Up, c'est cool. Bah, ouais, en fait, c'est des cartes que tu mets en équipe. Mm-hmm. Et tu pioches des cartes et c'est par trois étapes. Alors, la première étape, tu peux faire deviner en le disant, enfin, en parlant. Mm-hmm. Faire deviner les cartes. En fait, juste avec des trucs qui t'amènent à trouver. Voilà, c'est ça. Donc, c'est deviner des cartes. Ouais, non, ouais. En fait, elle te sort juste des mots, en fait. Ouais, mais j'ai un truc de Time's Up. Je n'ai absolument rien compris à ce jeu, moi. Bah, quoi? Non, mais en gros, sur la carte, il y a par exemple, il y a marqué cheval, il faut que tu fasses découvrir le mot aux autres. Non, mais moi, sur un jeu de cartes, j'ai pas de cheval, j'ai une reine, j'ai un roi, j'ai un valet. C'est un jeu qui est fait comme ça. Et t'as un sablier, et le deuxième, c'est il faut mimer, je crois, et le troisième, c'est. En fait, là, tu le fais si t'achètes la boîte, mais tu peux le faire sans, en fait, la technique genre soirée, c'est que tout le monde écrit, par exemple. Des mots. Prends 5 bouts de papier, tout le monde écrit 5 mots. Tu mets les cinq mots dans une casquette, tu vois. Ouais, si t'as pas le jeu, tu fais et ça. Et après, la casquette, elle vient à toi, Diffoul, tu vas tirer un mot, il va avoir écrit cheval, pour prendre ton exemple. Mmh. Et tu vas devoir faire deviner le mot cheval aux autres. Mais les autres, ils vont sans dire le mot cheval, tu vois. Première étape, deuxième étape, en le mimant. Donc tu vas mimer un cheval. Ouais. Troisième étape, tiens, en plein de jeux comme ça pour faire deviner un mot. Voilà, c'est ça. Et quand t'es bourré, c'est assez drôle. Eh ouais, parce que quand ça part dans les mimes. Quand ça en part général, dans les mimes, je le fais drôle, bourré. C'est assez donc, marrant. J'ai préparé une petite carte pour si Romano. Tu veux, j'ai des cartes, hein. Je lui donne le mot. Tiens, Romano, le mot. Et on doit deviner le mot que j'ai donné à Romano. C'est ça ? Ouais, ouais, d'accord. Alors, est-ce que Romano peut nous donner des indices ? Ouais, bah tiens, au début, commence Romano, dis-nous un truc. Donne-nous un indice. Ouais. Ah, attends, déjà, j'arrive pas à lire ton mot. C'est un mot que j'ai choisi. Alors, je le belle écriture. Je suis sûr que j'ai déjà deviné le mot. Le mot, écoutez bien, tiens, on va faire un petit time-up là. Avant d'en trouver Pamela. Pamela, t'as 5 minutes ? Pas de problème. Très bien. Tu peux jouer, Pamela. Tu peux jouer, Pamela. Hein. Alors, quel est le mot à découvrir ? Nous jouons donc au Time's Up maintenant. Joue avec nous. S'il y a quelqu'un qui trouve, je lui envoie le t-shirt des Bleus. Tiens. Allez. Ah, ou alors un maillot d'équipe au choix. Alors attends, Samy, vas-y. Là, tu commences, toi, t'as le mot écrit, donc tu vas le lire. Tu nous dis pas le mot, mais tu vas nous dire des trucs qui nous mettent sur la piste. Moi, je peux pas dire le mot. Moi, je peux pas jouer parce que je comme le connais. Comme des mots, tu vas nous donner des mots indices en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, par alors. Exemple, si c'est, je sais pas. Non, mais c'est bon. Cédric. Voilà, ouais. Non, mais t'inquiète. C'est bon, j'ai compris. T'as entendu, Samy, parle mal de toi. Mais je l'ai pas compris, gros. Désolé. Alors, Cédric, Menton, gros porc, bouton. Non. Faut vous te trouver. Adolphe. Alors le mot c'est Cédric. Adolphe, mais portail. Et il faut trouver le temps. Je regarde sur les messages également. Jean-Marie. Vous envoyez. Non. Mais alors comment je fais là? Je vous réponds oui ou non? Ouais, c'est ça. Pendant combien de temps? Bah en fait, normalement, tu mets un chrono, 30 secondes ou un sablier, tu vois. Ah, bah alors attends, je vais trouver un chrono. Alors, on va vous mettre un chrono. Mais t'as le bordel. C'est un chrono de combien de temps qu'il faut? Mettons 30 secondes. Ouais. 30 secondes. Il y a un mot qui est écrit sur ton papier que j'ai choisi moi-même. Et donc, tu as dit Cédric pour trouver le mot. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, vous nous proposez bouton, non. Caca pour Ryan Ducreusot. Le caca c'est bon. Le caca c'est bon. Non. Là, qui veut gras non gras, plus. Bien, non. Gothique non. Ça aurait été Romano. Diffoul, tu connais le mot. Tu peux regarder sur les messages. Ouais, j'en regarde. Bon, alors, je donne un deuxième. Non, mais là c'est dur. Là c'est dur. Vas-y. Un deuxième indice. Moi, oui, un deuxième indice. Odeur. Odeur. Pied. P. Cul. Pied. Non. Non plus. Non plus. Pas de caca. Gastro. Non plus. Pas de gastro. Je dis P. Putain, je sais. P. Non. Non. Cochon, poubelle, tout ce qu'on. Là, on nous dit cochon, merde. Poubelle, salope, kebab. Non, il y a eu caca, il y a merde, c'est pas ça non plus. Fin des 30 secondes. Fin des 30 secondes. Bon, on continue. Bon, alors, attention. Vas-y. Tu vois, là, on aurait pas marqué le point. Alors, on nous dit pizza, on nous dit bouffe dégueulasse. Grèce. Hitler. Donc. J'avais dit Adolphe, c'est pas ça. C'est pas ça. Détritus. C'est à cause de la coupe, ça. Bon, j'ai dit Cédric et odeur. Alors, faites là, tourner les indices, on nous dit un autre indice. Vas-y. Je vous dis synonyme. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Cédric, odeur, synonyme. Ça veut dire quoi, synonyme? Synonyme, ça veut dire un mot qui veut dire à peu près la même chose. Non, porc et cochon sont deux synonymes. Par exemple. Putois. Ah, putois, non, ouais. Non. Ah. Mais tu vois, ouais. Ça, ah, t'es pas loin, Marie. T'as putois. Non, non. Non, c'est pas ça. Cédric, tu t'éloignes un peu. Qu'est-ce que tu proposes? Mais je vais vous taper tous les amis. On a un jeu, Cédric. On joue. Comment il s'appelle ton jeu? Time's up. Fais une proposition. Ah, il y a Hugo 59, il a trouvé. Il y en a qui disent sus. Hugo 59 a trouvé? Ouais, Hugo 59, il a trouvé. Le mot était. Puanteur. Ah, mais oui. Casse-toi, puanteur. Pourtant, c'était bien, mes indices. Mais oui, c'était bien. Odeur, synonyme, puanteur. Puanteur, ouais, non, c'était bien. Mais bien ton jeu, Romano. Hein, voilà. Tu vois? Et ouais, bien joué, bien joué. Là, par exemple, genre. Hugo, tu gagnes ton maillot. Mon équipe, on n'aurait pas marqué de points. Donc après, c'est un autre de team, un truc. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Et ben là, c'est la team auditeur qui a marqué le point. Ouais, donc c'est Hugo. Bah, vas-y, on va. Hugo, on va t'appeler. Ah ouais, mais attends, putain, merde, j'ai perdu le message. Ah ouais, puis comme il a eu plein, ça va être simple, tiens. Merde. Et donc, tu vois, ça, c'était la première phase du jeu. Donc, essayer de faire deviner en disant les mots. Et la deuxième phase, tu n'as pas le droit de parler, juste tu fais des mimes. Bon, à la radio, ça va être compliqué, mais vous avez pigé voilà. À peu près le jeu. Mais chez vous, vous le faites, tu vois. On l'a trouvé. Voilà. Hugo 59, on t'appelle tout de suite, là. Hugo 59, c'est bon, il y a son numéro, 0762, etc. Ouais. Bonne réponse. Et il y avait Puant juste après de Keke Sky. Ah ouais. Qui a presque trouvé. Le mot exact était puanteur. Mais super bien joué, Keke Sky. J'aime bien ce jeu. Ouais, franchement, tu rigoles avec ça. T'as vu, Cédric, il est sympa comme jeu. Ah, il est pété par contre, le mot que t'as choisi. Ah, pourquoi? Ouais, je trouve que c'est pété. Bah, je te rappelle que je suis l'arbitre du clash et que quand je choisis un mot, le jour du clash, il est super. Alors, vas-y, Cédric. Il est bien, il est vraiment bien. Choisis un mot et je le fais découvrir. Bon, on fait ça dans un instant. Et on verra si ton mot est bien. Et Pamela qui arrive aussi avec les pervers de la semaine à découvrir. Donc, on se fait les annonces des pervers. D'ailleurs, si vous avez dragué, parce que je sais que ça drague pas mal en ces périodes de fin d'année. C'est vrai que si vous êtes en vacances depuis un petit moment, vous pouvez en profiter, vous avez du temps. Si vous êtes allé draguer sur les réseaux, que vous avez rencontré des gens un petit peu bizarres, laissez-nous leur numéro, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, puis racontez-nous vos rencontres sur le net, sur les applis, un petit peu partout. Hein. Ouais, dites-nous. Le net, les applis, les réseaux, sur Facebook et tout ça, vous nous faites signe. On en reparle et on découvre les pervers à elle, les siens, les pervers de Pamela. C'est les miens, moi. C'est les tiens, t'as tout seul. Allez, c'est parti. Le temps d'écouter MHD tout de suite. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna.

tracé mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Difool. C'est bizarre les gens qui travaillent à Skyrock hein, quand même. Hein. Cédric. Tu veux qu'on fasse l'amour avec ton fusil ? Marie. 4x5. 25. Samy. Attends, s'il te plaît. Momo. J'ai mangé de l'arrêt. Et Karim. Et voilà. Difool Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et voilà, en direct sur Skyrock, presque 10h du soir. On a le clash de la drague qui arrive tout à l'heure pour la belle de la semaine. Qui gagnera ? Cédric, Romano. Romano, Cédric, on va voir ça. Je veux gagner, moi. Tout à l'heure, bah oui, Romano aussi, tu sais. Ah ouais ? Eh bah oui. Ah merde. Bah évidemment que j'ai envie de gagner. Il y a Pamela qui arrive avec les pervers de la semaine, on va les écouter tout de suite. Et puis nos jeux pour les teufs, tiens, on va y revenir dans un instant. Merci pour tous les messages que vous avez laissés. Vous faites une teuf avec des potes, vous êtes 8, il y a 4 garçons, 4 filles. Qu'est-ce que vous faites ? C'est pour Brian qui nous a appelé du 38 avec tous ses potes. T'es là, Brian ? C'est Brian. Ouais, je suis là, tranquille, ça. Brian is in the 38. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Exactement. Bon, Cédric, t'as trouvé ton mot, là, pour que je le fasse découvrir. T'as entendu le jeu de la Marie qui s'appelle... Comment il s'appelle, déjà, la Marie ? Le Time's Up. Le Time's Up. Un bon jeu, hein. Il y a des gens qui connaissent, hein. Donc, ouais, c'est un jeu de société. Il y a aussi... il y a une appli, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une appli. Je sais pas si elle est gratuite, mais... Si, elle est gratuite. Moi, je l'avais. Enfin, je l'ai enlevé parce que c'est toujours les mêmes mots. Donc, du coup... C'est la radio, ouais, pas n'importe laquelle. C'est Skyrock. Bien sûr. Bon, donc voilà, t'as le Time's Up. T'as dit ce que vous avez proposé tout à l'heure pour la petite soirée. Réponse sympa. Les strip poker. Le FIFA. Strip. FIFA poker. FIFA strip. FIFA strip, ouais, le FIFA strip que vous faites. Vous faites une partie de FIFA et puis chaque quelqu'un qui marque un but, et ben il choisit quelqu'un et le quelqu'un qui l'a choisi enlève une fringue. Ouais, j'avoue, c'est marrant ça. Non, c'est marrant FIFA. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Sauf si tu te retrouves à poil devant tout le monde, ça c'est la honte. En plus, il y a 4 filles. Bah à la limite, ce qui est drôle, c'est même vous faites jouer les filles, tu vois, ça savent pas jouer, comme ça au moins ça va faire tracas. Ouais, comme ça moi je suis à poil. Ouais, elles sont à poil. Non, mais c'est vrai, ça peut être drôle. Tiens, vas-y, joue vite. Voilà, oui. T'as proposé le beer pong, mais remixé limonade pong, puisque vous buvez pas. Pas mal le mix limonade pong. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée, Brian. Qu'est-ce que vous avez? Oasis pong aussi. Le quoi? Oasis pong aussi. Oasis pong, pas mal, Oasis pong. Ouais. Mais Oasis comment? Parce que Oasis orange, Oasis comment salamandre, fric. Tropical, tropical. Tropical, allez. Classique. Bah ouais. Oasis. Classique. Tropical pong. C'est fou, c'est bien. Bon, là, c'est la base. D'autres idées? Bon, alors attention, ça y est, j'ai. Bon, Cédric, bon, putain, franchement. Bon, ces mots, vous allez trouver en 2-2. Ah, mais je suis à ton niveau. Alors, Cédric a choisi. Non, c'est un au niveau de Difool, t'es gentil. Moi, je n'ai pas donné de mot, moi. Non, mais moi, j'ai choisi le mot puanteur. Et Romano a donné deux indices pour le découvrir. T'avais donné Cédric, odeur. Et le troisième mot que t'avais donné. Synonyme. Cédric, odeur, synonyme. Hop, puanteur, facile. Bah, voilà. Bon, alors, vas-y, je vous le dis, mais de toute façon, on va trouver en 2-2. Même Brian, tu peux jouer avec nous. Alors, attention, tout le monde peut jouer. Donc, Cédric a choisi un mot. Bon, alors, vas-y, je donne le premier que tu m'as envoyé. Ouais. Argent. Argent, radin. Romano. Voilà, bien joué. Ah bah c'est vrai que t'es trop fort. D'accord. Super, c'est vrai. Effectivement, j'aurais pensé. Chercher. Alors attends. Et le deuxième. Oh là, c'est chauve. Le deuxième qui est sans doute encore plus dur. C'est chauve. Non, je vais te dire Difool. Romano. Mais. Voilà, bien joué. C'est vrai que les tiens ils sont pas claqués de mots. Tu vois, il te plaît le jeu, Brian. Tu joues avec nous. Faites-vous. J'ai le même problème que toi, Difool. T'inquiète. Ah bah bienvenue à toi. Tu dois être beau gosse. Toi ah aussi. Merde, t'as un gros. Mais t'as le nez tordu, crochu. Mais il est pas tordu, mon nez. Aïe. Depuis quand j'ai un nez tordu? Aïe. Hein? Bah si, t'as le nez. Ah franchement, tu sais, t'as le nez des perroquets. Un peu crochu, quoi. Le nez des perroquets, mec. Ouais, perroquet, il a pas un nez, là. Romano, t'es chauve, toi. Voilà, bien dit, ça. Ouais, mais moi, j'ai pas un nez de perroquet. Bien dit. Ouais, ben. Non, mais toi, t'as le même nez que Difool, sérieux? Non, pas aussi. Pas aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Pas aussi moche. Dis-le bien, j'ai prévu de te faire ton t-shirt. Enfin, pas aussi moche, sans doute. Oh, c'est quoi le jeu du palmier là? Il y a le jeu du palmier qui existe aussi. C'est un jeu de cartes d'alcool avec des règles à con. Mais super sympa à jouer en groupe. Je connais pas. Faut nous expliquer les jeux. Explique-nous, Gigi. Ouais, vous nous expliquez. Bon, bah, Brian, éclate-toi bien avec les potos. Profitez bien. Un petit Time's Up. Un petit FIFA Pong. Un petit FIFA Pong. Non, un petit FIFA Strip. Ouais, c'est ça. Et un limonade ou un Oasis Pong. L'Oasis Tropical Pong. Moi, j'avais fait. T'étais là quand j'ai joué au beer pong avec mes potes, Karim? Non. T'es pas là? Non, j'étais pas là, non. Quand on a joué au vodka pong, après on a démarré par un beer pong, ça s'est terminé par un vodka pong et après ça s'est terminé par un coma éthylique. Un vodka pong. Donc faites attention, l'alcool, c'est avec modération car l'alcool, oui, même, c'est de l'eau. Ou pas non, c'est pas de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. L'alcool, ça rend. L'alcool, c'est de l'eau. Ça rend fofolle. Ah ouais, je suis complètement folle. Ouais, Brian, dédicace, vas-y. Y a moyen de passer une dédicace? Ouais, cool. Bah vas-y, je dédicace toute ma famille parce que comme je suis pas chez moi, toute ma famille. Arnaud, je sais pas s'il m'écoute. Bah on dédicace tout le collège Jeanne d'Arc, on a fini les cours tranquille, on a fait le brevet. C'est cool, c'est bien passé le brevet. Ouais, ça va, franchement, il était assez simple, tranquille. Ouais, bon, sur les 8, tout le monde pense l'avoir. Ouais, franchement, ça va. Voilà, on est avec des génies ce soir. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, je dédicace tous mes potes qui sont avec moi là. Salut Poto. Ouais. Mathias, Mathéo, oui. Allez. Ouais. Salut Mathias, salut. Dédicace à Brian. Ouais, Brian, et les filles aussi. Ouais, les filles, allez, vas-y. Et pour vous, les filles? Salut, les filles. Et les filles? Elles sont bourrées, mais elles ont pas bu. C'est ouf, ouais, mais y en a qui sont comme ça, hein, tu sais. Sans tomber dedans quand elles étaient petites, c'est le syndrome Astérix. Comme moi. C'est ça, comme Marie. Bon, on vous embrasse, Brian, les potos. Bonne teuf à vous et salut à tous ceux qui font des teufs ce soir. Vous avez des photos de vos teufs, d'ailleurs, vous êtes marrants quand vous êtes en photo. Vous envoyez ça sur l'appli Skyrock, ça marche. J'espère. Salut, Brian. Allez, salut. Et t-shirt Skyrock pour toi, on t'envoie ça à la maison. Et Pamela est là, allez, on va la retrouver avec oui, les pervers de la semaine. Je suis là, les pervers sont là aussi. Brune, son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Et oui, moment sensuel. Attendez, j'ai juste mon gagnant à qui on voulait envoyer le maillot de foot au choix. Il est là, c'est Hugo qui a trouvé le mot puanteur. Ouais, qui et juste à Cédric, odeur tout à l'heure. Juste à propos de ça, il y a Netnaz là qui s'est plaint, soit disant, il l'avait dit avant, nous sommes en train de vérifier sur les ordinateurs. Ouais, d'accord. Hugo, si tu gagnes ton maillot, tu risques de l'avoir piqué à Nick Naz, mais on lui offrira. Oui, oui, on va se débrouiller. On vérifie juste qu'ils sont arrivés avant toi. Salut Hugo. Salut. Hugo, t'as 18 ans et tu as trouvé le mot puanteur. Quel a été le déclic qui t'a fait découvrir le mot puanteur? Le premier indice, Cédric, le deuxième, odeur, ou le troisième, synonyme? C'est le deuxième, ah oui, odeur. Non, Cédric, ouais. Odeur, tu t'es dit, allez, j'envoie puanteur et ça a été bon. Ouais, c'est lui. Comme ça, ouais. C'est vrai que ça rime. Eh oui, Cédric, odeur. Ouais, On aime bien Cédric. Ah, c'est gentil, ma gueule, merci. Non, avec. Je suis de la team Romano quand même. Ah ouais, ouais, bah. Ah, ça c'est con cool, ça, par contre. Faut quand même pas déconner, ouais, tu l'aimes bien, mais ah, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en tout cas, préparez vos teams tout à l'heure, la belle du clash de la drague à retrouver. Tu veux un maillot de quelle équipe, toi, Hugo? Bah, un maillot des bleus. Un maillot des bleus, t'as bien raison. Maillot des bleus qu'on t'envoie à la maison, c'est parti. Allez, ce matin, on a fait les pronostics pour les bleus. On a fait venir la chatte de la Marie ce matin pour la dernière de la saison du morning. Ouais. La Marie était là. Bah oui. Avec sa grosse chatte. Elle est grosse, hein. Elle est grosse, hein. Non, mais elle est mignonne, hein. Elle est sympa, ouais. Gros bidou. Grosse chatte toute noire. En tout cas, elle est calme. T'as fait plaisir à quelqu'un, sa carriole. Ouais. Ah, bah elle était heureuse. Un animal, ça l'a changé de Cédric un peu. Oui, bah, c'est bien d'avoir des animaux différents dans l'émission. C'est pas les mêmes bêtes, hein. C'est bien, ouais. Elle a une chauve-souris à la maison, hein. Ouais. Un chien à la maison qui est venu pronostiquer. Qui s'appelle Mémette. Mémette, elle avait pas de chat, elle a pas de chatte non plus. Enfin, si, elle a une chatte carriole. Mais pas à la maison. Parce que sinon, il y a un problème. Ouais, elle a pas une bite, ouais. Sinon, il y a un truc chelou. Et donc, elle a pas de bite. Et pour vous donner les pronostics de la chatte de la Marie, elle a pronostiqué, bravo à elle, la victoire des Bleus pour dimanche après-midi face à l'Irlande. Ouais, bravo Kawa. Elle est bien, bravo à elle. Bon, on a vérifié, bravo Hugo, à toi. C'est bien le premier. Ah, Hugo, t'es le premier. Désolé, c'était qui, Nick Taz? Nat Diaz. Eh ben t'as trouvé après. Merci Nat Diaz. Pour le message. Dédicace vite fait. Vas-y, on t'envoie ton maillot des bleus. Dédicace, vas-y Hugo. C'est une dédicace à Anthony qui m'écoute. Voilà. Eh ben c'est parti. Petite dédicace pour Anthony et c'est parti également pour Pamela. La belle est là avec nous ce soir et avec les pervers de la semaine. Comment ça va, Pamela? Eh ben ça va tranquille. Ça va tranquille, pépère. Ouais ouais, nickel. Je suis prête. Tu veux pas faire un strip poker parce que Cédric voulait organiser un strip poker avec toi en tête à tête. Non, ça va, merci. Ah, ça ne t'emballe pas. Pourquoi? Bah pourquoi? Non, je suis prise ce week-end. Bah ouais, mais là t'es pas prise, tu peux faire un petit strip. Non mais là, moi je suis là pour les annonces, moi je suis là pour trouver du mec, du vrai quoi. Bah c'est Drake. Je suis pas là pour trouver du précoce quoi. T'inquiète pas. Je suis pas là. Je peux te dire que tu as attention. Ah bah a priori tu vas pas t'occuper de moi bien longtemps, si, d'après si, ce que. T'inquiète. D'après ce que j'entends sur l'antenne. Excusez-moi, ouais, je vois un message de désespoir. Marina, 20 ans, qui dit. Mais quoi, il y a plus de morning? Mais on va se réveiller avec quoi? Si, semaine prochaine, il y a le morning version morning best. Vous retrouvez Vincent dès lundi. Soyez là, vous pouvez même redemander des moments qui vous ont fait délirer. Dans le morning, il y en a plein cette année. Vous pouvez nous laisser vos messages dès lundi matin, dès 6h. Vous demandez à Vincent et il vous passe tout ce que vous voulez entre 6h et 9h. Et on jouera en plus avec Conjuring 2, le film Skyrock là, qui sort bientôt, le film d'horreur, le retour de Conjuring. Et donc, t'as une danse, Cédric, ou pas? Dans le film d'horreur, non. Je sais pas. Il n'a pas voulu, pas trop violent. On n'a pas été pris dans l'équipe. Non, trop violent l'équipe. Ça faisait peur dès le départ, en fait. Bon, alors on est parti avec les annonces de Pamela de cette semaine. Donc on va faire un petit tour sur le répondeur de Pamela. Ils ont laissé des messages. On va les retrouver. Et en plus, on va en draguer d'autres qui sont en live sur des sites de drague. Ouais, on est sur des chats, là, connectés, là. Ça y est, on est connectés, là. Ça chat. Dès qu'on a un numéro, on appelle direct. Allez. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. En avant-garde. Et on salue Brian du 13 qui nous laisse un message et qui, a priori, lui, est fan de Pamela et qui voudrait avoir un t-shirt. Et l'appli, ils sont en train de régler le problème ou pas? Parce qu'on reçoit des messages, ça n'arrête pas de bugger. Ouais. Ils sont en train de voir ce qui se passe. Ah, merci de nous avoir prévenus. Ce qui se passe, ça, ils ont pas besoin de voir. On peut leur dire, c'est que ça déconne. Mais pourquoi? Oui, voilà. Juste savoir. C'est ce qu'ils cherchent. Qui répare maintenant. Voilà. Alors, et la radio libre s'arrête pas, là. On dit la radio libre s'arrête quand? Ça s'arrête pas. On est là déjà en direct jusqu'au 14 juillet. Puis à partir du 14 juillet, on vous balancera les meilleurs moments de l'émission. On retrouvera plein de moments qui ont déchiré. Avec Momo aussi qu'on retrouvera dans l'émission cet été. Ça fera plaisir. Donc, ouais. Soyez là. Ne bougez pas. Et sinon, on est en direct tous les soirs de la semaine prochaine, tous les soirs de la semaine d'après et après encore. Alors, Pamela, les pervers en direct ce soir dans la radio libre. Les voici, les voilà. On commence par le premier. Tu nous dis ce que t'en penses. Vous nous dites la même chose d'ailleurs. Envoyez. Écoutez bien. Les filles, vous nous dites si les gars qu'on vous fait écouter vous excitent. Et puis les gars, vous pouvez également nous dire ce que vous en pensez. Parce que moi-même, qui suis pas pourtant forcément intéressé par ce genre d'annonce, eh ben parfois, je me dis que ça serait bien d'être une femme. Eh ouais. Par exemple, quand tu nous envies, quoi. Quand on entend ça. Ouais, salut, mec, à lui, on recherche une femme bien cochonne pour des bons plans purs. 06 31 59. Voilà. Lui, tu rêves de l'avoir dans ton lit, par exemple. Ouais, c'est le rêve absolu. Au moins, ouais. Déjà, lui, il fait pas beaucoup de bruit. Il parle comme ça, il mange. Ouais, j'arrive pas à décrocher les dents les unes des autres. Oui, c'est sûr. J'ai les dents qui sont collées. J'ai la mâchoire, je vais pas la bouche. Bonjour. Ouais, salut, mec à Lyon recherche une femme. Un mec à Lyon recherche une femme, donc un Lyonnais. Ouais, bah. T'entendais voilà. Les Lyonnais? En tant que Stéphanois, ça me fait bien rigoler. Évidemment. Mec à Lyon, donc le premier pour ce soir, on essaiera de l'appeler tout à l'heure. Ouais. De toute façon, on essaiera tous de les appeler tout à l'heure. Grave. Après, vous nous dites celui que vous préférez. On passe au deuxième. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. Oui. Oui. Sur l'île, ah. 06. Musique d'ambiance. Voilà, musique d'ambiance, c'est ça. Il y a quand même 6 secondes de musique d'ambiance sur un message qui en fait 12. Hein. Non, ouais, il fait écouter de la musique. Bah, il est peut-être DJ. Hein. Non, je pense que le mec a un trou à un moment, il sait plus quoi dire. DJ, ouais. Non, mais il a voulu faire une belle annonce. Ah, je te dis qu'il est DJ. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. Il est DJ, c'est ça. Il a voulu faire une belle annonce. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. Putain, musique. Il est bof, quand même. Ouais, c'est ça. Les deux, c'est loupé quand même au niveau de la belle annonce. Hein. J'aimerais qu'on s'occupe de moi. De moi. Là, tu dis qu'il va continuer là maintenant. Musique là. DJ. Ah ouais, il envoie. C'est à Lille, ouais. Ou alors il est en train de se branler, c'est le temps que ça vienne. Donc le 2, c'est. Ouais, c'est ça, je pense plus. Je pense plus à un truc comme ça. Le 2, donc, c'est le Lillois. On a un mec à Lyon, on a le Lillois. Décidément, on fait le tour de France, c'est magnifique. On passe au troisième. C'est lui. Bonjour, on cherche coup pour faire l'amour dans tous les deux et sans indifférent. Au 06, 33. Non, mais il parle pas toi. Personne très sérieuse et discrète. On a toute proposition. Ouais. Je suis artificier et on peut aussi venir sur des feux d'artifice faire l'amour pendant qu'on tire. Ah bah pas de problème, attends. J'attends bien le 14 juillet arrive. Alors le mec est artificier et veut faire l'amour pendant un feu d'artifice. Ah, il a des bons délires. Le mec fait l'amour une fois par an en fait. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. Le 14, ah, le concept de 14 merde. Juillet avec un peu de chance le 15 août. Ah, il fait artificier. Hein. Il fait artificier, légit pas. Ouais. Mais il parle en patois de chez toi, Samy. Non, Toulouse, il dit au début. À Toulouse. Ah, mais je comprends rien à ce qu'il dit. Il fait artificier à Toulouse, tu vas voir. Bonjour, recherche coup pour faire l'amour dans Toulouse et le centre. Pour faire l'amour dans. Recherche coup pour faire l'amour dans Toulouse et le centre, non? Ah, différent. Personne très sérieuse et discrète. On va à toute proposition. Je suis artificier et on peut aussi venir sur des feux d'artifice faire l'amour pendant qu'on tire. Bah, le rêve. Ouais, non, pendant qu'on tire, il dit. Voilà, pendant qu'on tire, ouais. Ça donne envie. Je ne rêvais que de ça. Ah, bah, j'imagine. Tiens, j'ai jamais sauté pendant un feu d'artifice. Au moins, c'est original. Tu sais, ils veulent tous se démarquer en proposant un petit truc personnel. Ouais, l'autre, c'était le tour en camping-car. Lui, c'est niqué pendant un feu d'artifice. C'est original. Et des idées de merde en rafale, quand même. Il y en a, ils voulaient venir directement en caleçon, tu sais, dans le et tout. Je me souviens, ouais. Non, mais lui, c'est avec un feu d'artifice. Très bien. Putain. Bon, alors. Je préfère un feu d'artifice. Allez! Bien joué, Marie. Très drôle. Ben oui, très très drôle. Ami du Calembour, bonjour. Bonjour. Bon, un autre. Bonjour. Bonjour. 58 ans, célibataire, cherche femme en rapport. Rapport. Merci de m'appeler au 01-58. Rapport de quoi? C'est un flic. Ah, il veut une femme célibataire. Comment, à bientôt? Oui, mais en rapport, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ouais, rapport, c'est quoi? C'est pas un truc célibataire. Femme célibataire cherche femme en rapport. C'est, pour lui, ça veut dire femme célibataire, en fait. En rapport sexuel, quoi. Ah, femme en rapport. Ah, ouais. Peut-être. Ah, bon, je crois que c'est femme en rapport avec le. Ah, moi, je serais un truc de militaire. En rapport. Ah, d'accord. Ça lui fasse compliqué, lui. Lui, il va tenir mal à la tête, lui. Se mange la tête. C'est possible. Ma pauvre femme est là. Oh, bon, un autre, alors lui, c'est une vieille connaissance. Ah, t'es habitué quasiment toutes les semaines, il t'en laisse une. Alors, ah oui. C'est celui qui voulait le champagne, là. Oui, oui, oui. Écoute, ah, le mec voulait boire du champagne. Allez, alors qu'est-ce qu'il propose cette semaine? On avait c'est Michel. Pour une femme adepte du code ceinture, Michel est au 01 Michel. 45 41. Oui. Voilà. Ah, c'est, oh, bah, c'est soft. Ah, ben, voilà. Ah, oui, c'est ça. Ah, bah, Michel avec son gode ceinture, ça va. Oui, limite, hein, quand, bah, le mec a voulu être bidet et quoi d'autre? Bidet, l'autre fois, c'était une dame godeuse. Une dame godeuse. Et il voulait boire le champagne aussi, en gros, ouais, il voulait boire, voilà. Il a donc, envie de plein de trucs, quoi. La douche au champagne. Ouais. Et on termine, enfin, pour l'instant, en tout cas, par un Philippe. Oui, bonjour, Philippe, 56 ans, recherche femme, avec discrétion, pour moment agréable, je suis sans tabou. Ouais. Téléphone 06 28. Allez, bisous à tous, merci. Ah, bisous, bisous, bisous, bisous Philippe. Ah, bisous, ma poule. Philippe, 58 ans. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ce qu'on a cette semaine. C'est bon, il y a de la qualité. Ouais, ils ont l'air sympathiques. Oui, sympathique. Le mec à Lyon, il y a le Lillois, il y a l'artificier, à l'autre en rapport, là, on n'a pas trop compris. Il y a Michel avec son gode ceinture cette semaine, magnifique. Et il y a tous ceux qu'on est en train de draguer live sur les réseaux, là, qui vont arriver au fur et à mesure. Et il y a tous ceux la semaine dernière qu'on avait juste écouté une fois, mais qu'on n'avait pas testé parce qu'on avait fait le chat. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ils sont vraiment bien. On leur avait donné des petits surnoms, Sensuelito, machin, tout ça, là. C'est vrai. Et Philippe, 58 ans. Sensuelito, c'était qui? C'était lui? 06-35-10 cherche femme. Oui. Pour passer bonne soirée. Voilà comment. Voilà comment. Oui. Sexe. Sexe. Sexe. Sans tabou. Sans tabou. Pour relation passager. Pour la soirée avec un passager. Très bien. Il est pilote. Il est chauffeur de bus. Voilà. Sensuelito, c'est vrai qu'il était super sensuel, lui. Ah ouais, à mort. C'est moins qu'on puisse dire. Ah ouais, on a du lourd. Et puis il y a du jeune aussi, hein. Les jeunes sont là. Oui, bonjour. Je suis un homme de 65 ans. Je suis jeune, donc. Une personne me correspondant pour passer. Voilà. Donc, on peut toujours français. Vous en saurez beaucoup plus. À bientôt. Compris. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, on fait le test en direct. Pamela devra séduire un homme avant minuit. Va-t-elle y arriver? Il n'y a aucun souci. Comment? Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais ben, allez, Romano. Pourquoi? Mais allez, Romano. Ah oui, pour le clash. Mais oui, évidemment que je supporte. Je suis de la team Romano. Et ouais. Ce soir, mes amours, vous aimez Pamela? Votez Romano au clash de la drague. Voilà, votez Romano. Non, votez Cédric. Votez attends. Cédric, c'est au choix. T'es trop vilain. Faites ce que vous voulez tout à l'heure. Tiens, hey, tu parles pas comme ça aux femmes. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Embrouille entre Pamela et Cédric, c'est quand même fou. Ça. Ouais, mais il parle mal aux femmes, cet enculé. Tu trouves qu'il parle mal? Parle bien, toi, elle est folle, elle. Tête de con. Ouais, c'est ça, ouais, je vais te montrer. Bon, salut ceux qui sont en vacances ce soir. Salut à toi, Arthur. Merci, Arthur. Il y a Reply également qui est en vacances ce soir. Salut, Reply. Puis il y en a même qui partent en vacances d'ici la fin de la semaine prochaine. Mathias qui nous envoie un message. Alors lui, il se barre fin de semaine prochaine. Bah oui, il faut télécharger la piste Skyrock. Il se barre où? Ouais, je voudrais vous écouter. Bah, tu ne pourras pas nous écouter si en Guadeloupe, il n'y a pas Skyrock. Par contre, tu peux télécharger l'appli Skyrock, Mathias. Ouais. Et tu pourras nous écouter en Guadeloupe, Guada, ou d'ailleurs ce soir. Guada, Manilina, partout dans le monde, hein, vous pouvez télécharger l'appli Sky. Et vous nous retrouvez à tout l'été, quand vous voulez, où que vous soyez, vous profitez. Bon, profitez de la soirée, comme je vous le disais, au 01 53 40 30 20 pour nous appeler si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Bon tour, Karim. Merci, Saraf Turkoum. Eh bien, Saraf Turkoum. Saraf Turek. Bon appétit. Rouya. Rouya. Rouya. Rouya et Routi. C'est ça, maintenant. Rouya, Routi, Saraf Turkoum à vous tous. Je suis en vacances depuis mercredi midi, tu dis ça pour nous énerver. Hein. C'est Alyosha qui nous envoie un message. Salut Alyosha. Bah profite bien des vacances. Alyosha 2003 qui vient de laisser un message. Et attendez de voter, attendez un peu avant de voter pour Cédric ou Romano. J'ai le Parisien SG qui dit moi je vote Cédric. Les votes c'est tout à l'heure. Ouais, après, c'est après, ouais. Après la démonstration qu'ils nous feront tous les deux, Cédric et Romano, ouais, dans le clash de la drague de ce soir. Tiens, il y a Boris qui est déjà dans l'avion pour la Sicile, il nous écoute avant de décoller. Waouh, t'as trop de chance d'aller en Sicile. Il paraît que c'est super beau la Sicile. Je suis allé. Fais gaffe aux mafieux. Oui, mais je les connais. Si t'as un problème avec les mafieux, tu m'appelles. Tu leur dis, Di Fulio. Et là, tu vas voir, ils vont se calmer tout de suite. Ils vont te respecter. Parce que moi, des mafieux, j'en ai mis à l'amende. Ah ouais. Donc ah ça m'étonne ouais. pas ouais. Vous connaissez pas Don Pietro? Si, on connaît Pietro. Don Pietro. Pietro. C'est du cool. Ouais. Non, Don Pietro, je l'ai mis à l'amende, Don Pietro. Oh putain. Eh oui. Eh ben oui, Cédric. T'as pas peur toi? Voilà, oh putain, t'as de la chance. Voilà, dis fou ça m'a fait. Ouais, il a mis à l'amende Don Diego. Non, Don Pietro. Don Diego de la Vega. Voilà, dis fou c'est mafioso. Très bien. Je suis prof, 23 ans, Chris, du 77, et je suis payé à rien foutre pendant 2 mois et demi. Eh ben écoute, c'est vrai que t'as bien de la chance. C'est vrai les profs. Ah, c'est vrai les profs, vous avez cet avantage-là si vous avez beaucoup de vacances. Vous avez autant de vacances que les élèves, c'est-à-dire c'est que vous êtes pratiquement en vacances toute l'année. Voilà. Vous avez 3 mois et demi de vacances en fait, ce qui est quand même super. Moi, je suis en vacances depuis le 7 juin. Qui dit mieux, Anne qui veut nous énerver. Anne, 14 ans, qui nous laisse un message. On te fait un gros bisou, Anne. Et moi, je suis en vacances depuis lundi, et là, je suis en Australie. Ça capte pas trop, là-bas. Petite bibiche. Ou tu nous mitonnes et tu dis ça pour nous énerver. Ou alors, si t'es en Australie, t'as bien de la chance. Cédric, tu pars où, toi, cet été en vacances? Dans un parking. Fais-nous rêver un peu. Ouais, je sais pas encore, je vais voir. Tu vas visiter les parkings comme il y a quelques étés? Non, ça, il y a deux étés. Il y a deux étés, Cédric était dans. Il y a plus même. Chaque fois qu'on l'appelait, en plein milieu d'après-midi, c'est-à-dire quand le soleil tape. Donc on se dit il est sur la plage en train de faire bronzer son corps de rêve, son corps d'Apollon. Les mecs qui m'appelaient quand je me garais. Non, t'étais à Cannes. Mais tu passais la journée à te garer. T'es fou toi. Si, t'étais à Cannes. Ah bah non, il y a 2 ans, j'étais à Miami. Ah bah tu visitais les parkings de Miami, mais t'as aussi visité les parkings de Cannes. Et chaque fois qu'on l'appelait, on était mort de rire parce qu'on tombait chaque fois sur Cédric. Mais voilà, t'en bouges pas, je suis dans le parking. Il fait beau. Voilà, j'en sais rien, je suis dans le parking. Voilà, je suis dans le parking. C'est super. Quand je me garde. Bah non, mais attends, Difool t'appelle. T'es dans un parking, je t'appelle. Difool t'appelle, tu réponds Skyrock. T'es dans un parking, mais à un moment donné, tu sors de ton putain de parking. Ouais, c'est mieux. Et là, tu vas où cet été? Je sais pas encore. Histoire qu'on n'y aille pas, c'est ça? Non, mais moi, de toute façon, je sais où je vais, donc... Ah, t'inquiète, j'ai 2-3 trucs de prévus, mais il n'y a rien de concret, en fait. Voilà, un truc en Italie, l'Espagne, dans une ville. Non. C'est pas où je vais, quand même. Si, tu vas voir. Allez, Sardaigne. Non, putain, je vois ta gueule arriver. En plus, j'ai un pote à moi, il va y aller. Voilà, bonjour, bonjour, à tutti, c'est Cédric. Ça se peut, je viens de là-bas. Il y a des pizzas. Voilà, je vais manger des pizzas. Voilà, vous avez des nouilles. Et Pamplemousse qui bat tous les records, elle a 19 ans. Moi, je suis en vacances depuis le 13 mai, c'est tranquille, parfait. Non, t'es battu, Sissan, depuis le 29 avril. Ah, et il y a des boulangers qui nous laissent des messages. Un boulanger qui nous laisse un message et qui nous dit: moi j'ai 2 semaines en août et je serai pas payé. Voilà, vive l'artisanat. Ah ouais. Ah ouais, quand t'es boulanger, que t'es artisan, t'es pas payé. Bah quand t'es patron. Travailles à ton compte, ouais. Bah quand t'es patron, ouais, quand tu fermes ta boîte, t'arrêtes de travailler, t'as pas de rentrée. Bah t'as pas de seille. Et bah salut à toi le boulanger, on te salue. Et il y a plein de messages comme quoi il y a des orages du côté du 71, orage de fou. Famix également qui nous envoie un message: orage de fou à Lyon, météo de fou. Après la forte chaleur de ce matin, maintenant tout est en train de péter. On a eu plein de messages. Donc on vous salue, vous tous qui êtes sous l'orage. Moi je trouve ça joli l'orage. Bon courage la Bourgogne. C'est joli, super quand. Bah ça fou, dépend. C'est joli à quel point quoi. C'est quand tu te prends la foudre sur ta baraque ou. C'est joli mais c'est. Là il y a. C'est oui, où aussi, c'est dans le nord là qu'il y a une baraque qui a pris la foudre là. Ah, les gens je crois qu'ils s'en sont sortis mais. Une extrémis. Ah mais la baraque en fait le toit c'est tombé sur le toit, ça a pris feu, c'était tout à bordel. Et les gens dedans ils ont rien. Je crois qu'ils sont sortis, hein. Ouais. Je suis pas sûr. Bah écoute, j'espère qu'ils en sont sortis aussi, hein. Bon, moi je vais à Salou en août picoler pendant une semaine. Quel bonheur pour le hipster du 13. Ouais, c'est vrai, Salou c'est connu pour ça, ouais. Big up les hipsters du 13. Salut. La boîte et tout, c'est en Espagne, ouais. Elle est partie un mois à Barcelone. Bim, je suis en vacances depuis le 24 avril. Barcelone, hey. Oui. Ça va, en France on a beaucoup de vacances quand même. Crash Bandicoot, je suis en vacances depuis le 28 avril. Vive la fac. Ouais, et David du 68 nous annonce un orage aussi du côté de Colmar. Il y a rien sur Auxerre pour Charles Villeneuve au niveau des orages. Et à Nevers, en Bourgogne, il y a de l'orage. Oula, la Bourgogne est touchée. Non, mais je crois que c'est plus localisé sur la Saône-et-Loire. Mmh. Dites à Cédric de ne pas lâcher des caisses, sinon orage dans le studio pour le métalleux. C'est vrai. Big up le métalleux. Turbulence. Mauvais temps en Bretagne. Oh, tiens, étonnant. Non, mais c'est vrai. Bon, alors. Et juste un petit truc, Pamela, ça fait déjà 10 minutes qu'on t'a inscrit sur le chat. Oui. T'as déjà 4 numéros. Oh, c'est parfait. Je te jure. Mais ça m'étonne pas avec mon physique. Sur les 4, il y en a 2 qui veulent t'insulter. Pourquoi? De petites salopes, et ils veulent te faire ta fête. C'est marrant, ils disent tous la même chose. Vas-y, appelle-en un, là. Vas-y, tiens. Allez, vas-y. Pamela, viens, on en appelle un, puis après on attaque le clash de la drague, on va découvrir les méthodes du clash ce soir. Je vous ai dit que j'étais pour Romano. Ah bon? Ouais, on s'en tape. Qui est pas de malentendu, ta gueule, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, espèce de truc? Ta gueule, tu veux que je te mette ma main dans la gueule? Bah vas-y, viens. Attention, Pamela, je rappelle que tu as que 3 doigts. Fais attention, préserve-la, ta main. Allô? Allô? Ouais, salut, c'est Pamela. Oui, ça va bien, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, c'est bien. Alors, t'as envie de m'insulter? Ouais, pourquoi pas, hein? Ouais, vas-y. Ouais, c'est des salons, ça va? Hein? Hein? C'est des salons, ça va? Ouais, ça va, enculé. Tu kiffes quoi, hein? Hein? Tu kiffes quoi, hein? Bah, déjà, pas ta voix. Ah bon, ouais. T'es comment, toi? Ah, je suis comment? Bah, 1m80, 70 kilos. Mmh. Tu peux baisser le truc qu'il y a derrière, je t'entends mal. Attends. Ah. Et toi, t'es comment? Bah là, je suis en nuisette. Ah, t'es en nuisette, ok. Ouais, je vais pas tarder à aller me coucher. Ah. Je voulais me caresser un peu avec quelqu'un, là, tranquille, avant d'aller dormir, quoi. Ah, okay. Non, c'est cool, bah venez, caresse-toi, là. Ah. Ah, c'est quoi ton prénom? Moi, mon prénom, c'est Rémi. Rémi. Ah. Non, c'est comment, c'est là, ton prénom? Ah, c'est Pamela. Non, Pamela, la chienne, c'est ça, hein. Ah, c'est ça, ouais, waf, waf. Ah. Mais... Tu kiffes la queue, alors, hein. J'adore ça, la queue, ouais. Ah, c'est vrai, tu fais du réel, des fois? Ouais, ouais, je fais du réel. Ah, c'est vrai, comment? Mais juste avec des grosses queues. Ah, alors c'est bien, ça, c'est cool. Elle est comment, la tienne? Ah, elle est comment, 20 cm, bien large. Ah. Non. J'ai envie de te faire écouter mon trou du cul. Ah, c'est vrai. Ah. T'es prêt? Vas-y, ça là. Vas-y. Je vais envoyer, là. T'es en train de te branler? Ah, je suis en train de me branler, vas-y. Ah, vas-y, branle-toi bien, là. Branle-toi bien, mon Rémi. C'est vrai? Ah, t'as entendu? Ah, j'ai entendu, ben oui. Tu fais prendre par le cul des fois, salope? Ouais. Mais là, aujourd'hui, j'ai mangé un cassoulet, là. Là, c'est pas trop bon, là. Ah ouais, j'ai envie de te péter à la gueule. Comme ça. Ah, ou peut-être encore comme ça, là. C'est pas mon délire, ça, désolé. Rémi? C'est moi qui l'ai fait. Rémi? Ouais, et alors ben... T'aimerais pas que je te pose une merguez sur le corps? Ah, c'est parce qu'elle adore les barbecues. J'adore, c'est la saison des barbecues, là. Barbecue, ouais. Merguez sur ton corps. Ah, ah, j'ai des belles merguez. Ça. Je te veux que je t'en sorte une, là. Oh, ouais. À table. Non, c'est pas qu'il a dégoûté direct. Bon appétit, bien sûr. Bon. Ah, Rémi, je t'embrasse. Okay. À bientôt sur le réseau. Bonne soirée à vous. Salut Rémi, ciao. Je suis dégoûté. On lui a cassé son rêve, Rémi, là. On a cassé son délire. Tiens, ouais. Pamela, regarde, il y en a un, il est en train de se branler, il croit que tu lui parles. Ah, fais voir. Il se branle, normal, il attend que tu l'appelles. Tu peux pas le mettre en grand? Ah, du coup, il va voir en plus grand. Bah oui. Ah non, mais voilà, ça, ouais. Ah putain, ah, ouais, t'es un spécialiste, toi, quand même. Hein. Tu dis de mettre en grand et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais, c'est vrai, c'est Romain, étrange. C'est qui, lui? Eh, il bande mou un peu. Comment il s'appelle? Ah ouais, il est tout mou, lui. Ah, il s'appelle comment, lui? Maxime. Maxime, très bien. C'est Maxime, le week-end. Ouais, vous le retrouvez sur Skyrock ce week-end. Hein. Ce week-end, Maxime, Skyrock Classics, tout ça, c'est ouais. Lui. Ne loupez pas le rendez-vous. Et la semaine, il se branle sur des chats. Voilà, c'est ça. Elle est chaude, sa bite. Il y en a pas un qui bande bien raide, quoi. Si, attends, il y en a un, il a envoyé sa photo, c'est un black, gros, il a une bite, mon pauvre. Oh, bah on s'occupe de tout ça, Pamela, il y a du boulot d'ici minuit. Ah, il n'y a pas de problème. Bon, après les rencontres, fais voir. La largeur du truc. Ouais. Eh bien, avant Pamela, eh bien Steve. Un peu de sensualité parce que c'est vrai que ça manque un peu. La sensualité, c'est avec Cédric d'un côté. Chelou, ah ouais, on va vous donner de la sensualité. Salut là. Les filles. Oui. Et Romano de l'autre. Vous voulez retrouver pour le clash dans un instant, puis en direct hein, jusqu'à minuit. Si vous avez besoin de nous, c'est au 41759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages, venez faire les cons avec nous. Si vous avez un petit problème, vous n'hésitez pas avec Skyrock. Y a pas de problème, y a que des solutions. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est le nouveau Major Lazer que vous avez découvert sur Sky. Il s'appelle Boom. Et bien on fait péter Boom, le Major Lazer nouveau. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Diction en première partie, c'est 400 places. Rihanna, 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. C'est d'or et de platine, écoute mon sang. D'or et de platine présente Joule. Allez, on nique, le sang. Allez, on nique. Découvrez Émotion, le tout nouvel album de Jul. Jul, Émotion, disponible dès maintenant et en streaming uniquement sur Apple.

Major Lazer, boum, comme dans le ciel du Lot, on nous dit il y a de l'orage dans le Lot. On continue de suivre les orages dans toute la France. Soirée orageuse, soirée chaude, c'est Skyrock. Attention. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et oui, attention, attention, le clash arrive tout de suite avec les méthodes de Cédric et de Romano pour gagner le dernier clash de la semaine et gagner le titre de clasheur de cette semaine. Attention, dernière semaine. C'est dernière ou avant-dernière semaine de juin? Avant-dernière semaine de juin. Ouais. Alors, Cédric, quelle est ta méthode pour draguer ce soir? Alors, demain matin, j'ai un entretien là, à côté de chez la famille. Ouais. Mais un entretien pour quoi faire? Bah, pour un taf. Un entretien du corps, peut-être? Non. Ça serait pas un luxe. Bah, tu devrais y aller, toi aussi, tiens. Bon, un entretien pour un boulot, donc du coup, je voulais aller squatter chez les familles. Ah, mais ta méthode, c'est prise de tête, quoi. C'est le week-end, c'est la fin des examens, et toi, tu nous parles de taf. Mais tu casses l'ambiance, quoi. On t'a pas demandé ton avis. Non, mais c'est vrai. Mais il a le droit de donner son... Vous avez le droit de donner votre avis sur les méthodes. Non, mais Karine aussi. Bon, bah, vas-y, changement de méthode. Alors, ce soir, je vais faire la fête avec la famille. Je voulais fêter mes examens. Donc, du coup, je vais venir baiser la femme de la famille. Voilà, mes examens d'urine. Les examens de ce que tu veux, ouais. Alors, Cédric veut fêter ses examens d'urine. Je note. C'est noté. Romano, ta méthode. Moi, ce soir, je suis dans mon jacuzzi. Ouais. T'es dans ta jalousie. C'est ça. Toi, t'es dans ta jalousie. Moi, ce soir, j'invite la femme à venir prendre un... Bah, c'est pas un bain de minuit, c'est un bain de 22h34, là. Voilà, un jacuzzi de 22h34. Ok, c'est bien noté. Bon, bah, j'adapterai suivant l'heure qui passe. Oui, parce que ça va passer... Quand on va appeler, il sera peut-être 22h40. Et n'oubliez pas, Cédric est un spoiler de série. Pourquoi tu dis ça? C'est fini, ça. Non, mais on s'en bat pas les couilles, non. Moi, je vais le sortir toute l'année. Peut-être pas toute l'année, mais au moins jusqu'à l'été, oui. Putain, t'es vraiment qu'une merde, en fait. Alors, quoi, gros, je vais te faire la misère. Je suis un gros caca. T'es quoi, je vais te faire la misère sur la vie de ma mère, tu vas voir. Non, mais toi, t'es. Je perds le clash ce soir, je te jure, il t'arrive une galère. Non, mais t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Adeloup, c'est un riche. Alors, on aura. Blindé. Vous êtes prêts à préparer les familles? Ouais. Voilà, voir la mise en contact. On aura Valentin dans un instant avec nous en direct. Bonjour, Valentin. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors Valentin, il est en train de péter un câble, Valentin. Il va nous expliquer pourquoi. Ouais, je suis en train de péter un câble et fumer clope sur clope. Du calme, Valentin. Tu vas te détendre avec le clash. T'as un préféré pour le clash ou alors t'attends les méthodes et la démonstration en direct? Bon, excuse-moi, Romano, je suis pour Cédric. Ah, mais toi aussi, t'es dans ta jalousie. Moi, ah, merci. Dans mon mais il s'est excusé avant. Et non, mais c'est pas grave, t'as le droit, il en faut bien un ou deux pour lui. Ouais. Et on aura Aurélie aussi. Un ou deux, ouais. Elle est là, Aurélie, en direct de Lyon. T'es sous l'orage, oui, Aurélie? Oui, je suis là. Ouais, je suis sous l'orage. Sous l'orage, oui, on a eu des messages de Lyonnais qui nous racontaient ça. Tiens, orage également dans le 87, c'est message de Gunshin. On suit les orages de France grâce à l'écriture. Grâce à tous vos messages. Rapport aux orages. Oui. Ah. Est-ce que vos parents, ils vous faisaient chier en disant, faut pas appeler quand il y a de l'orage? Ouais, bien sûr. Grave. Faut pas. Mais alors pourquoi? Toi, non, ils te faisaient pas chier, toi, Aurélie? Non, du tout. Ah bah t'as bien de la chance, ouais, parce que moi il me faisait chier là. Bah fallait débrancher la télé et tout. Hein. Ah ouais, tu sais, je sais pas, ils avaient une parano. Ça marche vraiment ça ou c'est de la merde? Ou c'est une légende? Je crois que c'est de la merde, je crois. Non, mais c'était à l'époque où il y avait des fils pour les téléphones parce que ça passait par les fils. Ça pouvait tomber sur le genre la ça pouvait tomber sur le truc électrique ou de ouais, mais à ce moment-là, si t'as une box chez toi, ça peut encore tomber. Non, mais faut... Ah oui, c'est à ce moment-là, faut tout débrancher. Débrancher tout, laisser juste la radio. Voilà. C'est pratique. Bon, on va te retrouver, Aurélie, en direct avec nous. T'as 15 ans et t'es lyonnaise, toi. Et Valentin, t'en as 17 et t'es à Angers. Tu votes, tu as une petite préférence pour le clash ou t'attends la démonstration des deux comme moi? Moi? Oui. Moi, je suis pour Romano. Ah, merci. T'es pour Romano, c'est bien. On partout, a un Valentin pour Cédric et une Aurélie pour Romano. Bon, c'est parti, on y va pour le clash de ce soir. Go. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Oui. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, Cédric d'un côté. Il est là. J'ai une petite demande aussi. Salut les filles. Ah oui, et Romano de l'autre. Ouais. Est-ce que tu pourrais préparer les pèves? C'est quand je vais mettre le jacuzzi en route. Ah oui, c'est vrai, tu fais le jacuzzi artisanal, le jacuzzi toi-même. Très bien. Là, je le mets en route, là. Les bulles démarrent. Allez, c'est parti. On commence avec Cédric. Alors, vas-y. Donc Cédric, tu veux fêter tes examens d'urine. Non, pas d'urine. Ils sont bons ou pas? Bah dis-nous. Ouais, t'inquiète, ils sont bons. Ils te foutent dans la gueule, tu vas voir. C'est la teuf des examens. Un petit peu comme Brian qu'on a vu tout à l'heure. Allô Stéphane? Ouais. Ouais, bonsoir, comment ça va? Qui c'est? Eh ben, c'est Michel, je t'appelais parce que je fêtais mes examens là, ce soir là. Ah bah tu dois faire erreur. Bah attends, je suis bien chez Stéphane. Oui, mais pas le bon, hein. Bah, je te connais pas. Bah je voulais voir ta femme ce soir pour faire un peu la fête. Non, mais tu te trompes. Bah si, je voulais venir à la maison. Non, mais tu es avec quelle maison? Bah chez toi. Non, mais tu te trompes, je te connais pas. Mais moi, je connais un petit peu ta femme. Je la vois de temps en temps. Ah, mais qui t'es, Michel qui? Bah, dis-lui que c'est Michel le beau gosse, au gros sexe. Ouais, bon, ben d'accord. Elle va voir qui je suis direct. Hein? Tu laisses tomber et puis je vais appeler les flics, y'en a marre. Bon, appelle pas les flics, je vais venir faire un petit câlin à ta femme. Hey. Oui, ben d'accord. Attends, on va faire une petite fête ensemble. Allez, tu rappelles. Ça te dit pas une petite fête? Non, c'est week-end en GAV pour Cédric. Stéphane. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Stéphane? T'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Non. Putain. Ah non. Voilà. Et non. Par contre, tu vas passer un week-end en garde à vue, comme il y a 15 jours. Ah non, c'est plus que ça. Il y a 3 semaines. Mais t'es vraiment un casseur d'ambiance, quoi. Pourquoi je tu dis ça? Ferme ta gueule, toi. Toi, je le vois pas arriver, le numéro, là. Bon, on passe à toi, Romano. Tu es dans ton jacuzzi. On est dans notre jalousie. Non, mais attends. Mais c'est quoi ta méthode pété? Je suis dans mon jacuzzi. Bah, je suis dans mon jacuzzi. Il va là, t'es dans ta jalousie. Mais t'as même pas de jacuzzi. On appelle Robert. Il le fait dans sa baignoire, le jacuzzi. Regarde. Hop là. Vas-y, Romano. Ça coûte 200 balles, la jacuzzi gonflable. Voilà. Allô? Attends. Ah, c'est qui? Non, là, c'est la sonnerie, là. Allô? Ouais, c'est Robert? Oui. Ouais, comment tu vas? Oui. Là, ça va. Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau ce soir? Alors, attends. C'est qui, là, au bout, là? C'est Jean-Louis, là. Jean-Louis, ouais. Jean-Louis. Ta femme va bien? Attends. T'as du mal à me remettre, là? Oui. Ouais. Mais moi, je mettrais bien ta femme ce soir, là. Parce que là, je t'appelle, je suis dans mon jacuzzi. Ouais, je le mets en route, là. T'entends le jacuzzi? Alors, dis-moi ton nom, merde. Mais je m'appelle Jean-Louis David, le coiffeur. Je sais pas. Non, mais en fait, je t'explique. Là, je viens de brancher mon jacuzzi, là, ce soir. Là, je suis dans mon jacuzzi. Et j'ai un pote, là, le belge, il est dans sa jalousie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je voulais t'inviter, toi, Robert, toi et ta femme, dans mon jacuzzi ce soir, là. Petite partie de jambes en l'air dans le jacuzzi, mon petit Robert. Non. Non. Ah, il veut pas. Pas de jacuzzi. Merde, c'est l'ambiance chez toi aussi, à part. Tu restes chez Robert. Moi, il y avait l'ambiance de mon côté, mais pas chez Robert. Je crois que tu as pété tout seul dans ton jacuzzi, tiens. Non, mais c'est pas. Je pète pas, c'est un jacuzzi mécanique. Et mécanique. Tiens, tu parlais de l'orage, Romano. Avant le deuxième tour, je vous annonce un deuxième tour tout de suite. Prépare-toi, Cédric. C'est allez, vas-y. C'est pas de refus. Il y a Joda Assassin qui nous dit: pendant un orage, la foudre est tombée sur le robot de la piscine et mon ordi a brûlé alors que j'étais en train de jouer. Ah ouais, merde. J'ai vu ça. Eh ouais. Putain, pas de chance, hein? Ah ouais. Eh ouais, pas de chance. À toi, Cédric. On espère que tu auras plus de chance que pour ton premier coup de fil. Chez Marc. Chez Marc. Allez, Cédric, à toi. Allez, mon petit Marc. C'est parti. Je salue ceux qui soutiennent Cédric et Romano. Je vois Gangster, Zach qui est là. Bonjour, Cédric, Fever. Le spoiler. Bonjour à Defray. Allez. Et à tous les autres. Allô? Allô, Marc? Allô? Ouais, bonsoir. Est-ce que Marc est là, s'il te plaît, ma belle? Non. Il est où? C'est qui? Ben c'est Michel, le beau gosse. Je suis un de ses potes. Eh ben non. Ah ben il est pas là. Ben je voulais passer à la maison. J'avais prévu de venir à la maison de voir ce soir. Eh ben je suis avec une copine. Ah ben génial. Et Marc, il est en réunion. Je t'entends plus là, ça capte mal. Arrêtez de faire de la merde. Et il a son portable bloqué. Excellent. D'accord. Allô. Allô. Allô. Attends, parce que je suis sortie, on est dehors, parce qu'on dîne dehors avec ma copine. Ouais. Oui. Sympa, ça. Donc, c'est qui le beau gosse? Donc, bon, je t'explique en gros, là, je fête la fin de mes examens, et puis ce soir, je voulais faire un petit truc avec toi. Et avec ta copine, on pourrait se faire un petit truc à trois. Ah, bah oui. Ah, bah génial. Oui. Vu que Marc, il est pas là, je vais m'occuper de vous deux. En plus. Ouais. En plus, un beau gosse d'1m80, brun, un peu musclé, tranquille. Oh. Un corps d'athlète. Ouais. Donc, qui est le beau gosse que je connais, non? Bah, je m'appelle Michel. Oui, et j'ai alors? J'ai les yeux bruns. Et alors? Les yeux marron clair. Et mais, à part ça? Et bah, à part ça, je vais venir à la maison. Globuleux. Ils sont globuleux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la maison, et puis on va se faire un petit truc à trois. Et on se connaît? Ouais, on se connaît un petit peu. Oui, on s'est déjà croisé deux, trois fois. Bon, on s'est croisé deux, trois fois. Bah dans la rue on se croisait de temps en temps, moi je t'avais repéré. Ah, bah bien sûr. Donc, bah oui. Ce que je fais c'est que j'arrive dans 5 minutes et puis bah je m'occupe un peu de ta copine et puis après je m'occupe de toi. Et ben voilà. Ah bah ouais. Génial, un petit plan à trois. Oui. Génial. Oui. Ah bah j'arrive ma chérie, à tout de suite, prépare d'accord. Tes fesses. Allez, à tout de suite. Ça va être chaud ce soir. Oui. Bisous mon amour. Bravo Cédric. Pourquoi l'alcool a de l'utilité? Voilà, c'est gars. Ce que vous nous dites, c'est une amie de Marie pour boire autant. Il y a le message de, la, de Clitorine qui nous dit mais c'est la copine de Marie, non, mort de rire, une vraie alcoolo. Je la Cédric pas, a serré de la viande saoule ce soir. Eh non. Ah, c'est tout ce qu'il est capable de serrer. Ah mais t'es mal jaloux. Attention, tu parles de jalousie serrage. Mon pote. Non, avec... moi je suis dans mon jacuzzi moi. Moi je fais un plan à 3 avec deux meufs. Ouais, t'as oublié de lui dire que c'était pour tes examens d'urine. Ouais mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Cédric a fini ses examens d'urine, il est content. L'essentiel c'est de serrer, j'ai serré deux meufs. Nickel. Voilà, j'ai du pipi dans des bouteilles si vous voulez. Ça me fait plaisir, je suis content. C'est pas moi, ce qui me fait pas plaisir c'est que tu spoil. Ouais mais qu'on s'en bat les couilles, quel rapport avec le clash gars. Alors, bim bam boum le serrage pour Jérémy de Corbeil. Un plan à 3 tranquille. Big up Jérémy de Corbeil. Allez à toi Romano. Allez moi j'attends hein. La description c'est du fake on nous dit. Ah il y en a qui sont pas contents de la description que tu as fait. Ouais mais c'est pas grave ça. Ça c'est la surprise du chef qui, quand j'arrive qui David. Notez bien le plan A3 la famille hein. Chris du 13 il a assuré Cédric c'est un vrai pro. Ça va de chaud. Ah comme elle ramène moi sa grande gueule. J'appelle Cédric pour les appels du 13. Allô. Oui David. C'est la femme à David. Oui. Oui David est dans le coin. Oui je vous le passe c'est qui. C'est Jean-Louis. D'accord. Merci Jean-Louis. Allô. Ouais, David. Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de ta femme là. D'y voir, je t'appelais parce que j'ai mis mon jacuzzi en route et je voulais proposer de venir à. À ta femme de passer. Maman, dans la gueule, tu la veux? Bah, écoute, je peux être là dans 5 minutes et puis je pense que tu feras moi le mariole quand tu m'auras en face. Viens, je t'attends tout de suite. Parce que bah, je viens. Avec Grouille-toi. Mais viens tout de suite. Viens tout de suite et je t'attends. Je ne viens pas pour rien par contre. David. Je propose un rappel. Ouais, moi aussi je me propose un rappel. Alors, un rappel. Parce que c'est une idée rigolo. Alors, on fait un rappel. Ça compte pas alors? Si, ça compte. Et après, on fait un troisième tour et t'auras un rappel, Cédric. Pourquoi on fait un troisième tour? Deux tours, c'est bien. Hein. Bah, trois tours, c'est bien. Tu peux arrêter de me faire chier avec ta caméra là? Qu'est-ce qu'il fait, il te filme? Ouais, mais c'est gênant à force. Ouais, mets ton chapeau, on te verra pas. Voilà. David. Allô, allez, grouille-toi, ramène-toi, bâtard. Ouais, mais moi je m'occupe de ta bonne femme. Viens, fils de pute, hein. Viens devant chez moi. Mais je crois... Viens simplement devant chez moi, fils de pute. Bah, viens. Je crois qu'en fait, je vais la niquer dans le salon, moi. Oh là là, tout de suite, de la vulgarité comme ça, là. Mais je vais t'enculer de ta mère quand même. Ah, il est beau ce clash, avec de l'émotion. Bon, il y a quand même un peu plus de l'émotion. Attends, Cédric, c'est pas deux meufs quand même. Votez Romano. Moi, c'est un vrai serrage que j'ai yo, fait. Yo, votez Romano. Je propose le troisième tour. C'est parti. Qui sont qu'il a fait une invitation très amicale de David pour Romano. Mort de rire, nous dit le clan. Bah ouais, HDMI de la PS4. Préparez les votes. Préparez les votes, la team Romano. Troisième tour d'abord. Ce soir, on le plie en deux. Il a même pas fait un serrage. Il n'a rien fait. T'as un rappel, Cédric. Ouais, t'inquiète. Tu notes bien. Romain, c'est qui? Serge. Le lama. Peut-être. Ah, mais tu craques, c'est ça. Tu connais pas Serge Lama? T'as si mal ancienne, quand même. Méga star, attends, méga star. Bon, il a été dépassé depuis par Mehmet le chien, par Côte-Côte la poule. Kawa, le chat. Ouais. La chatte. Et puis Blatard, le cafard. Ce sont tous nos pronostiqueurs du morning, ça. Ouais. Je rappelle que la chatte de Marie a pronostiqué la victoire des Français pour dimanche après-midi. Donc moi je pars ce week-end, on va passer un bon week-end. Dimanche après-midi, beau match des Bleus, victoire des Bleus, pronostiqué par la Marie. Allez Romano, sa chatte ce matin. Allez les Bleus. Ouais. Alors. Elle est au bout du bout là. Notre troisième tour. Ah. C'est pour toi Cédric. Ah bah oui, je sais que c'est pour toi. Tiens, c'est plutôt toi qui es au bout du bout. Mon j'attends mon appel. Bah non, moi je te dis, j'ai fait un serrage. Allô. Oui, allô. Bonsoir, comment ça va? C'est qui? Tu vas bien? Bah, tu peux le répéter? Serge. Allô, Stéphane? Oui. Ouais, excuse-moi, j'ai un assistant qui est pas très efficace ce soir. Je t'appelais parce que je voulais venir à la maison fêter la fin des examens, là, ce soir. Ouais, bah, c'est quoi cette plainte encore? C'est une fois que t'appelles. Bah, je voulais venir à la maison, puis je voulais te faire l'amour ce soir dans tes fesses. Ok, c'est super intelligent comme blague. Allez, bah, quoi, tu vas kiffer, mon pote? Attends, ça va. Voilà, et c'est mal passé, mais tu as un rappel, Cédric. Donc minable. Non, ça va, je veux pas le rappeler. Pourquoi tu le rappelles pas? Parce que t'es envie. Parce que t'es grosse. Parce que t'es grosse maltringue. Non, mais t'es con, t'as pas serré. Bah écoute, moi je le prends. Non, tu prends pas mon rappel, c'est moi là, Cédric. Non, c'est grosse maltringue. Non, moi tranquille, j'ai serré la femme de Marc. La femme de Marc, un truc à trois, tranquille. C'est une grosse maltringue. T'abandonnes donc. Non, j'abandonne pas. Tu as pas le rappel. Je le sentais pas, lui. Mais il était marrant. Mais t'es marrant. Bon, bah, tu veux pas de rappel, tu veux pas de rappel. Bon, bah, tant pis, bah, j'allais me saouler pour faire un rappel. Mais, non, mais après, non, mais d'habitude, tu nous fais chier parce que tu veux dire rappel. Merci, Cédric. Merci, public. Merci. Attends. Bernard. Allô. Ouais, c'est Bernard. Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? C'est qui, là? C'est Jean-Louis à l'appareil. Et ta petite. Jean-Louis David, le coiffeur de ta femme. Allô. Oui. Oui, et ce soir, j'organise une petite soirée dans mon jacuzzi, là. Comment ? J'organise une soirée dans mon jacuzzi. Oui, bah vous n'êtes pas... Bah tu veux pas venir faire un petit tour ? Vous êtes trompé de numéro. Je viens de chercher, on fait l'amour dans ton salon. Vous êtes trompé de numéro. J'ai envie de te faire l'amour dans les fesses. Bernard, Bernard, Bernard, Bernard, Bernard. Ouais, Bernard. Bon, tant pis pour Bernard, mais c'est parti maintenant pour les votes pour le clash de ce soir. Allez-y, 41759, l'appli Skyrock, je vous donne toutes les adresses pour nous joindre. Le skyrock.fm aussi, ça marche, et donc c'est parti. Vous pouvez également encourager vos préférés. Hashtag Team Romano, hashtag Team Le Belge. Ouais. Vous envoyez vos messages si vous avez préféré. Je peux chanter. Cédric, tu veux chanter ? Alors, déclaration de Cédric, tu veux chanter, Cédric ? Moi, non, ça va aller tranquille, déclaration. Direct. Moi j'ai serré la femme de Marc avec sa copine, tranquille, on va se taper un petit truc à trois avec deux meufs. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, tous ceux qui ont passé des examens là ces derniers temps, et ceux qui ont déjà passé dans l'examen d'urine pour toi ce soir. N'hésitez pas à voter Cédric, c'est EDRIC, je compte sur vous tous et vous toutes, je vous aime très très fort. Très bien, Romano, moi, tu veux chanter quoi ? Je vais chanter Romano, il faut voter Romano, c'est pour encourager les bleus pour dimanche. D'accord, d'accord. Alors, c'est bon, c'est parti. 3, 4. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Bon, ce soir, mes amours, il va falloir voter Romano. Bah, écoute, je suis invité chez le mec. Il m'a invité à me niquer ma mère. Bon, elle ne viendra pas, mais il peut me niquer moi à la place. Et je vais m'occuper de sa femme. Et bien, ce soir, votez Romano. Moi, je ne spoil pas la fin des séries. Cédric le fait. Tu radotes là un petit peu là. Votez Romano. R-O-M-A-N-O. Ce soir, on le termine. Votez Romano. Je crois que ce soir, faut voter Cédric. L'autre, il a rien fait du tout. Okay. Moi, j'ai fait un vrai serrage. Je vous aime très, très fort. Allez, c'est parti. Ça vote, ça vote. Merci pour les messages. Merci à Yan Yan qui vote Cédric. À Rima du 93 qui vote Romano. À Marie qui vote pour Cédric. Crash Bandicoot qui vote pour Romano. C'est partagé, hein. Tikiouf qui vote pour Cédric. Cédric également pour l'inconnu. Romano pour Brian du 13. Cédric pour Ultra 92. Merci, merci, merci. Le chauve n'a rien fait, nous dit Ultra 92. Saboune, Romano. Ah, ça, c'est son avis. La MILF. La MILF, elle vote pour toi, Cédric. Romanette vote pour. Romanette vote pour Cédric. Oh, merde. Ouais, merci, la Casette vote pour Romano. Il kiffe ta chanson. La Casette, big up à toi. Allez, top vote. Vous votez. Allez-y. 41750. Allez, les bleus. Alors, on a eu, tiens, Aurélie qui était pour Romano, Valentin qui était pour Cédric. On va les prendre tous les deux. Là, Valentin, t'as 17 ans et t'as rangé. Ah ouais, on te prend tout de suite, toi, parce que t'es au bord de la crise de nerfs ce soir, Valentin. Qu'est-ce qui t'arrive ? La crise de nerfs. Vous m'entendez ? Oui, ouais. Mais toi, on t'entend bien, on t'entend moyen quand même. Mets-toi un endroit où on t'entend bien. Je crois que c'est l'eau-parleur. Faut qu'on profite de tout et enlève l'eau-parleur, comme dit Cédric. L'eau-parleur. Voilà, enlève l'eau-parleur. Faut enlever l'eau-parleur. L'eau-parleur. Alors, t'as enlevé l'eau-parleur ? Ouais, c'est bon. Ah, ça y est, on t'entend bien. Eh ben, sans l'eau-parleur, c'est mieux, c'est vrai. T'as vu, ça marche mieux. T'avais raison. Bien vu. Bien vu, bien vu. Faut enlever l'eau-parleur, c'est fait. J'ai bien noté qu'on passe. Tu la trouves comment, ma voix, Romano ? Sans plus. Ah oui, c'est que tu votes pour Cédric, donc il va te dire non. Elle non, mais normal, quoi, ça va. Normal. Pourquoi ? Tu trouves que t'as une voix bizarre ? Non. Non, bon, ah non, bon, mais ça va. Non, mais ça va, ça passe, ça passe. Il voulait la vie. En fait, je vais vous expliquer mon état, c'est pour ça. T'es drogué. Ton état. Non, non, parce que c'est quoi l'état de nerf ? Vas-y, explique-nous. Voilà, en fait, j'ai un souci. Bon, je sais pas si c'est un souci mental ou un souci naturel. Si c'est un souci mental, on va pouvoir t'aider, hein, t'inquiète. Oh Romano, bah, en fait, ce soir, Mago, elle dort chez une pote et ça me fait péter un câble. Parce qu'en fait, c'est une pute, voilà pourquoi. Voilà, qui c'est une pute, c'est une pute qui, ta pote, sa pote, ta copine ou la pote? Non, sa pote. Ah, mais pourquoi tu dis comme ça si gentiment d'elle, c'est une pute? Parce qu'elle l'a incité à faire plein de trucs. Ah, c'est pas bien ça. Ouais. Ah, elle l'engraine dans le vice. Ouais, voilà, merci Romano. Mais quel vice? Non, on va lui monter la tête à Valentin. Bah, plein de choses, du genre. Mais je crois que je vais la couper en morceaux, sérieux. Bon, tant qu'elle t'entraîne pas, dans des boulons. Non, c'est ça. T'es très drôle, ça, Marie. Ouais, c'est des boulons. Excessivement. Des boulons, les vices. Déchirés comme ouais, ouais. Donc, mais elle l'entraîne dans le vice. Quel vice elle l'a entraîné? Mais par exemple, le shit. Ouais. Par exemple aussi, la dernière fois, elle a eu un souci avec son ex et bon. Il voulait lui taper dessus. Sympa. Et du coup, elle a dit à ma copine, à moi, bah viens avec moi. Est-ce que ça se fait, ça? Ça se fait pas? Bah, entre copines, c'est leur histoire à elles, toutes les deux. Si elles ont envie de s'entraider dans des problèmes. C'est comme si moi, j'allais me faire. Mais c'est comme si que j'allais me faire éclater par 50 mecs en même temps. Je te dis, bah, dis full, viens avec moi. Bah, si je suis un bon pote, je viens avec toi. Ou alors j'essaie de te dissuader d'y aller parce que 50 mecs, tu es possible que tu te fasses casser la gueule. Ça peut faire mal. Ah, bah, ça, j'y vais pas, moi. Toi, tu vas pas, toi. Mais ah, même si c'est un bon pote, je lui dis, ça a rien d'y aller, on va se faire dérouiller. Ouais, t'essayes de le. Non, mais si vraiment il veut y aller, je te laisse. Moi, franchement, je lui dis, écoute, moi, je t'aurais prévenu, tu vas te faire casser la gueule. Oui. Bah voilà, c'est ça. Normalement, ça se fait pas. Après, juste un truc contradictoire par rapport à ce que tu dis, par exemple, sur le shit. Bon, ok, elle a dû lui proposer, après, elle l'a pas, tu vois, elle lui a pas mis dans la gueule, quoi. Oui. Mais écoute-moi, mais le problème, c'est que elle a voulu arrêter de fumer, elle lui a dit, ouais, ça se fait pas, tu m'abandonnes et tout. Ça, c'était un truc d'enculé. Mais non. Ah. Bah après, c'est elle qui décide. Oui, au final, tu sais, t'as la pute là. Ouais, comme ouais, ça. La chienne. On va rester sur la pute. Non, mais en plus, par rapport à chienne et pute, pour l'instant, il n'y a rien de sexuel dans ce que tu nous as raconté. La pute, comme tu dis, tu vois, ta meuf, c'est le cannabis. L'autre, elle lui a dit, ouais, tu m'abandonnes. Elle aurait très bien pu lui dire, bah écoute, moi, c'est comme ça, terminé, ouais, je fume plus. Fume toute seule, on est potes. Après, puis, c'est qu'au final, elle était bien d'accord. Tu vois, elle lui a pas mis de joint dans la gueule en lui disant, fume. Le problème, ouais, c'est qu'elle est influençable. Ah, bah oui, mais ça, ouais, copine, mais ça, c'est pas le problème de sa copine. Mais aussi, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, après, je suis pas sûr d'être à moitié jaloux maladif. C'est-à-dire que. D'elle? En fait, je supporte aucune de ses potes, à part une seule. Non, mais il y en a qui sont comme toi, moi, je sais, moi, j'ai des potes, ils sont pareils. C'est-à-dire que. Genre, ça, ça me rend dingue. Mais pourquoi? Parce que t'as l'impression qu'on te la pique? Oui, aussi, oui. Ah, c'est ça, t'es jaloux, là. Oui, mais enfin, avec toi, elle fait pas la même chose qu'avec sa copine. Bah, non, mais clairement. J'espère bien, ouais. Ah, t'as quand même un doute? Tu te demandes si elles font pas des trucs ensemble, toutes les deux? Non, mais tu sais, oh, bah, t'inquiète, c'est déjà demandé, ça. Et alors? T'es un peu possessif, quoi. Non. Non, t'es un gros jaloux, Ah, ouais, putain. Mais le problème, c'est que. Ouais, je sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais à chaque fois qu'à part. Pourtant, depuis qu'on est ensemble, c'est-à-dire quasiment un an. Oui. Plus du tout en soirée, quasiment, elle fait des efforts. Mais du coup, je suis obligé de me bourrer la gueule, donc vous m'excusez si je dis des conneries, mais je crois que j'ai un peu abusé sur la vodka. D'accord. Tu t'entends un peu. Mais tu bois tout seul. Ouais. C'est glauque de boire tout seul. Ouais, puis en plus, quand t'es vénère, c'est pas bon. De boire. Parce que t'es encore plus. Eh, Marie, tu vas lui dire que tu prends jamais un verre toute seule. Ah, bah si, non, mais. Non, jamais un verre, une bouteille. Quand je dis t'es vénère, mais je te rassure, une bouteille, pas de verre. Ah, bah la preuve, tous les soirs, je bois solo dans l'émission, personne n'arrive à me suivre. Non, mais faut tolérer qu'elle. Bon, par exemple, si elle fume et que tu fumes pas, faut tolérer qu'elle fume et que tu fumes pas. Après, tu peux lui dire que t'aimes pas ça. Mais enfin, bon, c'est sa vie. Regarde, Marie, elle boit sa bière. Romano, il boit sa bière japonaise. Ouais. Moi, je bois mon coca. Tu vois, chacun dans son délire. Samy, mange son. Non, moi, ma bière, je l'ai finie. J'en veux une autre. Tu veux une autre bière? Marie, donne une bière à Romano, je m'appelle. Comment tu t'appelles? Romano. Parce qu'il faut que je sorte. Et Karim, le problème, c'est que c'est pas, c'est non, que temporaire, je le sais très bien. Merci. Bah, toi aussi, t'es peut-être que temporaire. Hein. Bam. Non, mais c'est vrai, tu sais. T'en sais rien, peut-être que c'est des bons potes, peut-être que toi, tu resteras pas avec cette meuf. Il risque de perdre la. Justement, tu risques de la perdre, ta meuf, à force de la séquestrer comme ça, on nous dit. C'est Choc qui nous laisse un message, là. Mais c'est pour son bien que je fais ça, moi. Ouais, non, mais t'as rien, en fait. Pour son bien, non, mais l'autre, tu t'es pris pour son non, père. Non, mais là, tu divagues dans la taritude, non, mon mais pote. En plus, elle va encore plus. Putain, attends, je vais réussir à faire ma phrase. C'est la bière, ça. En gros, ça va la saouler. Elle va avoir plus envie d'aller voir ses copines si tu lui prends la tête à la baraque. Hein. Ça va la saouler comme moi. Ah, moi, c'est en général, moi, si on me prend la tête, je me tire, je vais plus voir mes copines. Ah, tu vois, soit elle est avec sa pote, elle s'en fume la gueule, et si avec toi, tu lui prends que la tête, évidemment, elle va préférer faire des trucs avec sa pote. Logique. Ouais, au pire, je l'emmerde. Ouais, bah, ça va durer longtemps. Bah là, ça va loin là. C'est l'alcool. On t'excuse, hein, Valentin, t'inquiète. Reste avec nous. Tu tiens le choc, tu tombes pas. Hein. On va te reprendre dans un instant. Mais non, mais là, je suis en forme. Je dois descendre ma deuxième bouteille. Ah, ok. Oui, mais du calme quand même. Vas-y, mollo quand même. Calme. Pas nous faire un coma éthylique non plus. Oui, en direct, ça serait dommage. Malade. Oui, avec non, mais même pour toi, même pas en direct. Ça serait dommage aussi. Ça serait dommage tout court. Avec modération, bien sûr. Bien sûr. Hein, Valentin. Je trinque à la santé de Sky parce que ça fait longtemps que je vous écoute. C'est gentil, des Valentin. Années. Oui, bah trinque doucement. Ça va. Voilà, c'est ça. Reste là, Valentin. Et dites-nous si vous êtes comme lui, par exemple, vous supportez pas les copines de votre meuf. Ou alors vous supportez pas les copains de votre mec. Allez-y, 41-759. Ce qu'il supporte pas surtout, c'est qu'elle préfère aller voir ses copines que lui, tu vois. Bon, si vous vous êtes reconnu un petit peu dans Valentin, vous nous appelez. Puis si vous voulez donner votre avis sur Valentin, même chose. Dans un instant, les résultats du Clash Jadrag, c'est fini pour les votes. Joule, qu'on entend derrière moi, bah, on va la retrouver là, Joule. C'est Emotion. Il était avec nous hier. D'ailleurs, allez mater la vidéo de Romano, Joule et moi. Bah, et toi aussi. En Y. Voilà, en Y, en I. Vous allez nous voir sur les réseaux Skyrock. Allez faire un tour. C'est sur le difool.skyrock.com si vous voulez aller le mater. Ouais, c'était cool, hier. Vous allez mater ça. Et puis sinon, sur le Facebook, ça marche aussi. Bon, les réactions pour Valentin. Dans un instant, on prendra Aurélie avec nous. Et je vous donne les résultats du clash. Et Pamela doit serrer un homme avant minuit. Sans problème. Eh bah, va-t-elle y arriver? On vous attend en direct sur Sky. Concert Skyrock.

Romano. Ouais, ma gueule. Ouais, ta gueule. Difool. Je sais rien faire avec mes mains. Cédric. Je me suis mangé un mur. Ah, putain. Marie. Par ta gueule. Samy. À chaque fois, on prend des buts à la fin. Momo. Son porc est trompeur. Et Karim. À ma chambre, j'ai un lit, j'ai mis un petit canapé, une place, en fait. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Oui, oui, oui, on est là jusqu'à minuit. J'ai le reste du clash de la drague à vous donner. Attention, attention, c'est bien, c'est serré ce soir. Bon, moi, je vais finir ma bière d'un coup. Vas-y, finis ta bière d'un coup, mais avec modération, on l'a dit. Et Valentin, arrête. C'est de la bière sans alcool. Arrête de teaser. Il y a plein de messages qui nous disent un homme qui boit, c'est moins sexy. Dites-lui à Valentin, sa meuf, c'est pour ça qu'elle est partie avec sa copine. S'il boit tout le temps et qu'il est bourré à la vodka, c'est pas bien. Tu vois, plusieurs messages qui sont arrivés là. Le dernier, mais tu bois parce que t'es énervé, toi. Bah ouais, justement. Valentin, t'es énervé parce que ta meuf est partie chez sa copine passer une soirée. Et depuis quand on n'a pas le droit d'aller passer une soirée chez sa copine? Exactement. Ah, mais c'est une pute. C'est Linda. Alors oui, ça c'est la pute. Il aime pas la copine. Mais attendez, je vous ai pas rajouté un truc. Mais là, je pense que vous allez halluciner. Vous allez me dire d'aller voir un petit. Peut-être. C'est possible. Et bah, en fait, mais pourtant, je vous assure, si vous me voyez en temps normal, je suis normal. Hein. Je suis pas un psychopathe ou je ne sais quoi. Mais... Non, mais t'es un gros jaloux par contre. Ouais, mais en gros, récemment, hier, bref, j'en sais rien, je sais plus quand c'était, mais le 23 le juin, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je sais plus quand. Mais c'était hier. C'était son anniv. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai son code Facebook, j'ai été changer sa date de naissance pour qu'aucun mec puisse cette bonne anniv. Je suis un beau gosse ou pas? Non, t'es un taré. J'avoue, t'es un fou. Valentin, moi, je te dis beau gosse, moi. Ah, merci. Ah, franchement, beau gosse, ouais. Ah, le beau gosse. Ouais, ça me vénère pour qu'après il marque bon anniversaire. C'est pourquoi, à ton avis, c'est pourquoi il dit bon anniversaire? Bah, parce que ça peut être une amie, tu sais. Et en fait, t'aimerais être la seule personne. C'est ça. La seule personne qu'elle a dans son entourage. En fait, tu aimerais qu'elle soit toute seule à part toi. Pas de copine. Pas de copain. Pas de Facebook. Et toi, t'as pas de pote? Pas de bon anniversaire, rien. Non, j'ai pas de pote, je suis Rémi, moi. Rémi sans famille. Non, mais je... Et mais vous avez déjà eu, j'imagine, dans les meufs que vous avez eu, forcément elles avaient des copines que vous pouviez pas supporter ou que vous trouviez trop connes, non? Ouais, bah oui. Ou Marie, dans des mecs que t'as eu, ils avaient des potes que tu trouvais trop cons. Ah ouais, ça c'est clair. C'est vrai, tu dis. Ah, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. Mais du coup, ouais. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi, ça me dérange pas qu'elles s'amusent. Le problème, c'est que elles sont pas de confiance, ces potes. De toute façon, et qu'elles soient avec n'importe qui, tu trouveras toujours un défaut à la personne avec laquelle elle sera. Mais méfie-toi parce qu'elle a des parents aussi. Oh. Ah merde, j'avais oublié. Ah bah ouais, t'as oublié, tiens. Et si moi, mais justement, ces darons, ils sont mal éduqués. Ils ont mal fait leur travail. Eh ouais, mais heureusement que tu es là maintenant. Ah bah heureusement, toi. T'es là pour redresser la barre. Justifié, mais t'es un malade. C'est pas un gros casse-couille. Ah ouais, ouais si, putain, t'as un casse-couille. Nous dit Kono, là, sur SMS. Ah ouais. Il y a Reste en chien qui nous laisse un message. Tu vas bientôt te retrouver sans personne si tu continues à les casser les couilles comme ça. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Elle te supporte? Quasi un an, dans 2-3 mois. Ouais. Eh bah, respect, ouais. Elle, ouais. Bravo, elle est solide, elle est solide. Ah mais tu m'étonnes que des soirs, elle a envie d'aller se démater la gueule avec une copine, elle en peut plus, en fait. Elle en peut plus. Ah, c'est ça, mais c'est ce que je t'ai dit. En plus, mais plus tu vas la faire chier, plus elle va se tirer. Hein. Romano, c'est pas toi qui faisais chier la gothique parce qu'elle avait une copine que t'aimais pas? Si. Ah si. Ouais, mais elle racontait de la merde, elle. Non, mais il y a toujours une bonne raison. Valentin, il va te trouver plein de bonnes raisons. Non, mais pour, puis en plus, ça, je pas aimer la copine. Elle a essayé de me serrer, donc. Si, ah, laquelle, la vilaine, là? Ouais, là, bah, c'était une meuf, je me souviens de son prénom et tout. Hein. Alors, je pourrais même retrouver sa maison. Son sa prénom, maison, c'était quoi? Linda. Linda, et elle avait mononucléose. Non, c'est pas la même. Tu es sorti avec plein de Linda, là. Non, je suis pas sorti avec. Ah non, mais j'ai jamais galoché, là. Si vous appelez Linda, faites gaffe, les filles. Non, parce qu'en fait, le prénom préféré de Romano. Non, un soir, on devait aller en boîte, ouais. Et en fait la mère de la gothique était en crise, donc en crise de quoi? De nerfs. Ah. Elle était en crise de nerfs ou de démence? De démence, de folie furieuse. De démence nerveuse. De folie folle, comme Cédric Voyer. Oh oui. Bien sûr, ouais. Et du coup, j'étais allé chez cette Linda, là, et la meuf, bon, on se connaissait. Et on va fumer une clope dehors, et la meuf, normal, elle essaye de me galocher, quoi. Et tranquille. Et c'était la meilleure amie de ta gothique? Ouais, ouais. Et après, moi, non, mais là, par contre, ça le fait pas. Non, ça. Mais après, moi, j'avais foutu la merde, t'inquiète. Elle avait disparu de la circulation. Tu l'avais dit à la gothique? Ah, bien sûr. J'avais foutu la merde. Vous voulez se battre et tout. Mais... Non, mais tu peux faire ça, tiens, Valentin. Voilà une idée d'enculé quand même. Mais non, mais moi, sur le coup, c'était vrai. Donc, tu vois. Tu peux dire, ouais, ta copine, elle a essayé de me rouler une pelle. Mais c'est pas bien de briser d'amitié. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Non, mais... Je veux dire qu'elle a même essayé de se jeter à mon pantalon. Voilà, et te sucer, c'est ça après. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Après, faut pas que ça soit trop gros non plus, parce qu'elle va pas te croire. Surtout que t'es un relou à la base, donc. Bon, là, il y a Simon qui nous appelle pour toi, tiens, on va le prendre. Simon, direct du Havre. Salut Simon, t'as 21 ans, toi. Salut. Salut. Ouais, comment ça va? Tranquille, l'équipe. Bah, écoute, ça va bien, Simon. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Valentin? T'es comme lui, toi? Moi, je voulais dire, franchement, faut pas qu'il casse les couilles et tout, parce qu'après, il va la perdre. Toi, t'es pas comme lui. Ou alors, t'as été comme lui. J'étais comme lui, justement. J'ai perdu ma meuf pendant 3 mois, c'est pareil. Bon, là, ça va, on se parle ensemble et tout, tu vois, mais. Ah ouais, tu vas tellement casser les couilles qu'elle t'a dit, je me barre, et on se revoit peut-être un jour. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que, il dit, ouais, la pote, c'est une pute, tu vois, mais moi, la pote à ma meuf, c'est vraiment une pute. Genre, la pote à ma meuf, elle a deux mecs, tu vois, elle a un mec en déplacement la semaine, et la semaine, elle a un autre mec. Bah après, elle fait ce qu'elle veut, hein, tu sais, elle a envie d'avoir plusieurs mecs. Elle fait ce qu'elle veut, mais c'est vrai que quand t'as des amis comme ça, autour de ton mec ou de ta meuf. Mais moi, dans le délire, c'est que sa pote, elle lui disait, ouais, c'est comme moi, trouve un deuxième mec, machin, ou elle a proposé de faire un plan à trois. Elle essayait de l'engraîner, quoi. Mais donc là, c'est normal que tu ne l'aimes pas. Un plan à trois, carrément, ouais. Moi, j'aurais pas aimé non plus, elle. Ah bah non, attends, lui. Ah, mais elle est bizarre, sa pote, hein. Non, mais l'autre, c'est une vraie chaudière, c'est une pute. Oui, c'est une autre façon de dire les choses. Putain, oui. Les copines de vos meufs, elles en prennent plein la gueule là depuis tout à l'heure. Ouais, avec Valentin et Simon. Ah putain. Et mais après, faut juste qu'il fasse confiance à sa femme et puis basta. Faut pas qu'ils se disent ouais machin machin. Moi, je regarde la story, là, je suis chez moi, là, elle est avec sa pote et puis je dis rien, tu vois. Mais avec sa pote la pute là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh, chaud. Eh ouais, Valentin, chaud. Tu vois, Valentin, t'es pas tout seul. C'est bien quand on écoute Sky, on se rend compte qu'il y a d'autres auditeurs qui, oui, c'est ça, qui ont le même problème que toi, par exemple. C'est ça. Ouais, faut juste faire confiance. Après, ta femme, tu sais, elle est fidèle. Voilà, tu as jamais fait de coup de crasse. Tu Allez, Valentin, il voulait te demander un truc. Je crois qu'il est en train d'hurler avec sa bouteille de vodka à la main, là. Ah merde, putain, mais j'ai une question. Ça se voit tant que ça que ça monte ou pas? Ah ouais? Non, pas du tout. Non, mais là, si, c'est. D'ailleurs, là, t'as franchi un cap. Ouais, tu franchis un cap. Hey, Simon! Mec, t'as pas envie de l'étrangler, sa pote, sérieux? Vas-y, mais tu veux que je fasse quoi? Mais putain, ça me casse les couilles, moi! Ouais, mais excusez-moi, moi, de vous niquer un peu le truc, mais je pense que si, moi, ma meuf, elle traîne avec une meuf et que l'autre meuf, c'est une grosse pute, moi, je me dirais que ma meuf, c'est une grosse pute aussi. Mais non! Ah si, parce que. Regarde, moi, personnellement, réfléchis, Karim, avec ton petit cerveau. J'ai personnellement un ami chauve. Ouais. Est-ce que tu m'as déjà vu chauve? Non, jamais. Et ben voilà. Je n'ai pas trop compris le rapport. Mais moi non plus, mais. C'est pas parce que tu as un ami qui est d'une certaine. Enfin, c'est pas... Tu dis, bah, tu traînes un peu avec des gens comme t'es. Eh bien, non, regarde la preuve, je traîne avec un ami chauve. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Là, mais moi, ça me casse. Moi, je suis un peu de l'avis de Karim. Moi, ça, j'irais pas jusqu'à dire que ma meuf, ça serait une grosse pute. Non mais tu sais, elle traîne avec une meuf. Mais pas, non, pas pute, mais ça me casserait les couilles. Et puis le mot pute pour une meuf qui a plusieurs mecs, vous avez jamais arrivé d'avoir plusieurs meufs? En même temps, c'est comme ça qu'ils les appellent. Nous, on fait que répéter le pseudo. Non, mais un mec qui fait ça, c'est un beau gosse, quoi. Ouais, non, bah, oui. Non, mais toi, t'es vilain. Ça dépend du mec. Allez hop, ça au passage, ça dépend du mec. Et comment vous vous êtes remis ensemble? Quand vous êtes remis ensemble, elle t'a dit, bon, ça tu fais plus, maintenant il faut plus qu'une presse. Ah, mais nous, on s'est remis ensemble, il y a quoi? Il y a un mois, là, mais nous, tu vois, c'est en cachette en ce moment, c'est compliqué, tu vois. Mais pourquoi en cachette? Bah parce que ses potes ils montent trop la tête. Après il y a trop d'histoires et tout. Ça sache pas pour que personne parle et vous vivez tranquille. Comme ça personne casse les couilles, on vit tranquille. Non mais c'est vrai, t'as raison, parce que moi ça me casse les couilles. Hey, vous êtes encore ensemble, ouais, c'est ça, vous êtes encore ensemble, machin, quitte-le, machin, parce que moi, ça veut dire, ça fait 6 ans que j'étais avec, après j'ai jamais été un mec, tu vois, quand t'as 16 ans t'es un gamin, tu vois, donc j'étais voir à droite à gauche, tu vois, mais après ses potes ils lui montent la tête sur des histoires qu'il y a 6 ans, tu vois. Bah ouais. Toi, ça fait combien de temps que t'es avec elle? T'as 21 ans? T'es commencé à quel âge? Moi, ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. Donc, t'as 16 ans. Le 26 septembre. T'as commencé à sortir avec elle, t'avais, 16 ans. Ouais, j'avais 16 piges. Bon, en tout cas, tu me sembles bien sage, Simon, c'est bien. Essaye de prendre les conseils de Simon en considération, Valentin. Laisse-lui vivre sa vie, il faut lui faire confiance. Juste, moi, je vais pas te mentir, tout à l'heure, j'étais avec elle, elle me dit, ouais, sortir avec machin. Je dis, ouais, dans ma tête, je voulais péter les plombs, mais toi, après, tu pètes les plombs, tu fais quoi? Tu vas la perdre au final, hein. Oui, puis tu l'as récupéré il y a un mois. Oui. Là, il faut te tenir à carreau, c'est clair. Tu vas pas lui refaire les mêmes trucs. Ok, Simon. Ouais, c'est ça, tu fermes ta gueule, tu prends sur toi. Donc, oui, toi aussi, c'est ça, faut faire des efforts, ouais. Pendant qu'elle est avec sa copine, comme tu l'as appelé tout à l'heure, sa copine la pute. Eh bien, toi, tu profites de la soirée pour la passer avec nous. Venez avec nous si c'est. Ouais, c'est ça. En plus, tous les soirs, je vous écoute parce que souvent, elle est avec elle. D'accord. Eh bien, écoute, heureusement qu'on est là, hein, Simon. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, on lâche pas l'affaire, on ne te laissera pas tomber, nous, Simon, t'inquiète. Ouais. On fera pas de break. Bon, Valentin, bon courage. Puis reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres témoignages. On a eu des gars qui sont venus témoigner, mais les filles, vous pouvez nous dire, hein, si vous aimez pas les potes de vos mecs, faites-nous signe, laissez-nous vos messages sur 41759, l'appli, vous laissez vos numéros, on vous rappelle derrière, ou alors vous réagissez, vous nous dites. Ma copine est une traînée, je suis en couple depuis 5 ans, fidèle et réglo. C'est sympa. C'est une traînée. Et ma copine fait sa vie. C'est Amy qui nous laisse un message. Comment, c'est-à-dire elle se fait gibonner à droite. Ah, je sais pas, elle nous plus je sais pas, mais elle dit bien que c'est une traînée, hein, donc bon. Merci. Donc c'est une fille qui dit que sa copine est une traînée. Ah, très bien. Okay. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un mec, moi. Ok, elle fait sa vie, sa copine, et elle est fidèle. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une copine qui fait n'importe quoi. Ça veut rien dire. Et rester fidèle, très bien. Non, mais toi, Marie, ça t'arrive aussi. Moi, je sais que perso, Carriole, il y a des copines à elle, et elle les considère comme des traînées. C'est pas pourtant qu'elle les aime pas, mais. C'est une copine. Oui, alors je le dirais pas comme ça, tu vois. Non, mais par l'attitude qu'elles ont, tout ça, tu vois, que bon. Oui, quelquefois, bon. Oui, mais c'est pas limite, c'est même pas méchant, quoi. Tu sais, c'est bon, c'est la, au final, c'est la partie de la réalité. C'est un peu la réalité, ouais. Bon, c'est des périodes, machin. Mais bon, sinon, il y a des fois, je trouve sympa quand même. Hein. Bah oui, évidemment. Et puis t'as plein de meufs qui chacun sont. Fait ce qu'il veut. Non, mais puis il y a des mecs butinés à droite, à gauche, et puis ouais, après, il y a des mecs qui font pareil. Trouve un mec et qui se calme. Ah, bah clairement, ouais. Bon, bah écoute, merci Simon. Tu quittes pas, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock quand tu seras beau gosse avec. Tu vas voir qu'après, elle passera toutes les soirées avec toi. On serait tous les deux derrière la radio, ah, et magnifique. On t'embrasse, Simon. Merci du coup de fil. Et oui, Valentin, bah écoute, bon courage, reste avec nous. Je peux passer une dédicace. Vas-y, Valentin. Oui. Ouais, alors je voudrais passer une dédicace à Valentin du Sacré-Cœur, d'ailleurs, qui supporte mes sauts d'humeur envers elle. Bon courage, Valentin du Sacré-Cœur. Bon courage, mec. Et d'ailleurs, qui est super fan de vous, qui vous écoute tous les soirs. Premier sur les Valentins chez ce soir. Ouais. Et du coup, je voulais aussi passer une dédicace à Tristan, enfin le fameux mec qui m'a volé ma clope électronique à la soirée. Bon, je te pardonne, mais. Mais c'est limite quand même, parce que voler une clope électronique, c'est pas gentil. Hein. Non, c'est pas gentil. Bah alors, si t'arrives. Bon, bah tu salues Valentin, tu salues Tristan, la clope électronique. À Stéphane et à ma femme quand même que j'aime. C'est bien, Valentin. Et puis dis-toi qu'elle a le droit de voir des copines. On t'embrasse, Valentin. Et mollo, hein, sur la bouteille. Ouais, ferme la deuxième bouteille, là. On veut te garder au moins jusqu'à la fin de l'émission. Ah bah, je l'ouvre. Non, non, non. Ah non, bah non, justement pas. Voilà. Oh, un petit peu. Non, un petit peu. T'es fier de moi, Marie? Non, pas franchement, non. Une bouteille de vodka tout seul, déjà, non. Pas voilà. C'est de la merde, t'aurais pu en boire deux. Non, et puis t'aurais pu partager, salaud. Dédicace à Monica et Mélanie, la grosse pute. Très bien, merci pour super. Les petites dédicaces. Voilà, ça va leur faire plaisir. Tiens, même dans les dédicaces, on nous donne des messages. Là, il y a Didou qui nous dit, mais il va la perdre à faire ça. Juste en dessous, Romanette, qui est là depuis le début de la soirée. Salut Romanette, qui nous dit, il va la perdre. Qu'il arrête ses conneries, elle va se barrer, la meuf. Ça, c'est un autre message de Hakimou en dessous. Mais dis-lui que moi, je gère qui je veux, même sa sœur, s'il veut. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien, tu vas te faire des copains en plus. Mais c'est vraiment un con, ce mec. Ça, c'est. Mais putain, message d'inconnu. Mais moi, je suis super sympa. Bah écoute, Valentin, sois sympa avec ta meuf surtout. Là, il va finir malheureux et alcoolique s'il continue comme ça. Là. Tiens, le message d'un autre inconnu sur SMS, Eric Ross est mort de rire. Bah salut Valentin, raccroche pas t-shirt Skyrock à la maison. Ça marche. Valentin, salut ciao. Valentin. Salut. Bonne soirée à toi. Et attention, Calvin Harris et Rihanna arrivent. Rihanna dans la roulette aussi pour les places de concert à gagner. Pamela avant minuit doit séduire un homme. Elle a failli en séduire un tout à l'heure. Ouais, la belle. On peut dire qu'elle l'a même quasiment serré. Ouais, quasiment. Bah bon, le problème c'est qu'elle voulait poser une merguez sur lui, ça l'a un peu bloqué. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu loin. Il y a le mec qui a été vexé parce qu'on se foutait un peu de lui. Sa gueule. Bon, Pamela avant minuit doit serrer. Et puis on prendra le temps de faire un petit double appel ce soir avant minuit. Oui, un double appel en nocturne. C'est vrai que ça fait du bien. On l'a pas encore fait ce soir. Non. Le double appel avant minuit, c'est promis, c'est sur Sky. Mais tout de suite. Ah oui, il y a Aurélie qui nous attend. On va la prendre tout de suite. Mais je vous donne d'abord les résultats du clash de la drague que vous attendez. Ils sont là. Ah ouais, cool. 55-45. C'est les résultats du clash de ce soir. Voilà. Bon, ça va sinon? Ça va. Ça va. C'est bizarre, personne ne me demande qui a gagné. Vous êtes stressés tous les deux là? Non, parce que moi je pense que j'ai gagné largement. Ouais. Ça va. Mais franchement, ce soir je mérite de gagner, mais. Grave. Haut la main quoi. Haut la main. Ça va. Je pense que ça va. Alors pour qui ça va aller en fait ce soir? 55 pour Cédric, 45 pour Romano. Ou 45 pour Cédric et 55 pour Romano, c'est la question qu'on se pose. C'est les résultats. Je vais monter le suspense, vous avez vu comme à la télé. C'est les résultats du clash de la drague de ce soir. Le clash de la drague qui... Quoi? Je suis fait des doigts. Ah, clash de la drague... Je suis en train de le rendre ouf. Qui va permettre à un des deux clasheurs de gagner le titre de clasheur de la semaine. Bah oui, Cédric a gagné lundi. Ah putain non. Romano a gagné vendredi. Non, mercredi. Non, mercredi, bah, putain, enculé. Et puis vendredi aussi, puisque 55 pour Romano. Bah voilà. 45 pour Cédric. Effectivement, Hey, toi, t'es bon pronostic, t'étais sûr de gagner. Hein. C'est les résultats. Non, mais je suis non, mais je t'ai bien baisé. Il a fait un beau serrage. Dans ton. Bah ouais, bah ouais. Écoute, moi aussi, hein, ça va, j'ai serré de ouf. C'est pour ça que t'as serrage. Fait... Tu te fais insulter, toi. Bah et alors, c'était vachement de l'ambiance et tout, quoi. Ouais, bah, vous aviez envie de violence ce soir. C'est pas le clash de l'ambiance. Hein. Bah c'était. Moi, c'était le délire. Le délire. C'est le clash de la drague, c'est pas le clash de l'ambiance. Ah, ça y est, moi, je suis dans mon jacuzzi et toi, t'es encore dans ta jalousie. Incroyable, ça. Bon, c'est bien pour le clash. Le prochain clash, c'est lundi soir en direct dans l'émission. Ouais. En direct entre 21h et minuit, on démarre une nouvelle semaine. Et puis, ah merci Romano. Tiens, Romano qui m'offre un. Mais c'est moi qui lui ai dit, hein, parce qu'il voulait pas te le donner. Hein. Qui m'offre un cadeau, c'est gentil, ah. Romano. C'est sympa comme tout. Bah, c'est moi. Il vient de m'offrir un verre d'eau directement récupéré à la machine à boisson dans les chiottes. Ouais. En fait, c'est de l'eau qui vient des chiottes. En c'est gros. Super, ça te fait plaisir, non? Ouais, c'est gentil. Bon, voilà pour le clash. Merci pour tous les votes que vous avez laissés depuis tout à l'heure. Et puis, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à vous nous passer un coup de fil. C'est ce qu'a fait Aurélie et qu'on va retrouver en direct. Alors, Romano fait des photos pour tous les réseaux sociaux. Mais je crois qu'il est fatigué. Pour aller les mater sur Insta, Skyrock FM, ouais. Sur Facebook, Skyrock très, très FM, beau, hein. Sur Twitter, sur le difool.skyrock.com. Allez, on va le mettre partout. Et Aurélie est avec nous. Allô, oui. Allô, Aurélie. Ouais. Alors, Aurélie, t'as 15 ans, t'es à Lyon. Ça y est, passé l'orage, Aurélie. Je sais pas, j'ai fermé la fenêtre, donc j'entends plus. Très bien. Ah. Non, mais il y a eu des gros orages, on est dit. Il paraît qu'il y a un gros orage à Lyon. À Lyon, en Bourgogne. Qui est passé. Tout à l'heure, dans le sud-ouest de la France aussi. Ouais, ouais. On a eu des messages qui défilaient. Une alerte. Bon, alors, Aurélie, tu nous appelles pourquoi, toi, Aurélie? Bon, en fait, actuellement, j'ai ma mère, elle a ma garde. Oui. Et mes parents ils vont partir en procès parce que mon père veut récupérer ma garde et moi j'ai peur que le juge prenne pas ma parole en compte. Et tu sais que moi quand j'étais petit c'était quand j'entendais mes parents s'engueuler, ils s'engueulaient pas souvent. Mais quand je les entendais s'engueuler, j'avais toujours peur qu'ils se séparent et j'avais toujours ça me. Bah ils sont divorcés en fait. Ça me stressait. Bah tu vois je flippais là-dessus. Je suis sûr que Romano t'étais aussi une flippette de ça quand t'étais petit. Moi ils s'engueulaient pas moi. Jamais. Mais si, à cause de toi, ils sont gueulés, ils en pouvaient plus. Pardon. Oh non. Non, mais je suis désolé. Écoute, tu m'interroges à ce moment-là. D'ailleurs, on a déjà un pétomane dans l'équipe, si on peut éviter de passer pour la. Ça fait trois fois tirote au moins depuis tout à l'heure. Ah ouais. Non, parce que. Ouais, mais ça, vous le dites, mais t'es pas obligé de le dire. Je l'ai fait en antenne. On l'avait pas dit, hein. Ouais, non, mais Cédric, il balance. Et je me demande comment t'as pas entendu, parce que le premier est aimé. Non, mais je le fais discrètement. En plus, je sais que Difool, il aime pas. Non, je l'ai dit. Mais je suis désolé, j'étais en train de parler, c'est sorti tout seul. Non, c'est pas vrai, j'aime pas ça, parce que je connaissais un mec qui faisait de la radio et qui se trouvait drôle parce qu'il rotait à la radio. Ah ouais. Alors c'est vrai que c'est super. Bon, c'est une fois, c'est marrant. Plus. Deux fois, c'est moins drôle. Et après, tu te dis, bon, le type, il a que ça à dire. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai. Oui. Eh ben, je l'ai fait une fois. Je m'arrêterai à celle-là. Oui, et d'ailleurs, bon, alors, Cédric, coup... tu pouvais faire la même chose avec ton cul. Ça serait pas mal. Non, j'ai pas pété. Oh là, mais j'arrive pas à le fermer. Ah, je sais, Cédric, je sais. C'est pour ça que je suis indulgent avec toi, quand même. Non, ça, je bon, alors, attends, pour. Ouais, moi, mes parents, oui, ils s'engueulaient à cause de moi, mais c'était plus vers. Tu vois, 15-16 ans. Ouais, quoi. Mais tu stressais pas de dire à cause de moi, ils vont divorcer? Non, d'accord. Non, mais je sais pas, moi, j'ai jamais pensé qu'ils allaient divorcer, quoi. Non, moi, mes parents, ils ont divorcé, mais j'étais tout petit, donc. Si, parce que moi, j'avais des potes, il y avait des parents qui avaient divorcé et tout, je me disais, putain, j'espère que les miens, ils feront pas ça. Bah moi, ils ont divorcé, ah, oui. J'étais tout petit, donc. Bah, moi, je les connaissais pas, les parents de trop de mes toi potes. Toi aussi, Aurélie, ça devait te faire stresser avant qu'ils divorcent, hein. Non, mais moi, ils sont séparés, j'avais 4 ans. Donc ah oui, donc toi, t'avais. Ouais, donc t'as eu. Ouais, t'es habitué dès le départ. Hein. Ah, comme moi, ouais, 3-4 ans. Ouais. À la limite, c'est mieux à cet âge-là, quoi. Bah, tu te rends pas compte, en fait. C'est ça. Bah, tu dois bien t'en rendre compte quand même, non? Bah, moi, j'ai pas vraiment percuté. Bah, tu c'est vois. Par rapport ouais, mais toi, c'est vrai. Non, non plus. Bah non, mais quand t'es petit, tu percutes pas vraiment. Je comprends pas. Si, bah, je pense qu'après, passe, quoi. Mais... Je pense qu'il se passe. Non, mais j'ai pas compris. Non, mais t'es débile. Quoi? Tu sais demander à ta maman où il est papa et demander à maman. Ah ouais, papa, non, mais à maman. Oui, mais quand mais tu vois, bébé, c'est quoi, ton père, il s'est barré, quoi, ton ouais. Père, ouais. Ben, c'est sa mère qui l'a foutu dehors. Oui, non, mais bon, quoi, ouais, c'est lui, toi, t'étais resté avec ta mère. Ouais. Mais je sais pas, tu demandais bien où il est, quoi. Genre, tu voyais pas pendant une semaine, tu te posais aucune question. Non. Bah écoute, c'est bien d'être comme alors Cédric. Que d'habitude, il était là tous les jours. Et tu disais pas, il est mais où? Je sais pas, je suis tellement petit que pour je moi, c'est. Non, mais à 4 ans, t'es pas teubé quand même. Non, bah à 4 ans, tu demandes. T'es un bébé encore. Non, oui, tu demandes, mais tu demandes. Non, à 4 ans, tu vas à l'école. Bah, je demande, mais tu percutes pas, t'es sur t'es la gravité du truc, quoi, tu vois. Non, mais. Oui, non, mais je sais pas, mais c'est chelou de pas demander. Ta mère, papa est parti, tout ça, non? Oh, je me souviens plus, gros. Parce que moi, je vois, par exemple, ma nièce, tu vois, ils ont, bon, ça n'a rien à voir, mais ils avaient un chien, il est décédé. Le chien, elle a demandé direct, tu sais, elle a demandé, ouais, il est où le chien? Bon, tu vois, ils lui ont pas dit, ils lui ont dit, ouais, il est chez le docteur, tu vois. Ouais. Bon, à 4 ans, elle a capté à moitié, mais. Ça fait 2 ans qu'il est chez le docteur. Non, maintenant, il est dans le ciel. Ah. Mais tu vois, elles se rendent pas encore trop compte. Ouais, à 6 ans, elles se rendent pas compte que ah, le chien. Ah, tu vois, voilà. Ouais, tu vois, bon, pour elle, dans le ciel, c'est vague, quoi. Elle, donc elle regarde dans le ciel des fois, moi elle le voit jamais, mais bon. Non, mais elle le cherche. Elle continue de le chercher. Non, mais ouais, bah t'as. Vous voyez une petite fille qui a la tête toujours en l'air, elle cherche son chien. C'est la nièce de Romano. Non, mais oui, bah ils allaient pas lui dire cash à 4 ans, le chien il est mort, c'est horrible quoi. Donc tes parents ont divorcé, tu vis chez ta mère, ton père, t'as toujours des rapports avec lui, enfin tu le vois régulièrement, comment ça se passe? Non, du coup, je le vois plus parce que je veux plus le voir justement. Pourquoi tu veux plus voir ton père? Bah parce que depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, il s'occupait pas de moi, il me rabaissait tout le temps quand j'étais chez lui, il m'a déjà traité de pute, etc. Ah ouais, c'est vrai que bon, je peux comprendre. Mais pourquoi il y a des problèmes ton père, non? Bah je sais pas en fait, je sais pas pourquoi il est mais comme mais ça. Mais t'es sa fille, t'as 15 ans, il te traite de pute, je pense qu'il a des problèmes. Ah bah ouais. Marie, on t'a déjà traité de pute? Tes parents? Si, ma mère, ouais. Ah, t'as traité de pute? Ouais, mais. T'as le pute, tu m'as bu toute ma bouteille. Ça, c'est la, non, voix, mais ça, c'est la voix de la maman à Marie. Non, mais franchement, je lui ai, mais. Je l'ai fait chier, mais chier, ah, mais bah, à un point. Bah, ouais. Donc, je comprends qu'elle ait pété les poings. Non, mais dans une engueulade, ça peut partir, quoi. Mais quoi, ça dépend, il faut quand même. Toi, c'était dans une engueulade ou c'était comme ça? Non, pas du tout. C'était comme ça, il m'a dit que t'es une pute. D'accord, ok. Mais t'as dit ça, mais t'avais quel âge? Bah, c'était l'année dernière. T'avais 14 ans. Non, mais même, enfin, je sais pas, non, tu mais, pas oui, non, mais ça aurait pu être pire, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, quand t'as 6 ans, par exemple. Non, mais ouais, je pensais que c'était genre vraiment toute petite. Ah ouais, c'est encore pire. Ouais, t'es une petite. Non, mais t'imagines, c'est horrible. Genre à 6 ans, mec, t'es vraiment une pute. Ouais, il faudrait un permis de conduire pour conduire certains enfants. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, en plus. Tiens, qu'est-ce que vous nous dites? Formation. Il se venge sur toi à cause de sa mère. Ces messages, c'est pas con ce que tu dis. C'est vrai que c'est possible. Il y a des gens psychologiquement, ça marche comme ça. Chocolate qui nous envoie ça, qui a 25 ans, qui nous envoie ça juste à l'instant là. Dilemma qui te fait un coucou et qui te dit, moi mon père il est au Portugal, je le vois jamais non plus. Dilemma, 18 ans, il te salue. Mais ce qui est chelou, c'est que tu sais, il te traite de pute, mais à côté de ça, il continue de te voir parce qu'à la limite, tu sais, ce qu'il pourrait faire, c'est ce qu'il aurait pu faire, c'est ne jamais te voir. Bah c'est ça en fait, mais moi je lui ai toujours dit que je voulais jamais aller chez lui vis-à-vis de ce qu'il avait fait. Ouais. Il m'obligeait quand même à aller chez lui parce que c'était son plaisir personnel avant le mien quoi. Non mais je pense qu'il était quand même, c'est ton papa, donc je pense qu'il était content de te voir quand même, oui. Après tu vois, il y a des papas qui disent des trucs, il boit, non? On nous demande là. C'est pas con comme message, c'est Bitoman qui vient de nous laisser le message. Bonjour Bitoman. Il te demande s'il boit ton père. Non, il boit pas. Il boit pas. Et t'es fille unique? Non, j'ai un frère jumeau. Et le frère, comment ça se passe quand il va chez ton père? Bah justement très bien avec lui, il vit chez lui d'ailleurs. Ah ouais, donc toi vous êtes séparés avec ta mère, ouais. Et non mais je pense que c'est pas con ce que t'as dit tout à l'heure là, je sais plus que j'ai lu le message là, celui qui disait peut-être qu'il tu vois, il fait un transfert sur toi, ouais, et comme ta mère, il se venge, ouais, sur ta mère. Non mais je pense ça, en tout cas vous vivez ensemble en plus, ça ressemble à ça, mmh. En plus t'es une fille, ouais, tu vois, donc ça doit être ça doit lui rappeler ta mère, ouais. Et ouais. Mais, je sais pas, ils ont quel rapport ton père et ta mère? Ils détestent. Ah ouais, c'est ça, ouais, ils se parlent jamais, ouais, quand ils se parlent c'est pour s'engueuler quoi. Bah ils se parlent que quand c'est par rapport à mon frère ou par rapport à moi. Oui, que pour les, tu vas me dire, c'est normal aussi. Ouais, oui, oui. Ils ont divorcé, c'est pas pour discuter. Alors, comment ça va dans la vie? Après, il y en a qui divorcent, ils s'entendent bien, ouais. Ouais. Mieux qu'à pendant qu'ils étaient ensemble. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Tiens, on nous dit un divorce, et il y en a plein qui ont vécu ça. Merci pour les messages que vous envoyez. 75, 21 ans qui dit, un divorce, c'est parfois un mal pour un bien, c'est dur à vivre, mais ça forge le caractère. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils se séparent, plutôt, ouais, qu'ils se prennent la tête 24 sur 24. Là. Bah surtout quand t'as des enfants. Non mais puis ouais, si l'ambiance c'est devenait vraiment merdique, voilà, c'est infernal. C'est triste, mais bon. Donc toi en fait, tu dois aller chez ton père régulièrement, c'est quoi? C'est une fois tous les 15 jours? Oui, une fois tous les 15 jours et tous les mercredis soir. D'accord. Et toi tu veux plus y aller? Voilà, bah là j'y vais plus parce que j'ai refusé pendant 2 mois et là il a accepté. Mmh. Et en septembre il va avoir le jugement et moi j'ai peur que le juge il prenne pas ma parole en compte. Ah si, à ton âge, il la prend en compte. Et t'as vraiment plus jamais envie de voir ton père? Ah non, mais ouais, vraiment, ouais, je le déteste, quoi. Enfin... Oui, mais bon, ça peut être. Non, mais ce que tu peux faire, de toute façon, c'est. Non, après, mais. C'est ton papa, quoi. Non, mais même s'il y a une décision du juge, de toute façon, ça, c'est pas un truc à vie. C'est-à-dire que si un jour tu dis. Si tu changes d'avis, tu peux très bien retourner voir le juge et dire finalement, moi, j'ai envie de le revoir. Oui, c'est ce qu'elle me dit, ma mère, mais pour l'instant, là, je devais passer un mois chez lui, et je ne me voyais pas passer un mois chez lui l'été, quoi, c'était pas possible. Non, mais oui, en même temps, bon, s'il te traite de pute, moi, je comprends, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais il te traite de pute parce que t'as plus envie de venir chez lui, ou il te traite de pute comme non, ça? Non, c'est parce que je sais plus, j'étais habillée mais normalement, il m'a dit tu ressembles, t'as l'air d'une pute, je sais pas quoi, et il n'y a pas eu que ça, et c'est que tout le temps quand j'étais chez lui, il me rabaissait, il m'a toujours dit qu'il aimait pas ce que j'étais en quelque sorte, et voilà, ouais. En gros, en moi, il voyait ma mère, et. Ouais, et voilà. c'est ça. Putain, ouais. Vous êtes fort, parce que c'est vrai que c'est un des premiers messages que j'ai eu tout à l'heure. Ah, c'est un transfert. C'est vrai que ça ressemble à ça. Mais il faut lui dire, peut-être que lui dise cash un jour, attends, je suis pas ma mère. Bah, j'ai essayé de lui dire, et puis ma mère, c'est quelqu'un de bien quand même. Mmh. Et j'ai essayé de lui parler plein de fois, mais le problème, c'est que quand je lui parle, je parle à un mur. Donc, c'est quelqu'un de bien, mais avec lequel il s'entend pas. Donc, à la limite, toi, pour toi, c'est quelqu'un de bien, pour lui, a priori, c'est pas le cas. Donc, dis-lui, mais je suis pas ma mère, je suis ta fille. Ouais. Oui, mais je lui ai déjà parlé plein de fois, il écoute pas, en fait, il retient que ce qu'il veut. Ophélie nous dit que tu as l'âge de choisir, Ophélie, 22 ans, tu as l'âge de choisir avec qui tu veux vivre. On a oublié Hugo, standard serait bien de le prendre parce qu'il attend pour son t-shirt depuis tout à l'heure. Bon, je dis, désolé, je t'avais oublié, j'allais te prendre lundi soir sinon. Merci Hugo, on va te prendre, t'inquiète Hugo. Donc tu as l'âge, à 15 ans, tu as l'âge de choisir avec qui tu veux vivre. Non mais en tout cas, le... Après, t'as peut-être pas le droit de dire je ne vois plus mon père, je vis chez ma mère, d'accord, mais je vois plus mon père. T'as peut-être pas le droit de dire ça. Je sais pas non, mais ça tu peux dire, non mais tu peux très bien dire au juge, je ne veux plus aller chez mon père. Le juge va te demander, forcément, il va te dire pourquoi. Après, si t'expliques les raisons, le juge, lui, c'est lui qui décide. Après, il jugera que tes raisons, elles sont valables ou non valables. Voilà, c'est ça, exactement. Tiens, Snap, Myriam qui nous laisse un message. Mais après, la décision, ans. Elle est jamais définitive. Ce que je disais tout à l'heure, c'est, ici, je sais pas, admettons, dans 2 ou 3 ans, ton père te manque, ou pour X ou Y raison, t'as envie de le revoir, tu vas voir le juge, tu lui dis, ouais, finalement, voilà, ouais, y a pas un keuf qui va t'arrêter dans la rue, qui dit, t'as pas envie de le revoir. Après, tu dis, ouais, c'est, oui, puis de toute façon, tu peux le voir en dehors du juge. Après, c'est bien d'officialiser, voilà, il y a un truc. Bon, il y a Myriam qui nous dit donc que elle a la même chose à la maison. Mon père, il me fait la même chose. Je comprends qu'elle ne veuille plus le voir. Moi, mon père m'a déjà traité de pute parce que j'étais habillé un peu sexy avant de sortir avant une soirée. Et je lui ai dit, je fais ce que je veux. Il l'a mal pris, mais maintenant, il se tait. Bah, écoute, voilà. Tu vois, ça, c'était inconnu du 42. Non, mais même. De chez moi. Salut. Même si dans tous les cas ça se dit pas, après ça tout dépend comment c'est dit, tu vois. Si c'est dans un gros énervement, bon. Ouais, si le père il le dit en rigolant, tu peux mal le prendre, mais au final je pense que c'est pas à côté. T'es habillé comme une pute. Non mais si c'est, ouais, si ça t'es habillé comme ta mère quand j'ai rencontré. Ah ouais, pareil. C'est ça. Ah bah dis donc, je l'avais rencontré au bal. Bon, c'est clair que bon là, si te le dit en hurlant dessus et genre super méchamment, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Aurélie? Tu voulais quoi des auditeurs de Sky? Il y avait des gens qui étaient comme moi, et si le juge avait pris leurs paroles en compte, et comment ça s'était passé après, quoi. Bon, dites-nous pour les divorces, là. Vous nous faites signe, et puis, bon, si vous avez des témoignages sur ce qui se passe chez vous, si on vous traite de pute régulièrement, les gars, les filles, tout le monde, n'hésitez pas. Moi, j'adore. Ok, bah écoute, chacun son truc. Oh, hashtag Cédric la pute. Mais ta gueule, toi, t'es fou, toi. Pour me faire kiffer un peu après ma défaite au Clash. Non, ah oui, non, c'est ça vrai. Va, tranquille. Envoyez. Cédric, il est nul au Clash, hein. Ah bah écoute, ce soir il a quand même fait un beau serrage, Cédric. Ah bah ça va, suce-le tant que tu. Non mais je vais pas le sucer parce que ça c'est dégueulasse, Romano. Je suis désolé, les votes ont parlé. Il a fait un très beau serrage. Vous avez élu le champion de la soirée, en l'occurrence c'est moi, 55%, c'est sans appel. Et la championne de Skyrock c'est Riri. Rihanna qu'on retrouve tout de suite avec This Is What You Came For. What You Came For. Avec Calvin Harris, et puis dans une demi-heure, vos places pour Rihanna à gagner. Mais ouais, c'est sur Skyrock. Elle arrive. Oui. Elle sera au stade, au pluriel, à Nice, à Lyon, à Saint-Denis, à Paris et à Lille. Vous allez la voir avec Skyrock. Vos places à gagner dans moins d'une demi-heure. On lance le top et vous gagnez Rihanna, bah, pour nous exciter un peu ce soir. Rihanna, on l'écoute tout de suite sur Sky. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. 3 semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Alliance Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Are you ready? Tous les soirs, la radio libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Et Riri. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Avec Calvin Harris et moi dans le cœur. 21h minuit, la radio libre de Difool, seulement sur Skyrock. Eh oui, et ça, c'était magnifique même. Ah ouais, heureusement que t'as chanté à la fin. T'as vu ? STH a retrouvé avant minuit, on se mettra. Je la connais, on l'a pas mis cette semaine. Je regardais un peu les titres qu'on avait passé cette semaine, on a passé plein de sons qui déchirent. Ah bah ça tombe bien, j'avais envie de l'écouter. Moi aussi. T'es eh ben voilà. Que j'ai regardé. Je la connais. Parce qu'on se fait plaisir. Ah, j'ai envie d'écouter. Ah, vous savez, si on vient là tous les soirs, c'est aussi pour se faire plaisir avec vous, d'ailleurs. Profitez. 01 53 40 30 20. Salut à la France entière qui nous écoute, à la maison, sous la couette. Sous, enfin, la couette, faut l'enlever, là, parce qu'il fait chaud, hein. Ouais. Dans la la voiture aussi, ceux qui sont en train de bosser, qui nous écoutent. D'ailleurs, ceux qui sont en train de bosser, on va en sélectionner quelques-uns qu'on va prendre au hasard, pas parmi vous, hein, mais partout en France, pour les appeler. On va les connecter. Le double appel arrive. Préparez-nous un bon double appel qui déchire, Cédric. Bah, si vous avez des collègues, par exemple, ou des potes qui bossent, tout ça, ce soir, si vous avez le numéro, leur numéro, n'hésitez pas à les envoyer. Hein. On récupère, on les appelle en direct, là, on mélange tout le monde. C'est le double appel des gens qui travaillent. Oui, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'en ce vendredi soir, on fait tous le week-end, il y a qui fête les vacances, déjà on en parlait en plus tout à l'heure dans l'émission, il y en a plein qui sont en vacances. Eh bien, nous, ce soir, on pense à ceux qui bossent, qui nous écoutent. Salut à vous, et Aurélie, tiens, on a plein de réactions pour Aurélie. C'est bien Aurélie, tu nous as appelé avec ton histoire de divorce, donc ils ont divorcé il y a 11 ans, tes parents. Là, t'allais voir ton père régulièrement, t'as plus envie d'aller le voir, parce que bon, ça se passe pas très bien, il t'a traité de pute, t'as pas aimé, puis t'étais pas à l'aise avec lui, en gros. Hein. Ouais, t'es pas bien, t'es pas bien chez lui. Tu devais passer un mois. Pour toi, c'est impossible. Alors, on aura la réaction d'Arthur qu'on va prendre dans un instant, qui a vécu la même chose. Trois divorces. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon. C'est du sport, ouais. On en reparle avec Arthur. Mais avant ça, eh bien, c'est parti pour Pamela, puisque avant minuit, et puis ça nous permet de regarder tous les messages que vous avez envoyés. Tu sais, je te disais, on a reçu plein de messages pour toi, Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Ah. Ah oui, okay. Alors Aurélie. Bonsoir Aurélie. Ah oui, pardon, j'ai ventre vieux. Bonsoir Aurélie. Non, mais c'est Pamela qui te parle. Je suis un peu surprise. Ça va, je t'embrasse, je te fais un bisou. Non, mais tu surprends. Moi aussi, je t'embrasse. Alors Pamela, oui. Tout à l'heure, donc le contact était bon avec le type qu'on a appelé. Je sais plus comment il s'appelait déjà d'ailleurs. Rémi. Oui, c'est Rémi. Rémi, oui. Il nous a fait c'était la blague. Rémi des infos. Rémi sans famille. Rémi des infos du matin. Ouais. Alors, on a quelques pervers qu'on vous a fait écouter tout à l'heure. On va appeler tout de suite. Vas-y, c'est on parti. Y va direct là, Cash. Envoyez-moi qui vous voulez. Je suis chaude comme la braise. On y va direct, Cash. Chaude comme la braise. Allez, c'est parti. J'ai alors le on a les pervers, on a ceux qu'on drague également sur les réseaux parce qu'on prend tout le monde là ce soir et on les appelle tout de suite en direct. C'est parti. Sois belle et sensuelle, Pamela. Toujours. Toujours. Je connais quand même. Oh, attends. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que trois doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste quoi. Pamela, le moment le plus sensuel de l'émission. Mais ouais, ça c'est pour tous ceux qui la connaissent pas. Petite description très sexy de Pamela. Je crois qu'on est au top de la sensualité. Oui, top. Alors, allez, c'est parti. Envoyez. Elle a donc 23 minutes, il est quelle heure? On va pas passer 23 minutes, Pamela, tu vas c'est dur avant. Hein. 23 minutes, et on a promis qu'avant minuit, tu serrerais et tu rencontrerais l'amour, au moins une rencontre pour ce week-end. Ah ben y a pas de souci, moi je suis là pour ça. Hein. Oui. On appelle qui là? C'est ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont. Non, là c'est le chat. C'est le chat. Très comme bien. Dirait Marie avec ses expressions de merde. Je suis pas venu là pour enfiler des perles. Exactement. Non. Pour te faire enfiler peut-être. Bonjour. Tout ah, oui. Êtes... Allô. Allô. Oui, tu m'entends? Allô. J'entends. Oui, bonsoir, c'est Pamela l'appareil. D'accord. C'est John. Oui. Ouais. J'étais. On s'est parlé sur le chat. D'accord. Ouais, tout à l'heure. Et je t'appelais pour faire connaissance. Tu peux parler mieux dans ton téléphone, s'il te plaît, parce que j'entends mal. C'est con, oui. Ah. Vas-y, rappelle-le, je vais le traiter. Ouais, parce que ça se fait pas. Non, mais attends. Donc, c'est un des mecs qui a envoyé sa bite, alors je vous la montre. Ah. Elle est tordue. Ah, putain. Elle est tordue, regarde Marie. Ah non, c'est bon, merci. Mais quoi, bah, c'est bon, merci. Bon, elle est grosse. Ouais, mais elle est tordue. Mais elle est tordue. Elle fait un... Allô ? Ouais, pourquoi tu raccroches ? Attends, excuse-moi, rappelle juste dans 2 minutes. Non, je rappelle pas, moi, c'est maintenant ou jamais. Jamais, alors. Bah non, tu me parles sur un autre ton, connard. Oula, Pamela devient une loubarde. Connard. Et Pamela, tu clashes, là. Connard. J'ai l'impression que c'est votre copain moche, au fond, là. Je te mets la photo dans ton dossier personnel. Oui, mets-la. T'as vu que je t'ai imprimé la conversation, là. Parce qu'une bite comme ça, elle est pas mal. Alors oui, on a donc chatté avec... J'étais avec des gars, comment il s'appelle celui-ci? Diesel. Qu'est-ce que tu lui as dit à Diesel? 4 mots. Ben c'est tu voudrais me dire quoi? Faut voir, t'as une toffe, oui. Non, non, belle langue de suceuse, j'adore. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on envoie la photo de Pamela et ça leur plaît. Oui. Vous l'avez en photo d'ailleurs sur les réseaux si vous voulez la choper. Hein. Enfin, ça leur plaît, messagerie Orange, pas, bonjour. Ah. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Très veuillez. Bien. Alors une autre, avec la petite conversation, comment il s'appelle celui-ci? Panam. Je te baise au téléphone, sale pute. Très bien, il est romantique. Chienne. Allô, c'est ta sale pute? Non, sale pute. C'est Panam. Je t'entends pas. Je t'entends mal, Panam. Parle mieux dans ton téléphone. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va, là. Ah. Oh, c'est plus que là, t'es tout habillé. Ah, non, je suis en nuisette. J'écarte. Écarte quoi ? Tes cuisses. Ah non, je vais écarter les bras d'abord. Hop là. Et je tape dans les mains. C'est quoi, baisse ta mère sale pute. Eh oh, tu vas parler sur un autre ton, culé. Je vous l'ai dit. Je vous avais prévenu, lui, il est super. C'est le top du romantisme. Ah bah, je veux écarter les bras. Ouais. Ouais, après, t'écartes les trois doigts, tu diras. Et donc lui, il sait y faire avec les filles. Ah putain, ouais. C'est... Ta mère, c'est ça qu'il t'a dit? Ouais, après, ouais. Je te baisse ta mère. Tant qu'à faire. Ah, c'était bien, lui. Ne me chauffe pas, je vais te gigor. Eh, attends. Je vais te gigor, il va t'égorger. Ah, je vais t'égorger. Oh putain, ah ouais, d'accord. Je vais te gigor. Il est énervé, il est de plus en plus sympathique, ce garçon. Fort sympathique. Vas-y, rappelle-le, non? Oh, bah, c'est bon. C'est Marie qui va prendre le relais. Ouais, il y en a d'autres derrière. Ouais. Ah, il est bien notre chat, hein, quand même. Eh. Hey. Ah, mais il a pas supporté que j'écarte les bras, non. Il veut te traiter de salope. Ah, lui, c'est lequel, lui? Ah, mais c'est sympa. Blackos. Alors, on appelle Blackos maintenant. Alors, Blackos, lui aussi. On l'a chopé sur les réseaux. En moins d'une heure, hein, depuis que Pamela est venue tout à l'heure, on s'est lancé, on est... Allô ? Non, il n'est pas là. Et on s'est... Et putain, on a eu un paquet de... Mais ouais, la musique... Putain, t'as un succès, Pamela. Un peu de cul, là, de tout à l'heure. C'est bien comme ça, j'ai... Bonjour, vous êtes sur la... Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, c'est Pamela, là, pareil. Ouais, c'est qui ? C'est Pamela, c'est moi, sur le chat. Ah, ouais, mais ça fait un bail. Ça fait un bail. Ah bah non, ça fait une heure, dis donc. Ah ouais, bah c'est bon. Ah ça y est, t'as fini, tu t'es déjà branlé en fait. Non, pas du tout. Bah tu peux pas branler là. Merci. Ah moi j'étais chaude là. Je suis ennuyé, je suis sur mon lit, je m'appelle Pamela moi. Moi c'est Anthony. Anthony, t'as quel âge Anthony? 26 ans. 26 ans, t'es d'où? Tu t'entends mal, tu peux parler mieux? Là tu m'entends là? Bof. Vas-y. Là, c'est bon. Ah, là, c'est mieux, là. T'as 26 ans et t'es d'où? Paris, et toi? Paris aussi, deuxième arrondissement vers Châtelet-Léal. T'as une voix sexy. Ah, je trouve aussi. Toi aussi, t'as une voix sexy. Merci. T'as aimé mes photos? Là, tu m'en avais que une. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, elle était bien. Ouais. Et toi, t'aimerais faire quoi, toi, alors? Que du virtuel ou du real aussi? Ça dépend si tu me plais, si je te plais. Bah, écoute, ça dépend. T'es comment, toi, physiquement? Ben, je peux mettre la cam, là. T'es encore sur le chat? Non, là, je suis plus sur le chat, là. Ah, dommage, parce que j'ai remis la cam. Ah, non, mais j'ai un qui, un kang. De quoi? J'ai plus la cam. Non, mais moi, je l'ai, moi. Ouais, mais j'ai plus rien, là. Attends, je me connecte. Ok, bah connecte-toi. Ouais. Par contre, ma cam, à moi, elle est cassée. Non, mais c'est pas grave. Ah, juste, tu te montres, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est bien, ça. C'est quoi, déjà, ton pseudo? Je me souviens plus. Je crois que c'était Anto. Anto. Ouais, Anto. Attends, j'essaye de te trouver sur le chat. Non, non, vas-y. Attends, hein. Sinon, tu peux te décrire, déjà, un peu, en attendant. Là, je suis brun, aux yeux bleus. Ouais. 1m77. Ouais. 66 kilos. Ouais. Assez musclé, ça va. Ah ben c'est bien, ça m'a l'air pas mal. Attends, parce que je te cherche, mais je te trouve pas, là. T'es connecté, attends, là? Ouais, attends, c'est quoi ton pseudo, toi? C'est quoi mon pseudo? Oui. C'est Dial Hot Hotel. Sur Paris? Paris. Paris. Paris. Attends, viens. Ah, je n'arrive pas à te trouver là. C'est pas Aumône? Je viens de me reconnecter, attends. Ouais, connecte-toi, ouais. Vas-y, parce que là, je suis super excité, moi. Et toi, t'aimes bien quoi dans le sexe, du coup? J'aime bien la soumise, j'aime bien la levrette. Dial Hot Hotel, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est moi. Tu m'as trouvé? Ouais, c'est bon. Ah, cool, allez, connecte-toi que je vois un peu comment t'es bête, t'es mignon. Dans la cam. Vas-y. Et voilà. Ah, pas encore. Bah si, je te vois, mais c'est... Mais t'es en train de te branler, en fait, mon salaud. Non, là, tu me vois, là. Ouais, je te vois, là. Mais je vois mal ta queue. Pourquoi? Tu peux descendre un peu la cam? Ah bah voilà, bah dis donc. Eh, dis donc, t'as une sacrée belle grosse queue. T'as vu ce que tu dis? Oui. Ah, mais tu bandes. T'as quel âge, toi? Ah, ça me dérange pas, non. Non. Vas-y, branle-toi bien, là. T'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Oui, j'en ai 34. Toi, t'en as 34? Non, t'as mis 34. Ouais, mais j'ai fait déconner sur le pseudo, sur le truc. Ouais, ça te dérange pas que j'ai 26 ans? Non, pas du tout. Je suis 26 ans. Je suis modéliste. Ah, d'accord. Je travaille dans la mode. Bah, renvoie une photo, s'il te plaît. Et là, je peux pas, là, je suis pas dispo, là. J'ai pas d'ordi dispo, là. D'accord. Mon clavier, il est cassé. D'accord. Tu aimes bien tu aimes bien l'anus, toi? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais je sais pas, j'aimerais bien que tu te doites l'anus. Non. Non, non. Tu fais pas ça? Non, non. C'est pas grave. Ouais, mais éventuellement, vrai. tu peux te lécher. Je pourrais te lécher l'anus, éventuellement. Voilà. C'est marrant parce que quand t'as commencé, te doigt de l'anus. Il est encore connecté. Quoi. Ah oui, on l'a toujours avec nous. Là. Il a continué à se branler. Non, non, il a arrêté. Il a coupé. Dès qu'il y a eu le coup de l'anus, tu veux pas te doigter. Bravo Pamela, bravo. Alors là, ce soir. Et vous avez magnifique, vu hein. Là, vous avez vu. En vrai, le mec avait la gaule. Ah ouais, et t'as vu ce que tu. Ça te fait quoi, Romano, de leur faire ça? Moi, ça me fait délirer. Non, non, mais de voir que tu peux les exciter. Non, mais moi, non, mais ça me fait rien de sexuel. C'est ça que tu veux savoir. Oui, c'est ça que je veux savoir. Non, non, mais absolument rien. Moi, ça me fait délirer. Voilà. Alors, regarde, Romano, il y a un pseudo. C'est Cédrica. Viens te connecter. Je branche ma cam. Direct. Je branche ma webcam. T'es pas jaloux, Cédric, de voir que Romano, il peut séduire comme ça. Et le mec, t'as vu dans quel état tu es? Ah non, mais il était bien raide. Hein. Ah oui, il était bien raide. Ah, mais était... en plus, sans pression, il a montré sa tête et tout. Hein. C'est ah ouais, ouais, normal. Ouais, mais les mecs, ouais, ils ont pas peur. C'est-à-dire, il a pas montré que sa bite direct. Bon, nous, le mec, on va pas l'afficher. Quand on l'afficher. Bon, ouais. Non, on va pas l'afficher. Non, mais je suis au téléphone, donc voilà, mais. Ouais, on va pas afficher sa tronche. Mais le mec, je sais pas, s'il tombe sur. Ouais, normal. Je sais pas, moi, perso, je le ferai pas, mais. Ah, regardez les messages. Trop fort, Pamela. Tu l'as fait bander, t'es trop bonne. Pamela, t'as vu? Mais surtout, c'est en 10 messages, les mecs, ils envoient leur queue normale sur un gros, il y en a un en 4 messages. Coucou, ça va? Tu m'appelles? Alors, salope. Et le message, il a son numéro. C'est pas mal. Bon, bah, bien joué, Pamela. Tu as réussi la mission quand t'avais le défi, quand t'avais filé en début d'émission. Pas de problème, moi, je suis là pour ça. Serré, t'es même allé encore plus loin que d'habitude. Et pourquoi vous diffusez pas les. Je sais pas si on a le droit de. Non, mais puis mec, on va pas la. Bah non. Et puis on va pas l'afficher. Ouais, bah, non. Tu vois. Bah oui, il a raison. Bah, il bah écoute, hein, il a bien raison. Et ouais, Pamela. Si ça lui fait du bien. Pamela est trop sexy. Ah bah ouais, Pamela est trop sexy. Elle a une très belle voix. Il a bien aimé ta voix. Et surtout, moi, ce qui me fait délirer, c'est qu'ils ont reçu ta photo. Et que ta photo, c'est toi avec la perruque, quand même. Oui. Et qu'ils ont quand même adoré ça. Ah, mais ils adorent. Vous imaginez Romano avec eux. Parce que Pamela ressemble un peu à Romano. Je sais pas, vous avez l'impression que c'est de la même famille. Mais enfin bon, je vais me renseigner là-dessus. Je vous dirai quand je saurai. Mais c'est vrai que, imaginez, Romano avec une perruque jaune. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Blonde un peu, mais aussi brune. Non, mais il y a des photos aussi où il y a des lunettes de soleil, des fois, tu vois. Tu mets des lunettes de soleil, ouais. C'est la classe, ça fait un peu été. Ça passe une partie de la gueule, c'est pas mal. Ouais, ouais. Gardez-le, rappelez-le, n'arrêtez pas. Attention. Bah, c'est lui qui a raccroché. C'est pas nous qui avons coupé, hein. Ah ouais. Bon, merci pour tous les messages pour Pamela. Je vois qu'elle a beaucoup de succès, ça fait plaisir. Bon, on s'occupe d'Aurélie. On fait tourner la roulette dans un instant. Vous allez pouvoir gagner Riri. Rihanna en concert avec Skyrock. Elle débarque. Elle a commencé, elle a fait un concert à Dublin. Elle a pleuré quand elle chantait, I Love the Way You Lie. Ouais. Ça lui a rappelé Chris Brown. D'après, on a fait une enquête le matin. Des souvenirs. Quoi. Ça lui a rappelé des souvenirs Chris Brown. Et elle s'est mise à pleurer en plein milieu de la chanson. En disant, une telle communion avec le public de Dublin comme ça. C'est trop fort. Bah c'est mignon. Oh, bon, elle dirait la même chose à Paris. Faites pleurer Riri et puis gagnez vos places de concert. Les concerts Skyrock de Rihanna, c'est à choper. Et tiens, puisque ça, c'est un truc que vous kiffez grave, ce week-end, encore des places pour Rihanna. Allez, à choper. Ça continue. Ouais, on n'arrête pas. On vous offre tous les concerts de Rihanna à Nice, à Lyon, à Lille et à Paris. Vous gagnez ça, enfin à Saint-Denis, vous gagnez ça dans 5 minutes, le temps qu'on s'occupe d'Aurélie. Et c'est SCH, c'est le son qui arrive tout de suite sur Skyrock. Motherfuck, tu aimes bien SCH, Aurélie? C'est le S sur Sky. Aurélie? Ah non, il est sur S6, pardon, excuse-moi. Je te mets à l'antenne si on n'entend pas. T'aimes bien SCH, Aurélie? Oui, j'aime bien, j'écoute beaucoup. Ouais, moi aussi. Ah, bah voilà, bah on va le mettre. Et l'album des CH, c'est super. Par contre, du coup, je vais bientôt devoir poser mon téléphone. Donc bah justement, on va se dépêcher, tiens. T'inquiète. Il y a Arthur pour toi, je le prends tout de suite. On a appelé Arthur. Arthur, il nous a appelé pour te filer un coup de main avec donc ton problème de ton père, ta mère. Ils sont divorcés depuis 11 ans et surtout, ouais, pas de ta mère, il n'y a pas de problème. C'est ton père, bon, qui t'a traité de pute, t'aimes pas trop, on peut comprendre. Ouais. Et puis avec lui, ça passe pas très très bien et t'as pas envie de le voir. Donc tu voulais savoir par rapport au juge, c'est un jugement en septembre, si t'étais obligé d'aller voir ton père tous les 15 jours, pendant les vacances, tout ça. En gros. Ouais, voilà. Salut Arthur. Ouais, salut l'équipe. Salut, comment ça va? Salut Aurélie. Ça va et toi? Salut les deux A, Arthur, Aurélie. Salut Arthur. C'est vrai. Vous avez déjà un point commun tous les deux. Alors tes parents, ils ont divorcé trois fois, toi? Non, c'est pas tout à fait ça en fait. Ils ont sinon ça aurait fait beaucoup. Mais je sais qu'il y en a qui divorcent, qui se remarient des fois, parfois derrière. Mais ça arrive. Bon, c'est à peu près ça en fait. Ils ont des fois, il y en a plein qui divorcent et qui se remarient avec une autre personne aussi. Avec la même, c'est déjà arrivé, ouais. Oui. Non mais là du coup mes parents en fait ils ont engagé une instance de divorce mais ils sont jamais allés jusqu'au bout à chaque fois. Donc la dernière c'était il y a 8 mois à peu près. C'est quoi, c'était des prises de tête à la maison, ils disaient je divorce. Oui, voilà, c'est ça, c'est genre des grosses prises de tête violentes à la maison, mes parents qui mangeaient plus ensemble, qui se faisaient la gueule quand ils se voyaient à sa gueule. Ça c'est horrible quand t'es à côté, tu peux rien faire, ils se font la gueule. Ouais voilà, le truc c'est que quand t'es gosse, enfin la première fois je devais avoir 13 ans je crois. Du coup, tu sais, à cet âge-là, t'es pas très bien, t'es ado, t'es pas très bien dans ta peau. Tu sais, j'étais pas le top. Bon, là, la dernière fois, il y a 8 mois, je suis un peu plus grand, j'ai plus de recul. Ouais, t'as 21 ans maintenant. Puis bon, ils t'ont déjà fait le coup, donc tu te dis, bon, voilà, ils vont faire leur petite crise et puis reviendra sur le coup. Voilà, c'est exactement ça. Ça recommence. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était exactement ça, ouais. Non, mais c'est chelou quand t'es resté avec, je sais pas, ils sont restés ensemble, t'as 21 ans. Ils sont restés ensemble 21 ans, au bout de 21 ans, au moins 21 ans. Ah bah, au bout de 21 ans, ils se disent on va se séparer. C'est con d'avoir passé 21 ans ensemble et se séparer. Mais je pense que ça peut arriver. Au bout d'un moment, tu ne supportes plus. Tu t'es pas plus supporté avant? Parce que c'est la vie qui fait que. Voilà. 21 ans. Mais tu sais que ça arrive de plus en plus souvent, c'est à la retraite maintenant. Ah ouais, parce qu'ils ont pas l'habitude d'être ensemble. Il y a plus de retraités qui ils supportent pas en fait. Bah, chacun travaillait ou il y en avait un des deux qui travaillait. Et quand l'autre est à la retraite et que tout le monde fourre à la maison, ils peuvent plus se voir. Ils supportent plus. Ouais, ça j'ai souvent entendu ça. C'est vrai. Bah ouais, c'est logique, ça casse complètement la routine de l'autre, donc ils s'engueulent beaucoup plus facilement en fait. Et donc toi, tu connais la question un peu, donc je vois ça. Oui, voilà, c'est ça. Je t'ai renseigné un petit peu. Oui, c'est ça, parce que en fait, genre une fois, mes parents ils sont pris la tête, et puis il y en a un des deux, je me rappelle plus. Il avait dit non, mais de toute façon, je m'en fous d'aller devant le juge. Ils ont l'âge de choisir. Donc à partir de ça, je m'étais renseigné. T'avais quel âge? Et donc je devais avoir 15-16 ans par là. Donc à 15 ans, t'as le droit de choisir, toi. Avec qui tu veux aller vivre. En fait, le truc, techniquement, t'as pas vraiment le droit de choisir, sinon tu passerais pas devant un juge. Donc le juge, il choisit pour toi jusqu'à ta majorité, le juge, il choisit pour toi. Et si tu vas lui dire que tu préfères, machin, tout ça? Oui, mais après, là, le truc, en fait, ça va dépendre aussi de son âge, parce que il peut se dire que derrière, le gosse, il est influencé par un de ses parents. Donc il faut se dire que son avis sera tout le temps pris en compte, mais il sera d'autant plus pris en compte qu'elle sera vieille, donc 15-16 ans à partir de là, si elle explique correctement, si elle s'exprime bien. Oh bah ça, tu sais parler à peu près, Aurélie. Non mais puis il faut avoir des bons arguments parce que ça. tu vas pas dire je vais aller chez mon père, je vais préférer aller chez ma mère parce que mon papa il est pas gentil quoi. Il faut lui dire le truc de la pute, tout ça. C'est le genre de truc qu'il faut pas cacher quoi. Mais le père, moi je le prends mal quoi. Après il aurait dû se taire aussi. Après, il n'y a pas que ça aussi qui rentre en compte. Il faut savoir que en fonction de si il y a un de tes parents qui a plus les moyens de t'élever entre guillemets que l'autre. Il sera forcément un peu plus favorisé. Moi, je choisis Romano comme papa. Non, mais. C'est le plus riche de l'équipe, il dépense rien. Non, mais déjà, regarde, si les parents. Et il vole de l'argent à ses amis aussi. Non, mais il regarde tout. Il regarde les revenus, il regarde le logement, la façon de vivre. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il y a toute une enquête de fait. Le temps de travail pour savoir s'ils auront bien le temps de t'occuper de toi. Enfin, ça, c'est surtout quand t'es plus petit. Parce qu'à 15-16 ans, tu commences déjà à être autonome. Mais donc il y a le logement, s'ils sont capables de t'assumer correctement, sans souci, quoi. Donc, mais oui, par contre, ton avis, il est pris en compte. Donc, parce que il faut se dire que le juge, c'est pas un mec qui va dire, qui va débouler dans ta vie et qui va dire, bon, bah, tiens, tu vas aller chez ton père ou tiens, tu vas aller chez ta mère. Oui, c'est son boulot aussi de prendre en compte. Le mec, au final, son but, c'est pas de casser des familles. Donc, il faut tout mieux. Il faut mieux avec les éléments qu'il a, quoi. Donc, si elle explique ce qu'on a entendu ce soir, ce qu'elle nous a expliqué ce soir, ça, pour toi, il y a de grandes chances que ça marche. Parce bah après, bon, ans, enfin, j'en sais, honnêtement, j'en sais rien. Oui, non, pas juriste, hein. Non, mais après, il y a tout le reste qui rentre en considération. Il faudra. Oui, acheter, voilà. Comment on disait, les revenus, le logement, oui, tout voilà. ça. Oui, voilà, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Après, à partir du moment où ça se passe mieux avec sa maman, si elle le fait, si elle le dit bien au juge, si elle explique clairement au juge, enfin, voilà, quoi. Donc, stresse pas, Aurélie, a priori, hein. C'est ce que vous nous disiez pour les messages. Normalement, le juge, c'est pas normalement, il va prendre ton avis en compte. Hein. Le mec, il va pas t'imposer une décision. Et c'est pas vrai, parce qu'à 12 ans, tu le choisis. Ah, même à 12 ans, on nous dit, tu vois. Non, il te demande. Oui, mais, ton avis, il est tout le temps pris en compte à partir. Enfin, à 12 ans, non, il me semble que la loi, elle a été révisée d'ailleurs. Et mec, en or, il nous dit, à partir de 16 ans, t'es pas obligé de voir l'un de tes parents, si tu veux. Pas. Ah, si, ça, ça, je suis pas sûr. Hein. Parce qu'en termes de garde, il me semble qu'il y a un quota d'horaire, entre guillemets. Ouais, donc, ouais. Bon. Après, c'est bien que tu vois ton papa quand même, Aurélie, je pense, tu vois. Ouais, mais pour l'instant, toi, il est pas violent, il te tape pas, il te bat pas, et bon, il est violent dans les termes, mais c'est pas bien, mais faut lui expliquer que t'es pas ta mère, qu'on disait tout à l'heure. Mais comme ton frère jumeau vit avec lui, enfin, je sais pas, il discute jamais avec ton père de ça, de votre relation tous les deux. Et toi, avec ton jumeau, c'est pas con ce que tu dis, Marie, tu vois. Mais en fait, l'alcool porte conseil. Avec mon frère, on s'entend bien, mais mon frère, il défendra toujours mon père. Il dira toujours que mon père a raison, donc je peux pas parler. Non, mais c'est un peu les filles contre les garçons dans votre famille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est ça. Parce qu'on a besoin des deux, c'est bien les filles, c'est bien les garçons, c'est bien tout. Non, mais de toute façon, c'est ce que tu disais, Arthur. Toi, ton jumeau Aurélie, il est forcément influencé par ton père. Il vit avec. Et toi, t'es forcément influencé par ta mère. Tu vis avec. Ouais. Donc au jour le jour, ton père, il doit dire des trucs à ton frère. Il doit dire, regarde comment elle s'habille, machin. Donc lui, ça l'engraine. Bien sûr. Donc au final, le truc. Ça, c'est classique. C'est pas modéré du tout. Mais bon. Vous dites des choses assez fausses. Appelez-moi, je suis bien au courant sur ce sujet. T'as pas laissé ton numéro. Ah, bon, bah c'est pratique. Ouais. Moi, mes parents se sont pris la tête à cause du chien. Ils le voulaient tous les deux, mais ils ne sont même pas pris la tête à cause de moi. Ah, bah c'est sympa, c'est Joke qui vient nous envoyer le message. Tu te sens pas comme une merde, tiens. Oui, c'est vrai. Tu sais que je crois que maintenant, le chien, tu peux demander. La garde du chien. Il y a des gardes. Hein. Ah, et c'est les juges qui décident la garde du chien. Oui, mais c'est vrai. Et le chien, il va expliquer au juge. Non, mais il n'explique rien, mais tu peux demander la garde ou faire la garde partagée. Ou... Voilà Aurélie. Ah ouais, mais bon, en même temps, c'est merci. Donc, stresse pas, et puis bon, t'expliques bien au juge, en fait. Hein. Je savais pas ce qu'il fallait dire, moi, le truc pute, tout ça. Donc, il faut le dire, d'après toi, Arthur. Tiens, il y a Montpellier, là, mais pas. Ah oui, mais concrètement, oui. Mais oui, t'expliques pourquoi ça va pas avec ton père, donc. Oui, parce que oui, il faut pas que tu te pendes devant le juge en disant, voilà, je vais pas aller parce qu'il est pas gentil. Ouais, descends-le pas non plus, quoi. Ah oui, mais après, non, en toute façon, c'est ton père, donc. Oui, exagère pas, tu dis juste la vérité. Voilà. Il y a Mickaël 78, tiens, un message. Mes parents sont séparés. De mes 12 à 17 ans, j'ai pas vu mon père car j'en avais pas envie. Progressivement, je reprends contact avec lui. Juste en dessous, Montpellier. Mes parents ont divorcé cette année. Le juge a pris en compte mon avis alors que j'ai 13 ans. Zébio, alors lui, il a vu du monde à la maison. Hein. Il a laissé un message. Il me dit, ma mère a divorcé 2 fois et elle s'est mariée 3 fois. Pas mal. Ah ouais. Ouais. Bah, Lyon, ça l'a pas vacciné en tout cas. Oui. Elle continue. Hein. Bah oui. Moi, je m'entendais pas avec mon père et puis on s'est revus et maintenant ça se passe mieux. François. Non mais il y a un truc aussi, c'est que quand tes parents divorcent, que t'es ado, tout ça, tu... Génial, mes parents divorcent. Non mais ouais, mais tu te rends pas compte en fait de la vie de couple que t'as, tu t'en rends compte plus tard quand toi tu vis avec quelqu'un dans un appart et tout ça, tu te dis putain merde, ouais, c'est vrai que... Ça peut être pas facile. Ouais voilà, c'est particulier d'être en couple et toi tu peux pas le comprendre quand t'as 12 ans par exemple, parce que tu l'as jamais vécu. Il y a Tabanou, donc, il dit tu reviens vers tes parents. Ok, il a parlé au juge à partir de l'âge de 12 ans et pourtant ses parents ils avaient divorcé quand il avait 3 ans. Et il a 26 ans aujourd'hui. Matt du 73 aussi qui nous laisse le message, à peu près la même chose. Les parents d'un pote sont en jugement. Personne veut sa garde. Sympa, putain, tu dois te sentir. Non, mais ça. T'imagines, ah non, non merci. Tes parents, ils divorcent. Ah non, monsieur le juge, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur le juge, je ne veux pas de ça chez moi. Il y avait eu un film français avec Marina Foy. Marie-Antoinette. Foyce. Mais je sais plus qui, où ils se bagarraient. Marina Foy de Vaux, je crois. Mais je sais pas, c'était sorti il y a 6 mois, ce truc, ou peut-être un peu plus, où ils se bagarraient justement pour que les enfants soient avec l'autre. Oui, il faisait vrai. Plein de crasse, vous vous souvenez? C'est pas avec Jean Dujardin, non? Je sais plus qui est le Non, je crois qu'il y avait Yolande de la Bouille. Je suis pas allé le voir. Vous savez, cette actrice géniale qui a joué dans Tiens-moi mon parapluie, je n'ai qu'un bras. Ah ouais? Effectivement, oui. C'est chiant. C'est un film génial. Tiens-moi mon parapluie, j'ai qu'un bras. C'est un des meilleurs films que j'ai vus. T'es con. C'est papa ou maman avec. Ah voilà. Marina Foïs là et Laurent Lafitte. Ah, c'est pas Jean Dujardin. Merci Dev, merci Toshi 54, merci à vous qui êtes premier sur le ciné bien sûr. Bon bah écoute Aurélie, on te souhaite bon courage là-dessus. Ouais, tu nous tiens au courant. Bah, oui. Et si t'as besoin, tu n'hésites pas à nous appeler. Je peux passer une dédicace. Et tu peux passer une dédicace. Merci Arthur, hein, t'étais de bons conseils. Non mais il y a pas de quoi, oui, mais c'est normal hein. Merci. Pas si je peux aider quoi. Eh ben il y a pas de problème, nous aussi c'est pareil, si on peut aider, on est là tous les soirs. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock Arthur, on t'embrasse. Cool, merci. Salut Arthur. Bah, salut, t'étais où dans le 42, excuse-moi, Aurélie, t'es où dans le 42, parce que t'es du côté de chez moi, toi. Évidemment. Ouais, mais je suis pas à Firme, je suis à Saint-Thé. Ah, bah, très bien. Ah, t'es à la ville. Oui. Firme, c'est Firmini. Ouais, bah, ouais, j'ai bien compris. Et Saint-Thé, c'est Saint-Étienne. Bah, oui, je sais. Et vous avez eu de l'orage à Saint-Thé aussi, ce soir? Ouais, là, ça s'est calmé, ouais, mais tout à l'heure, tu vois, ça flottait, hein. Ça pétait, ouais. Sympa. On a suivi ça tout au long de la soirée. Salut Arthur, ciao. Salut. Et dédicace, vas-y, Aurélie. Ma dédicace à Steven, mon chéri que j'aime, et à ma Didiouche. Eh ben, salut Steven, chéri. Salut la Didiouche. Au revoir. La Didiouche. Salut Didiouche. Salut Aurélie, ciao. Et top inscription, allez-y tout de suite pour Ririana. Ouais. À gagner dans la roulette les concerts Skyrock de tout le mois prochain. On vous les offre et on aura encore à gagner tout au long du week-end. Si vous les voulez, eh ben, c'est parti. Vous nous laissez vos messages au 41 759 ou sur l'appli Skyrock. Vous envoyez tout ça et vous repartez avec vos places de concert. Après avoir fait tourner la roulette, on va tirer au sort. C'est Marie qui s'en occupe. Allez, c'est parti. Ouais. Le temps d'écouter STH. Ouais. Et je la connais, on avait promis. Voilà. Motherfuck. On fire. C'est le S sur Sky. S, K, Y. Premier sur STH. Non, ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à santé VA. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non. SCH sur Skyrock. Il y a toujours la vidéo de la Ferrari. Hein. Si vous voulez mater SCH quand il est dans l'émission en direct des Champs-Elysées. Dans sa féfé. C'est sur tous les réseaux Skyrock et vous avez la nouvelle vidéo avec Jules aussi, Jules. Et moi là, qui fais des cascades. Bon, là, c'était pas une fée. Ouais, incroyable. Et Romano qui fait des cascades incroyables. Et j'ai frôlé l'accident. Ah bah ça oui, ça y est. Mais ouais, ça y est d'ailleurs dans la vidéo. Allez, battez les vidéos de l'émission là. Je la connais, classe ce son, mais on est d'accord. Clem qui nous envoie un message de Seine-Maritime. Un beau petit SCH. Ouais. Et attention, c'est pas fini. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. C'est l'heure de la roulette qui va tourner pour Rihanna. On va voir qu'est-ce qui a été tiré au sort. Et c'est l'heure aussi du journal des Bleus. Ouais. Oui. On commence par le journal des Bleus. Allez, journal des Bleus. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh. Wouh. Samy sur Skyrock. Wouh. Juste avant le foot, petit résultat de rugby. Ah oui, bah ça jouait ce soir. On en a parlé ce matin. Top 14, la finale du championnat de France. Attention, qui a gagné le Racing 92 ou Toulon? Eh ben, c'est le Racing 92. Et victoire voilà. 29-21 contre Toulon. Eh ben, voilà, les mecs du 9-2. Et le match se jouait au Nou Camp de Barcelone devant 100 000 personnes. Oui, parce que tous les stades français sont pour l'Euro, il n'y a plus de place. Ouais, à part, ils veulent non, mais ils voulaient le faire là. Ouais, c'est pour ça. Non, mais ils voulaient pas le faire là-bas aussi. Je crois que c'était un délire. Ouais, c'était choisi, ouais. En fait, maintenant, chaque année, ils risquent de le faire dans un. Tu vois, tester un peu toutes les villes, machin. Mais en fait, Toulon, c'est un peu une saison de merde. Bah, je suis pas trop le rugby, mais pour moi, Toulon, c'est une grosse équipe. Non, mais ouais, mais Toulon aussi. Non, mais cette année, je crois qu'il y a. Ah, mais ils avaient perdu la finale. En Europe, ils ont foiré. Ouais, ils ont pas eu de chance, oui. Et là, il leur restait juste ça. Ils ont eu un début de saison difficile et une fin de saison un peu meilleure. Et là, en plus, ce que j'ai vu sur internet, c'est que le Racing 92, ils sont chopés un expulsé au début du match. Et ils ont joué avec un joueur de moins, ils ont quand même réussi à gagner, tu vois. Ah ouais. Au rugby, un joueur de moins, c'est quand même. Bah, c'est pas comme au foot, hein. C'est difficile. Et Bernard Laporte doit être dégoûté. Oui, c'est Bernard Laporte. Il est chaud, t'as vu, Romano. C'est l'entraîneur de Toulon. C'est l'entraîneur de Toulon. Il se barre, lui. C'est son dernier match. Dernier match, ouais. Il a perdu, c'est pas cool. Ah bah oui. Bah écoutez, on pense à voler Toulonnais. Bravo les fans du Racing 92. Premier sur le rugby, bien sûr. Bien sûr. Mais surtout premier sur le foot. Et sur l'euro. Le ballon rond. Ah, on n'a pas fait le double appel, on fera lundi. Désolé, ouais, t'as raison, Poto. Il y a Poto qui dit, mais c'est quand le double appel? Quel est le point commun entre Pogba, Matuidi et Cristiano Ronaldo? Le coiffeur. Bah, bien joué, Tifoul. C'est vrai? Bah, tous les trois, ils ont le même coiffeur. Donc, c'est un portugais, ouais. Ouais, un portugais, tu le connais? Il est 77. Paris, ouais, il est panam, ouais. C'est celui qui teste les coupes de Pogba et qui lui envoie des photos derrière. En fait, c'est ça. Donc, il coupe les cheveux à Pogba, il coupe les cheveux à Matuidi, il coupe les cheveux à plein de joueurs. Pour aller couper les cheveux, par exemple, quand il est à Turin, Pogba, il lui paye l'avion. Aller-retour. Mais pas que à Turin, le mec va les veilles de match quand il y a des gros matchs et que le match passe à la télé, les joueurs ils savent qu'il faut être beau gosse machin. Donc le gars va à Rome, après il prend un autre vol, il va à Dortmund, il va à Liverpool, il va à Turin, le mec va à Paris, Et il voit tous les matchs, ça va, ouais. Ah bah ouais, il se fait inviter par les joueurs, bon je pense qu'il lui paye la coupe quand même. Ils sont coquettes, hein. Et en fait, ouais, et donc c'est Cristiano Ronaldo qui a vu ça, tu vois, il s'est dit, ouais, stylé quand même la coupe de Pogba machin et tout. Et donc il a pris contact avec ce mec, ce français là du 77, d'origine portugaise, et il a fait venir à Madrid, le gars lui a coupé les cheveux à Cristiano Ronaldo. Faut que je le dise à un pote à moi, il s'appelle Jean-Louis David. Il fait faire les clashs de temps à autre. Ouais. Je lui dirais parce qu'il y a des moyens de se faire de l'argent. Ouais, apparemment. Hein. Ouais. Alors un autre qui est aussi réputé, parce qu'en fait je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui donc c'était encore journée huis clos à Clairefontaine, et apparemment les joueurs auraient eu le droit à la visite du coiffeur pour se faire beau machin pour dimanche. Donc on verra si Pogba et les nouvelles coupes. Mais ils s'entraînent quand même, non? Oui, mais quand même ils se sont entraînés. Oui, il y a un deuxième. Il y en a un deuxième. Pas la vie chez le coiffeur. Donc ceux qui se font pas couper les cheveux par le mec du 77 là, c'est un mec. Ils se font épiler l'arrêt du cul. Voilà. Là il y en a un autre. Donc j'ai pas son nom, c'est un Martinique. C'est l'activité que j'ai proposée. Bonsoir, c'est Didier. Bonjour Didier Deschamps, comment Didier tu vas? Deschamps. T'as rien fait le coiffeur, hein, par contre. Ah non, fait. T'as taillé les dents. Il y a le dentiste qui est venu. C'était juste pour moi. Donc voilà, bref, il y a un autre coiffeur du 93, celui-là, c'est vrai, qui est venu, lui, qui coupe les cheveux à Giroud. Très bien. Non, mais c'est cool d'être coiffeur de. Hey, je voulais vous lancer dans la coiffure. Pas con. Non, mais en plus, ouais, ça va, le mec, il a se gaver au niveau du style. C'est le coiffeur de Giroud, là, il s'est fait connaître avec Djibril Cissé à l'époque. Ouais. Tu sais, il avait des coupes. Pareil, à la Pogba maintenant. Ouais, pareil. Et il se fait connaître grâce à lui, en fait. Mais Romano. Ça te dit pas de devenir coiffeur, toi qui as fait des essais de coiffure sur ton copain là quand t'avais 16 ans? Non, c'était moi. Non, c'était lui qui me coiffait. Ah pardon. Ah ouais. Ah merde. Et toi, tu lui as jamais fait une coiffure? Non, mais sérieux, Cédric, tu voudrais pas qu'on te coupe les cheveux? Il était malade. Il y allait aujourd'hui. Moi, je l'aurais bien fait, mais j'en ai plus. Alors, c'est perso. Fais-le sur Samy. Il lui reste des cheveux. Non, c'est bon, non, t'inquiète. Laisse-moi tranquille. Sinon. Donc voilà, sinon encore entraînement. Toi, Tifoul. Je vais pas me faire couper les cheveux par non, toi. Non, mais au pire, on te rase complètement. Mais vous allez pas me raser, je pars en vacances. Je vais être beau gosse pendant les vacances. Je pars en vacances dans quoi? Non, ça aura pas le temps de repousser. On part, non, si. On part dans 3 semaines. Non, mais allez, mais si, mais t'as le temps. Non, 3 semaines, ça repousse pas. Le temps. Ça repousse. pouce, mais j'ai pas envie de. Non, non, merci Romano. Ça va aller. Non, mais c'est Cédric, au lieu d'aller chez Adam, c'est bon. Coiffeur. Va chez Jean-Louis David. Moi, c'est déjà fait, c'est bon, c'est réglé. Alors, voilà. L'entraînement des Bleus. Une petite pensée pour Jallet, on nous dit qu'il lui, il n'y a pas le coiffeur qui est venu. C'est vrai, bien vu. On pense à lui très fort. Donc, bien pas toi, Jallet. L'entraînement des Bleus. Et reste une piste, tes cheveux surtout. Donc, entraînement à huis clos, donc il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de supporters, il n'y a rien. Les Bleus, ils sont en mode, comme il a dit Deschamps, ils sont en mode commando. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux. Il ne faut pas qu'ils soient perturbés par l'extérieur. Donc, il n'y a pas les femmes de joueurs, il n'y a personne. Il n'y a rien. Parce qu'on se souvient, il y a 10 ans, il y avait eu une Coupe du Monde, enfin, il y a même 15 ans, là, en Corée. Ah ouais, bah c'était mais c'était la celle qu'on avait foirée. C'était la fiesta là-dedans. Ah, tu avais les meufs, tu avais des putes, tu avais les supporters, les journalistes, il y avait tout le monde dans, bah, dans l'hôtel bordel. Où ils étaient, déjà, l'hôtel était ouvert à tout le monde. Ouais, puis c'était un hôtel en centre-ville, c'est le truc, rien à voir. A priori, il y avait le bœuf à l'époque qui allait taper des pokers jusqu'à 3h du matin. Ouais, normal. Casino de l'hôtel. Et on s'était fait éliminer comme des merdes. Bah, premier tour. Premier tour sans marquer un but, sans rien. Horrible. Mais les mecs qui passaient leur nuit à jouer au poker au casino, qu'est-ce que donc lui Deschamps, il veut pas de ça, donc il a mis l'équipe de France en mode huis clos, commando total. Mais il y a quand même des petites informations qui ont filtré, notamment Adil Rami. Hier, il s'est pas entraîné, il était un peu blessé. Mmh. Il avait un petit coup au genou. Aujourd'hui, il s'entraîne normalement. Donc il sera pas forfait pour le match de dimanche. Okay. Comme Giroud qui a repris l'entraînement normalement, donc il y a pas de souci. Et les Bleus en fin de séance qui ont travaillé les tirs au but, parce qu'à partir de donc demain, c'est les matchs à élimination directe. Donc en cas d'égalité à la fin du match, il y a prolongation. Ah ouais. En cas d'égalité à la fin des prolongations, séance de tirs au but. Ils ont raison parce que contre la Suisse, on a eu un paquet de coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs. Ah mais ça se travaille. Et on a tout foiré. Ben c'est des séances d'exercices spéciaux donc. Ouais, parce que c'est bien d'avoir des occasions, mais si on n'en fout pas une au fond. Et puis là, c'est bien joué monsieur Romano, je trouve que c'est bien dit. Si tu restes à égalité et qu'à la fin, ben faut aller tirer les pénalties, ben, c'est bien de les avoir travaillé. Ouais, c'est bien de s'entraîner un peu. On disait que les coups de pied arrêtés, c'était l'une des forces de l'équipe de France en plus. Ouais, bon. Ouais. Bon, bah, faudra les bosser un peu. Bah, c'est parce qu'en fait, Payet, il tire super bien. Pour les Payet, il est rentré tard aussi pour la Suisse. Voilà, après, s'il n'y a personne pour mettre la tête, bon, on verra avec le retour de Giroud là. Oui, mets ta tête, Giroud. Voilà, mets ta tête, Giroud. Très bien, la tête coiffée par le coiffeur. Ouais, t'imagines. Du 93. Du 93, le martiniquais, c'est bien, t'as retenu. Très bien. Donc, bon, Berger, il s'appelle le mec. Ouais, c'est lui, ouais. Le coiffeur. Ça, c'est celui de Giroud. Ouais, le portugais, il s'appelle Mika Caiola. Vous pouvez aller voir sur ses réseaux sociaux, le mec, à chaque fois qu'il coiffe un joueur. Mika Cagol, il met une photo ou une vidéo. Tu vois comment il fait Pogba, Cristiano et tout. Et quand il a coiffé Cristiano Ronaldo, Ronaldo lui a offert son maillot. Il lui a signé. C'est avec un C, Caiola, là C'est avec un C, ouais. Vas-y, je vais aller voir. Je vais aller voir sur Instagram, il y a une vidéo de Pogba, il lui fait une étoile et tout. Je pense pas que c'est d'aujourd'hui, mais. Bon, bah, allez, on verra si les nouvelles coupes. On va vous les mettre sur nos réseaux, là, les réseaux Skyrock, Skyrock FM. Bon, voilà pour le journal des Bleus. Oui. Le prochain journal des Bleus, c'est évidemment lundi. Et j'espère que les Bleus seront encore là parce que c'est à élimination directe. Mais enfin, bon, on est rassurés depuis ce matin, depuis que Kawa, ta chatte, Marie. Marie est venue avec sa chatte dans le morning, c'est mignon. Oui, et Karim. Et Karim. C'est pas ma chatte, c'est pas mon chat non plus. C'est pas ta chatte. Et elle a pronostiqué, on peut vous le dire. La victoire de l'équipe de France. Les bleus. Et la roulette qui tourne, c'est parti, on fait tourner avec Johan. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Et encore des places à gagner ce week-end pour vous sur Skyrock. Restez bien sur Sky avec toute l'équipe. Et là, c'est Johan qui va faire tourner avec nous. Johan en direct de Lille. Salut Yo-Yo. Salut Diffoul, salut l'équipe. Salut Johan. Comment va Johan? Ça va, et vous? Ça va, nous bien, la soirée s'est bien passée. Tranquille. On a eu un beau clash, Pamela a serré, il y a même un mec qui s'est branlé sur la cam, c'est magnifique. Le clash, je l'ai gagné parce qu'on ne le dit pas, donc je le dis moi-même. Romano a gagné son clash, c'est vrai. Oui. Romano the best. Merci, mon copain. Mon copain, Johan. C'est bon, copain. Riri, Rihanna a gagné dans la roulette, on fait tourner Rihanna en concert avec Skyrock, évidemment. Et peut-être tes places au bout de la roulette, tu dis stop quand tu veux, Johan. Ça marche. Ça tourne. Bien, Johan. T'es à Lille, toi, c'est ça? C'est ça, que je dis, ouais. Bah, Rihanna, elle vient à Lille. Hein, tu pourras aller la voir à Lille. Tu gagnes c'est deux places. Magnifique, ouais. Deux places pour Rihanna. C'est impeccable. Je vous remercie, l'équipe. Tu les voulais, tu les as eues. Tu vas y aller avec qui, toi, Johan? Ça va être pour les 18 ans de ma petite sœur. Et bah, voilà, c'est sympa. Super avec la petite sœur. Bravo à toi, Johan. C'est bien d'avoir un frère, hein. Romano, toi qui ne veux pas avoir de frère pour l'héritage, tout ça. Eh ben, tu vois. Non, mais pour les cadeaux, c'est sympa. Eh ben, pour les cadeaux, c'est vrai que c'est cool. Salut, Johan, profite bien, passe un bon week-end. Tu fais quoi ce week-end? Je m'en vais sur la Côte d'Opale, où toutes les paris-plages. Très bien. Eh ben, écoute, profite bien. J'espère qu'il fera beau. Hein. On te le souhaite. Bah, il vaut mieux, ouais. Salut, Johan, bon week-end. Salut, merci bien. Salut à toi. Et donc, demain matin, les premières places à choper dans le morning. Demain matin, sera avec Vincent. Vincent, que vous retrouvez avec nous, les meilleurs et les pires moments du morning. Et dès lundi, n'oubliez pas, morning best de 6h à 9h. Ouais. Le meilleur du morning, de tous les mornings de toute l'année. Avec Vincent, à Palou. loupé. On vous souhaite un bon week-end. On revient lundi soir en direct entre 21h et minuit. En direct avec du foot à suivre lundi, je crois. Hein. Ouais. C'est reparti pour l'Euro. Ça repart d'ailleurs dès demain, l'Euro. Hein. Ouais, demain, si vous voulez vite fait le programme, il y aura Suisse-Pologne à 15h, Galles-Irlande du Nord à 18h, Croatie-Portugal à 21h. Donc si vous aimez le foot, vous allez pouvoir passer une journée de foot. Ouais, bah carrément, putain, toute la journée. C'est reparti pour 3 matchs. Bon, dimanche, il y a 3 matchs aussi, notamment celui des Bleus. C'est bien ça. Lundi, on n'en aura que 2. Donc les Bleus, 15h. Hein. Ouais, les Bleus, c'est 15h. À 18h, il y a Allemagne-Slovaquie, donc ça c'est dimanche. Mmh. Et Hongrie-Belgique à 21h. Et pour lundi, 18h, Italie-Espagne. Et 21h pendant l'émission, Angleterre-Islande. Très bien. Et les Anglais nous ont quittés en Europe. C'est une tristesse absolue, ça, quand ça même. C'est-à-dire qu'on va bien avoir on va maintenant prendre un visa pour aller en Angleterre. Ça, c'est ouf, ça. Donc, bah, on ira pas. Ouais. Et bah, ouais. Ouais, on ira moins, quoi. Oui, bah, on ira. Moi, j'y allais déjà pas trop. Non, mais surtout, se pose la question des 150 000 Français qui vivent à Londres en ce moment. Il y a pas 500 000. Ouais, ou 500 000, je te disais un chiffre comme ça, mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Bah, si tous les mecs qui sont partis faire un an là-bas pour apprendre l'anglais. Bah, s'ils sont là depuis moins de 5 ans, c'est le bordel. Et s'ils sont là depuis plus de 5 ans, ils vont avoir un permis de séjour. Enfin, c'est un truc de ouf. Non, ils sont trois même. Là, tout à l'heure, ils en parlaient aux infos. Là, je regardais. Là. Mmh. Donc, ceux qui sont là depuis plus de 5 ans. Genre les étudiants qui partent 6 mois comme ça. Il y a une explosion des demandes de nationalité anglaise. Ah ouais. Ouais. Parce que. Ils donneront pas à tout le monde parce qu'ils veulent plus. En fait, ils ont voté contre les étrangers. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Même, c'est sur l'examen là-bas. Et donc, maintenant, pour les Anglais, on est des étrangers. C'est horrible. Ouais, c'est ça. En fait, avant, on était cousins européens, tout ça. Maintenant, c'est des étrangers. Ah, et après là, il faut que ça se mette en place pour comment ça va fonctionner. Ça va être bien le bordel, parce qu'en fait, pour le moment, personne ne sait. Et puis il y a plein d'Anglais en France aussi qui vivent en France. Et puis les Anglais en une journée, là, ils ont perdu un paquet de thunes. Ah ouais, ça c'est clair. Ah bah il y a ça aussi, ouais. Par ménage, ils vont perdre 2200 euros par an. Normal. C'est bizarre de voter pour ça. Romain, on te dirait, tu votes pour perdre 2200 euros pour les garder. Tu votes par an, hein. Tu votes pourquoi? Bah je vais pour les garder. Et ben voilà. Ben non, ils ont voté contre. Putain. Eh ouais, Cédric. Eh bien. Sur ces bonnes paroles et cette petite politique, ce petit point géopolitique. On va vous souhaiter un bon week-end. On salue les Anglais s'ils nous écoutent. Chez Québec, nous écoutent le soir. Bah Big up les Anglais. Il y a la reine d'Angleterre, on l'a vu. Et la reine d'Angleterre qui était là hier soir. Ouais. Bon, on vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, éclatez-vous et puis profitez de Sky tout au long du week-end. Il y aura du Rihanna à gagner et puis plein de sons à écouter. Et on parle de sons. Eh bien, Fredo arrive. C'est parti pour la nocturne de Planète Rap tous les vendredis soirs juste après l'émission pendant 2 heures. Et il y aura du Jul dans la nocturne. Enfin, Fred vous explique tout. Bon week-end, profitez bien, on vous embrasse. Bon week-end. Ciao. Éclatez-vous bien. Et lundi, 21h, on est de retour. Ciao. Ciao. Allez, salut. Écoute, ça se passe dans la radio libre de Difool. Alors, Jules, tu voulais une grosse moto et on t'a ramené. Un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre en Y. Tous les soirs. Donc, tu vas le mettre en Y. Alors, c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh, vas-y, Jules. Tu veux que je monte derrière? 21h minuit. Il est tout blanc, Difool. Ça fait des roues arrière et il est en panique, s'il te plaît. Difool, tiens, Difool. Tu sais, il a accroché comme une meuf. Adieu. Tous les soirs, Difool radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Ils sont là, ils sont en pleine forme après un concert mémorable hier, on peut le dire, à la maroquinerie, les gars. J'ai pris le feu hier soir, ça a brûlé, je n'ai même plus de voix. Il s'appelle Panama Bende. Comment ça va, messieurs? Ça va et toi? Calme-toi. En pleine forme, tout va bien? Tranquillement, gros, ça se passe à fond. Un petit mot pour les gens qui viennent de se brancher, qui vont vous découvrir. Panama Bende, donc, comme le dit le nom, groupe de rappeurs parisiens. Panama Bende, par groupe de rappeurs de cette putain de rappeur parisien. On est là pour fourrer ce putain de game. On arrive bientôt et voilà. On est là, on rappe. Et vous êtes déjà même arrivé à te sortir. Là, on va. On a notre projet Bende Mafia qui vient de sortir là dimanche dernier. Ouais. Il est dispo gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Et voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc, on a c'est une première carte de visite. Exactement. Depuis 2 ans, première carte, ouais. Et en fait, c'est pour annoncer un gros projet qui arrivera dans les bacs vers octobre, novembre. Si et puis, je veux. Et puis, en effet, tu parlais du clip, il y a Fumée Verte là qu'on peut voir un peu partout aussi. C'est sorti il y a 2 jours. Sur O5, vous pouvez voir sur O5 le clip aussi sur YouTube, Big Up. Ils sont dans les locaux d'ailleurs. Et bon, salut au Five qui est là aussi dans cette nocturne avec le contrôle au Panama Bende, les gars. On balance déjà des sons pour faire connaissance avec vous en musique. Il y aura même du live aussi, il paraît qu'il y aura du freestyle. Pourtant, certains ont perdu des voix. On va freestyle pour vous. Bon, on va freestyle au calme. Pour ceux qui nous connaissent pas encore, ça va freestyle lourd. Et bah, c'est parti, coup d'envoi maintenant sur Skyrock. Panama Bende. Planète rap. 100% rap français. La vie est sombre, les pieds sont au contrôle de la planète. Y'a même plus de liaison entre le cheval et la calèche. Et on va pas sortir l'arbalète. Vendre calage pour repeindre cette prod. Ma gueule, j'ai toute ma palette. L'amour est toujours vivant, mais se cache bien au fond de la mallette. Passe la manette, je tire une barre et je masse la canette. Ivre ou pas, des petites soupapes, on en a tous mises. On en a tous mangé. Mais j'ai compris que tu perds trop de temps quand tu penses qu'à venger. Le danger, c'est que je vois trop de gousses quand il n'est le manger. Pour avoir des sous, il faisait que détailler le sanger. Mais moi, je t'ai refilé ce qui t'a mis bien. Boîte pendant plus d'un an. L'impression d'avoir vendu la mort, je m'en veux évidemment. Mais faut être honnête, mon leçon, qui t'a regardé les taux. Beaucoup de ceux qui se lèvent tôt verront jamais le merco. Arrête de faire le foulet. À côté de nous t'es tout lège. On vise le milli, donc on frappe fort. Goûter la merde depuis tout petit. J'suis dans le hardcore. Ce jeune qui vend des barrettes à ton fils. Qui réinvestit tous les sous dans la production de son disque. Ben des Panama loin devant tout le monde. Tout le monde. On sort la mixtape, il se passe des trucs sombres. Ouais, t'as beau tapoter sec, on est grave, on essaie de la rage, on essaie. La concu, on la graille entre le plat et le dessert. PDA prend la plaque par cœur, on est à 2,80. Monte le son, monte le son. Jamais HS. On n'a pas fait la sieste. Ah. Du blé, on est tous occupés à gratter sa pièce. On fait un gros budget. Ça y est, ça presse. Presse pour tous les gars chez moi, comme tu te barres de la cesse. Dans le but de se barrer de la thèse. Tu gères tes affaires quand on proc. Ce sera le calvaire quand on proc. T'annoncera ta peine. Il faudra pas faire dans ton froc. En plus, tu rates les cours. Et quand tu y étais, t'es quoi, t'es sourd. T'apprends plus en bas des tours. Me vois bien faire des allers-retours en Babylone. Washington. À 50 piges avec une raclée comme Jackie Brown. Les que flim foutent la haine. Quand je pense à mes gars qui dorment à Fleury ou à Fresnes. Maintenant tu sais la te street où ça mène. Faut du feu puis toute la semaine. Dehors les rats qui se forment. Devant le taxiphone, deux chiffres sous la semaine. Plus les chiffres s'additionnent, plus y'a de chance que les bleus ça mène. Je suis pas au maximum, enfoiré, je suis mieux que ça mène. Montez la sensation, le monde est sans pesanteur. Tremblement de terre, on prend de l'ampleur. En pleine ascension, le monde est sans pesanteur. Tremblement de terre, on prend de l'ampleur. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. J'ai des couples et j'avise. Faut vous pousser, courez loin, ouais. Me saouler pas avant que mes coups les abîment. Faut continuer à mailler, c'est à part égale. Plus libre et coussa ma syndrome du daron, je veux que ça balle les femmes. Smartphone mouché pour les tasses et grosses doses. Bende. Pas le temps doucé, je le dis cash, on vexe les trous, bro. Faut que ces mots résonnent et que ce trou s'exorbe en moi. Faut que chez moi j'ai de l'or et que je trouve les portes dans le noir. De la Seine-Saint-Denis aux Hauts-de-Seine. Préviens tes dirigeants qui sont le tapis qu'on se prosterne. Et quoi on veut le changer en gros père, c'était frère la grosse tête. On te ken sur du gospel, mon mob est équipé si tu veux chose qu'elle. On se coffrait sous la chaussette, bonbonne sous les yeux-coups. L'économe, et je veux bien rajouter, c'est le yo-yo et cool. Et bonhomme, fais pas trop le foot à gauche, on tourne. D'où je viens épiner la source, on tape le cul de ta meuf sur le métronome. Je suis de ceux qui crassent la haine sur l'anti-pop. Je prends n'importe lequel, mec, je taffe pour que l'eau soit le porte-seille. Un skip, les petits grands discours. Tes grands sont pleins de grands discours, fils. L'état est pour que nous c'était sorte des bandits de souche. Clair de lune, des enfants stables pour quelques thunes. Y'a des têtes de turcs, des amis d'enfance assis ensemble, maintenant se perdent de vue. Dehors, on prend des séquelles. Viens ici, on démarre. Tous nos cœurs sont CK. Faudrait qu'on se barre aux Seychelles. Je l'invite, mais je bosse. Gloss sur ses lèvres. Si cette pute me suce la bitch, j'pense pas qu'elle embrassera mes gosses. Elle prend le jet ou elle a mis sa rive. Elle sait que je vis la nuit. Je la baise et puis je disparais comme le Titanic. Ma peine c'est ma vie d'artiste. Tu le baisses, tu le fibres. Je les baisse comme le B.I.G. Je sais que je risque ma vie. Achète mon tissu si je te fais kiffer. On se voit, on se dit à Cafas en évitant les braquages. J'en ouvrira des coffres. Je suis le nouveau prince de Paname pour mes disques. Aide-moi à coffrer si tu veux que sur moi j'ai pas d'armes. En pleine ascension, le monde est sans pesanteur. Tremblement. On prend de l'ampleur. En pleine ascension, le monde est sans pesanteur. Tremblement de terre, on prend de l'ampleur. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ah yes, ben des mafias. Panama, ben des mafias. Du loup. Je voulais du pif, la bonne affaire ma fille, les bénéfices. C'est l'objectif, et miser sur la mif, partage de bénéfices. Béni, je mène mon clan, au fil du temps je me crispe. Car, fais pas une pizza, mi-car, ni smoke, ma dernière carte en gold. Golf avec Obama, comme dit Makala, elle donne. One détonne, pas promis à une carrière sur le trône. Et faux cause pour cause, elle dort à la BEN des MOP. Coup du MOP avec ta mise au pied, jeune croupier. Tout s'accroupit, j'opère au feeling, obligé de kicker. Aucun disque est rayé, comme mon maillot de noix ici. Je pourrais me noyer si tu fais des bordels vagues. Bouge la tête avant la repose au bal, je venais monopoliser le mic. Nike Air Max dans la berline et je me casse sur Paris. Sud, les salis sur oubli, je me gare à faire du sale. Sud des villes obscures, inhalent la pure. Peu, les yeux purple, on fout le zbeul dans ton peuple, ouais, nique ton peuple. C'est débile en fils. Fils, t'assume pas l'effet surprise. J'vous la même et sur qui j'pourrais jurer miss. Un jour, le jour, autour de moi, les photos. Get, get, get, tendu par les condescendants. Nick, j'm'entête quand j'te dis que l'être humain est un bon. C'est perplexe, mais bon, j'relativise sans faire mec. Et j'ose te dire des choses qu'on expose en fond de puits. But, m'arrive visé, au pire, j'me retire vite. J'vois que t'es pénotisé, ce but. Moi, j'veux le salaire d'Ancelotti. Plus, c'est pour me branler, j'achèterai le bus. Plus, j'suis ce gamin qui veut se noyer dans le luxe. Avant la fin de la peine que j'pure, j'veux la réussite, ça urge. Merde, merde, merde. Avec les fenêtres ouvertes, il ressort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. Monte le son. C'est un seul mode de vie de page qu'on les compte. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il ressort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. C'est un seul mode de vie de page qu'on les condamné. Un seul mode de vie de page qu'on les condamné. C'est un seul mode de vie de page qu'on les condamné. Est obligé de travailler. Qu'on est condamné. C'est un seul mode de vie de barge qu'on est condamné. Yo, c'est Elio et les Sam, attention à l'arrivée des vétérans. On fait les rap donc il est préférable. Vous tiriez la révérence. Quand y'a plus de hub, on a la clope B comme James Dean. Roule avec des top modèles. Donc les coronets vides. Tous les samedis, mes nomades veulent le pécho de la skunk. On domine dans tous les domaines, ça fait Edge Striking. Mec, on rap classe, on hérite bien, c'est principal but. Lifestyle américain, nos vies des caricatures. Ça fait middle kick dans les man de ville au ville, on aime ride. Ou road et sous herbe. Viens comme une émeraude. Rap, musique, c'est par ici que ça se passe. Ça pas juste de la ville, mais de Paris, ça au sein. Je rappe pour mes frères, mes princes, est-ce qu'ils rêvent pour les en Porsche ou en Benz, veulent les poches pleines de peste, puis leur 15 berges. On est le futur, donc on se met juste et plus que bien. Luxure et lèvres pulpeuses, suis sûr de rien, mais plus je fume. Je me dis que je devrais rouler un autre pur sur ta chute de rein. J'étais comme app, on a un réseau large, je connais mes sauces par cœur. Trop chaud pour le thermostat. Tous les ghetto blasters. Les femmes nous insultent, la nuit reviennent nous chouchouter le jour. L'amour c'est comme la roulette russe, sauf qu'on est sous boulette. Ok, trop. C'est comment. Je crois que le chétan est tous les jours sous camel. Sac à main. Juste avant de tirer un sac à main, sac est mort. J'ai toute une mif et je peux pas penser qu'à moi. Surveille tout peu sac à mot. Vois tout s'en passer comme un fils au comore. Pour mon tonton cadère, on fait du bon son tadère. Je m'en fous mon yax d'air. J'ai pas sac à mif, pas si coma dans mes écouteurs. Je me pas dans scooter. Sans 10 au pompier, sous un soleil d'équateur. Au quartier, y'a plein d'enquêteurs. Je connais un que tu me dis au que non, un inconnu s'est fait canner au cutter. Faut maille, faut du beurre. Je m'en bats tes producteurs. Parfois ma gueule face à ma feuille. Je m'arrache les mots du cœur. Je viens dans mon décor. Le rap, j'ai mis d'accord. Message qui m'aide encore à repousser mes blèmes. Programme la main d'hier. Casillas, moi aussi, Malias. Faut que la famille brasse, on s'allie à la street. Mange tous les jours Faritas. Mars sous le matou. Et KLS sera mon alias. Allez, où tous les MC sont à l'ouest. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. C'est un seul mode de vie de barge qu'on les compte. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. C'est un seul mode de vie de barge qu'on les condamné. Ouais, qu'on les condamné. C'est un seul mode de vie de barge qu'on les condamné. Ouais. On est condamné, c'est un seul mode de vie de barge. On est condamné. Ok, les amigos sont hâles. Prêt pour la fonce dalle. On se cale des gros G. Dès qu'on sort, on sky. On se taille des bars avec des meufs. Du bon sky. Bronche app derrière le comptoir. Fais-moi de la sombre. Bonsoir, c'est chum. On te carte et fonce carte. Vends tes darons. En plus, t'as même pas ton gars. On parle de tout, de rien. Merci à SF pour ton flow. De rien, je crie un texte. Comme ça que je vire. Le pire, un être peut être vilain. Pire qu'un fils d'inceste, honnête, bilingue. Ouais, j'ai pas encore démarré. Ça les fait marrer. Il ferait mieux de se préparer. Ils vont tourner comme on t'a marré. Décaler des pierres pour pouvoir observer la vue. Dans le rap, on perd de la thune. Constat amer de la feu. À skip, faire de la musique, faire, c'est faire de la flûte. L'appel de la gravité, c'est l'appel de la chute. Mais la vie, yo. Alors je ride, ride, ride. Bien quand je fais du son, ma tête c'est va de va de va de. Dans le sang depuis la naissance, faire du salon essai. Dans ce monde y'a même plus d'essence, je laissera pas plus de cesser. Je crois que tu vois qu'on essaie et qu'on a tous un peu d'aisance. Notre police c'est les textes, la force de nos femmes c'est l'essence. Ouais, c'est l'essence. Ouais, c'est l'essence. Ouais. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes, il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. C'est un seul mode de vie de barge qu'on les compte. On ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il en sort des nuages de fumée toutes vertes. Toujours bien accompagné, toujours bien accompagné. Ça, c'est mode de vie de barge qu'on est condamné. Ah, c'est mode de vie de barge qu'on est condamné. Ça, c'est mode de vie de barge qu'on est condamné. Ça, c'est mode de vie de barge qu'on est condamné. Ça, c'est mode de vie de barge qu'on est condamné. C'est la nocturne et c'est Panama Bende au contrôle de la nocturne avec nous ce soir. Merci à vous d'être là, les gars. On a déjà eu un bel aperçu, déjà deux morceaux. Donc, ça, c'est extrait du projet qu'on trouve gratos partout. Hein. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Bende Mafia, disponible. Bende Mafia. Toutes les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Napster, YouTube, Apple Music. Apple Music, tout. Téléchargement YouTube. Illégal. Tout est là. Marché ouais, noir. On peut le dire, c'est pas téléchargement illégal. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Tout. Qui nous raconte un peu l'histoire du Panama Bende, comment. Allez, Aladdin. Alors, qui s'y colle? Qui s'y colle? On a un groupe de potes, en fait, on rappait tous dans Paname. On est tous des mecs de Paris à la base, d'endroits différents. Il y en a qui sont plus dans le nord de Paris, à l'est, au sud, un peu partout. On faisait des événements de rap parce qu'on était tous déterminés et on voulait tous faire ça de notre vie. Du coup, on s'est rencontrés, les affinités, elles sont créées, il y a des groupes qui sont formés. Mmh. Et au final, ça a donné ce groupe de 7, Panama Bende, dans lequel il y a Ormaz, Elio, Lesram, ASF, The et moi-même, Aladdin et PLK. Et PLK. Si. Et voilà, ça nous fait super plaisir d'être là. Et c'est ça. Comme ça que et moi, ça fait plaisir de vous recevoir et de vous faire découvrir. On est là, et voilà, hier, on a fait la maroquinerie. Ouais. Aujourd'hui, on est avec toi, Fred. Et alors, j'ai vu les messages, les gens qui. Ils étaient hystériques, hein, la maroquinerie. Ouais, c'était la folie. C'était la folie. Franchement, c'est un des premiers concerts qui s'est passé comme ça. Il y a d'autres dates de prévues pour vous d'ailleurs, il y a de tête, est-ce qu'il y en a d'autres de prévues ou... on peut pas annoncer vraiment, mais il y a des grosses. Ouais, il va y avoir des grosses. Il y a des déjà, grosses on est sur un festival show à Marseille, là, enfin dans le sud, le Mars Attack à la rentrée. Ça va être la folie, il y a une grosse live. On est en train d'essayer de monter une tournée. Et on va être sur des dates, de toute façon les gens ils auront les informations, en général on les donne toujours sur les Panama Bende sur tous les réseaux. Alors voilà. Pour vous suivre, c'est quoi? C'est Panama Bende. Panama Bende, Facebook, Instagram. Tout, on est partout sous le même nom, Panama Bende. YouTube, Panama Bende, tout, tu peux partout. Et les gens ils vont faire, ils verront après, ils diront. Eh bien, je crois que maintenant il est grand temps de repartir sur un morceau. Exactement. C'est parti. Un morceau qui s'appelle Day. Exactement. Un morceau qu'on a fait. Pris des risques pour la vie, des rêves, mais tel un rituel. Trahir la vie se corse. Hier titubant, aujourd'hui titulaire. Chemins inhabituels. Marque de sang sur le mur du son. Sauvage depuis la naissance, comme si ton gosse te mordait le sein. C'est mortel, viens. Hôtel 5 étoiles pour mes inquiétudes. Une nuit de plus, ça c'est qu'un tel âme. Les douces sont où le pense casse. Basta, au lieu de poser des questions. Hey, écrit génération perdue, je crois. On pense qu'à la perdure, c'est dur. Mais putain, faut la montrer qu'ils se trompent. Dans nos rangs, plus de créatifs que chez Dior. Bâtard, ici sert, t'en crois à leurs idéaux. Les médaillés viennent d'ici et d'ailleurs. Goutte de sueur sur l'arcade. Méthode musclée à la die hard. Dans le ciel et dans les cieux, les éclairs passent. Le bonhomme reste perplexe, mais le désespère happe. Arrestation, mais on s'arrête à peine. Café pété, le son dans la RS4. Ouais, je suis avec les roues à PDM. Ouais. On fait pas de chrome, arrête nous prendre pour cette DLM. On éponce des sous-shits, si y'a Haja, t'inquiète, j'ai plusieurs plans broliques. La concu s'essouffle, va falloir leur prescrire de la ventoline. Chez moi y'a pas de guetteur, non, c'est tout le monde qui crie. Quand t'as de mes potos se fait péter, on va tous nettoyer chez lui. Ouais, mouche. Ramène-moi des litres, on cache et je ferai mon bénéf. J'apprends en comptant dans la rue, poto, je suis le meilleur élève. Sous-cheche avec une sassa. Tard le soir, on arrose et on plante, mais putain de ça, mais rien pas d'arrosoir. J'aime tous mes frères qui sortent de mosque ou d'une synagogue. L'école, on emmerdait déjà tous Pythagore. Ouais, va dire au chef de poste que je l'emmerde. Lui, c'est brique de jus, que j'ai pas faim. Je suis seul, mais je perds sa femme et puis je le pisse dessus. Le shit, le vice nous tue. Je fonce des cherches un flanc à part. En aparté, je suis avec un de mes gars et puis on se prend la poire. On rêve de partir en Thaïlande pour 2-3 semaines, hein. Ou de partir dans le nord de la Suisse pour 2-3 scènes. Ouais, tu crois que je mène une bête de vie, que je tape la c'est que j'ai trop la haine. Dans toute la semaine, je bigrave mes barres et je taffe au garage. Je RM en foyer. Ouais. Ouais, c'est comment? Bende Mafia dispo partout. Panama Bende, monte le son dans ta voiture, mon ami. Days lance. Yeah. J't'ai empilé dans la nuit pour faire de la maille. Comme un loup dans la ville pour imposer ma loi. Si il faut le faire, moi le trophée, je l'arrache. Aujourd'hui, on rappe nos vies, on vient sonner la lampe. J't'ai empilé dans la nuit pour faire de la maille. Comme un loup dans la ville pour imposer ma loi. Si il faut le faire, moi le trophée, je l'arrache. Aujourd'hui, on rappe nos vies, on vient sonner la lampe. Ouais gros, c'est pas demain que j'avouerai tous mes torts. Faut que je reste cool mais fort et qu'on booste les scores. Crois pas que j'écoute les ports. Mais y'a ma mère que je veux pas décevoir. Donc plus tard je veux apercevoir mon couple espoir quand j'ouvre mes stores. Promis on aura pour nos fistons un jardin pour décor. Pour l'instant je vois que les tours des orbes à l'horizon. Tous en position, on fout tel bord. Nos pistons redoutent des forts. Tu veux découper les gants, ma plume découpe les corps. Je réveille tous les morts. Je suis ni sataniste, ni stip, mystique qui se dit du cible du 666. Ouais, ouais, si, si. Quand je vois leur briller, je veux me l'approprier. 9-3 City, ici on pense qu'à notre billet. 14 juillet, c'est quoi le programme? Les vagogrammes, les gages au crâne. Parle de thunes, mais n'en font ab. Nos détails au gramme. Du rap local, une peu frappe fou qui frappe au crâne. 9-3 Zoo, y'a des keufs partout, faut pas devenir paroman. Ouais, 4-5-T, vendez ma couille au fond du stud. Le rap s'inquiète, j'éclate un terre. Je gratte un texte, l'objectif est plus que précis. On revient, on refait la déco. Je fais ce que je veux, je décide, j'attendrai pas la vie des autres. À l'aise dans le rap, et ça se voit sur la vidéo. Bendé ma fille à la part, on l'a prise, on l'a mis très haut. Dès quand tout devient beaucoup trop sombre, je regarde même plus la météo. T'achètes ta folie tous les jours dans un morceau de papier CO. Tout le monde s'ambiance dans la salle, on fout le feu dans ta ville. Demande à la main de des flammes bleues, ça de la cabine. Truc est carré, texte est clean, reste épice. Bendé vient tresser le beat et tout donner pour péter le chiffre. Lors qu'il soit réceptif. Dans la vie, trop souvent elle m'a blessé. Je suis à qui je dois parler, je suis à qui je dois m'adresser. On n'est pas pressé, y'a plus qu'à refiler, gros le détail est fait. En freestyle, tu connais l'ambiance et tu veux pas tester. Le crew résonne dans ta tête, on le rap là derrière sans latex. On s'arrête pas de bosser, leur meilleur son c'est nos maquettes. On achètera jamais nos vues, si tu cliques, c'est que tu kiffes. À peine 7 ans, je donnais déjà le rythme avec mes baguettes. Blé, blé. Grosse casse d'aide à tous les soldats qui nous suivent partout. Ben et Mafia, disponible en streaming. 14, yeah. Il me rend toute la clique, tout le monde qui est niqué dans la place. Tout le monde, fric à qui je traite, blé. Bendé, bendé. Aïe, aïe, aïe. J'étais rempli ça. Dans la nuit pour faire de la maille. Comme un loup dans la ville pour imposer ma loi. Et il faut le faire, moi le trophée, je l'arrache. Aujourd'hui, un rap, nos vies, on vient sonner l'alarme. J'étais rempli dans la nuit pour faire de la maille. Comme un loup dans la ville pour imposer ma loi. Ouais, ouais, ouais. Son rap français, planète rock. La nocturne. Splair. C'est comment? Panama Bendé sur Skyrock. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'ambiance? Fricactus. Ouais, ouais. Fricactus. Aïe, aïe, aïe. Panama Bendé. Bendé Mafia dispo partout. Freeport. Ouais. Free tout le monde en vrai. Free Jojo. Ouais, je suis. Aïe, aïe, on est ensemble. Le 9-2, c'est comment? PDM, c'est comment? Aïe, aïe, aïe, aïe. Paris, Bamar, c'est comment? 14ème, c'est comment? Les Oumans, c'est comment? Ouais. Balance mes dos là. Heureux, les poches pleines de rois en pleine ascension. On repère ses plaies d'érosion, le sonar. Cramer la zone, les autres. Nous guettent comme des apôtres, les fers archefés, les drapes. Les mecs, attention, c'est peine des mafias qui piquent tout parti à ce promis à une carte fiable depuis qu'on parie grosse mise. En gros, je vise le haut. Posté chez dans le hall, guette les lots, soit sur terrain hostile. Gros style. Nique les clones, fuck les pauvres. Ceux qui me guettent de haut, ceux qui pénètrent mes lots. Romance la vidéo sur vidéo. Je veux m'avoir, regarde dehors, ça crie pas haut. Donc le prix en hausse. Élite de France, ça tu veux une équipe passe comme. On est meilleur que vous, même avec 10 litres d'alcool dans le sang. Y'a le manchant, à part les grosses sommes. Prépare les pansements, même des dents transfrères. Ça vient de Paris, gars, si tu sais pas, faut pas s'y aventurer, tu fais l'animal. Mais au moins deux faut pas, tu vas tituber. Qui t'a dit qu'il y avait meilleur que nous dans cette île de France? Comme Torti, on lève la Ducati et on part en île de vent. Nous, va plier, guider Paname. Si notre son c'est de la dope, tu vas kiffer, sniffer la cam. On demande au ciel pourquoi la peine, le désespoir. On vient connecter les planètes car nos rêves sont des étoiles. J'ai grandi quand j'y repense, on a galéré pour ça. On en avait déjà de l'avance, on était à 10%. Rappé dans les apparts sales, aussi complet que le Barça. Panama, tu sais, les rappeurs, on les shoot. Devant les meufs, les passants, c'est vrai, on était pas sages. Et cela tout en sachant que la vie ne serait qu'un passage. Mes gars ont conquis des pélos, m'amènent t'entends la guerre et tu. Mes choix ont construit mes épaules à peine 20 ans et je les tue. Passables sont tes projets bonbons. Une correction, je gagne et tu passes pas. Aga, spatiales sont les connexions. Mes projets sont des obsessions, tes collections. Fans de mes spartiens. La prod est lancée, j'apporte mes forces comme l'a fait Platon. Désormais tu peux m'appeler patron, mais n'en fais pas trop. Venu tout droit des voix fond. Sache qu'on a le sachet marron qui te rendrait accro. Il y a du brouillard, pas une éclaircie. On veut brûler le stemsi. Patrouillard, mais des brouillards. Si tu sais faire ça, tu sais faire si. Moi j'ai jamais buté d'MC, jamais bu d'NSI ou jamais fumé de Sensi. Je sais que ça paraît marrant, mais c'est bien ce que j'essayais de faire croire à papa et maman. Ça passe pas et maintenant je vois mes vieux perturbés. Dans le rap, je veux faire durer, passe au pré. On est tous à la recherche du blé. Les grands viscères la frappe, les petits te servent du thé. Si t'es pas serein, tu peux vite te faire duper. C'est vrai qu'on a l'esprit commercial. Entre Nespi, monnaie sale, on est dettes si nos mères le savent. Ben des ma fille à mes frères. Sont mes associés, inarrêtables comme un taulard grillé devant les parossiers. Hey, je vois la vie en noir et blanc, mon flot de marée d'angle. Dans ma clique, on les palais tendres qui pourra égaler le grand. Négataxe, ils vivent tout ce que j'ai appris dans le trône. On atteindra le le trône en agrippant le chrome. On prépare les prestations et restage dans nos uniformes. C'est-à-dire qu'au studio, les constellations fusillonnent. Casquette vissée sur la tête, tu veux c'est sur l'équipe. Nique tous ces soirs qui nous piquent, c'est insoutenable. Villa de luxe avec l'un au fond des compresses. Les passants dont les conquis, à les amants dont les conteste. Les ennemis rousses pètent, guess who's back. La vie n'ont pas d'odeur à part un goût de sel. C'est pas en fumant tous tard que tu vas t'évader. Faut se booster, la vie c'est du vent seul. Les douilles restent. L'humilité se fait sucer par l'amour dans une rue. Elles sont cruelles comme si je riais des obsèques dur comme un Viet Cong. Pire ce qu'on pour m'adoucir. J'ai grandi, les courbes de la vie sont dégâts. Donc je plie bagage comme si tu pilles ça. Putain, ferme ta gueule. Fais le rappeur en charme et on sait tout ce que t'as. En importance, un endroit cher, bien neuf. C'est pas l'heure de mytho, bande de salope. Ben des danseurs rap, on fait le remake de Silent Hill. Longue la route, faut pas longer la mort. Ramasser toutes sortes de pillards. Faut que je le fasse pour rire, au moins pour les miens. Mélange ligne pour éclaircir ma vision utopique. Pourtant là, je vous assure, il s'agit seulement d'une ogive. Putain, on fume l'OG à plein. La vie me sourit peut-être pas, mais j'ai des amis qui font taf à jeun. Mon rap, c'est mal et calcabique, lunatique. Dissident, mais vitesse à un vide. Vite silence sur du ludac. On arrive beaucoup trop de flow, attention. Tu sens qu'on est là, mais là. Prod, les fauves sont prêts, ils attendent juste qu'on les lâche. Le public est un. Ils attendent qu'on débarque. Les fans les plus fidèles cassent la voix avec nous sur tous les bacs. Yeah. On va marquer le business. La musique va se taper sur ces petites fesses. Cette pute, ça ne même pas la nuit. Un état d'ivresse.